Bonjour et bienvenue à présent à un entretien en compagnie de Berthold que vous voyez maintenant à l'écran. Ici, David au micro que vous entendez naturellement en audio. Nous sommes présentement le 6 août de l'année 2020. Alors, sans plus tarder, bonjour Berthold, ça va bien? Oui, bonjour. Ça va bien maintenant. Excellent. Donc, un scandale. OK. Donc, c'est sûr que en ce début de discussion aujourd'hui, ce que j'avais envie d'aborder, c'était la question de la crise du coronavirus COVID-19. Donc, au fil des derniers mois, j'ai posé des questions en lien avec la crise auprès de différents invités sur ma chaîne de YouTube. Et il y a sans doute des gens qui nous écoutent présentement qui avaient envie d'entendre le point de vue de Berthold par rapport à cette pandémie qu'on nous présente comme étant mondiale à travers les médias de masse, que certains appellent une pseudo-pandémie. Donc, il y a sans doute des gens qui nous écoutent présentement qui avaient envie de savoir là, qu'est-ce que, par rapport à tout ça, cette crise de coronavirus dont on nous abonde notre attention à travers les médias de masse et les bulletins de nouvelles, qu'est-ce que tu en penses? Rien. OK. j'observe ce qu'ils font, ce qui se passe. Mais avant le confinement, on en avait parlé. Oui, bien la dernière fois qu'on avait discuté ensemble pour que les gens qui nous écoutent présentement puissent se remettre en contexte, c'était dans le coin du mois de février 2020 et on avait réalisé ensemble un entretien qui visait entre autres à faire la promotion de la sortie du recueil de transcription d'entrevues que nous avons faites au fil du temps, parce qu'il y a plusieurs entrevues là, ici sur la chaîne de YouTube. Donc, c'était pour faire la promotion de ce document que vous pouvez toujours vous procurer. D'ailleurs, vous allez avoir le lien là, en bas de l'enregistrement qui est rendu disponible gratuitement au public. Donc, depuis ce temps-là, par rapport à la crise, il y a quand même... tu me dis que tu n'en penses rien, mais je veux dire, tu as sans doute été affecté quand même par les mesures du confinement aveugle où tout l'ensemble de la société là, a été mis sur pause là, ici au Québec, un peu partout dans le monde, là, entre autres dans les pays occidentaux. Oui, mais c'est techniquement. J'ai pas jamais ressenti vraiment d'inquiétude. Parce que, bon, ben, c'est comme je disais, un bateau, c'est un bateau au fond. Puis, est-ce que c'est concevable? Ben oui, ça prend des prétextes. Ben, c'est comment attends je pourrais minute, dire ça? Est-ce que tu es en train de nous dire que les gouvernements nous ont compté un bateau? C'est-à-dire qu'ils nous ont compté un mensonge à travers cette menace de coronavirus qui était amenée ben, à notre attention? Je dis non, mais c'est parce que c'est plus... L'affaire, c'est, admettons là, que je veux fabriquer un paradigme au niveau d'un collectif de beaucoup de gens. Oui. Ben, je vais prendre une vérité, puis je vais la détourner, puis je vais l'agrémenter, puis... Mais c'est pas nécessairement... Moi, je vois pas ça... je vois ça très différemment. Au fond, là, nos gouvernants, ils contrôlent pas. Fait que... Bon. Ben, à ce moment-là, si c'est pas eux autres qui contrôlent, c'est qui? Ah, ça, vaut mieux pas le savoir. Ben, l'affaire, que tu... c'est que... Oui, mais... dans le fond, c'est connu. Je veux dire, là, pour sauver l'économie à court terme, on vient de la scraper pour... tu sais, le but, c'est d'endetter les peuples. Puis, il n'y a pas eu de crise tant que ça dans le tiers-monde. Ben, les pays en voie de développement, il faut dire ça maintenant, parce qu'ils sont déjà prêts à gorge. C'est les peuples occidentaux qu'on veut endetter. Parce que la dette sert... c'est un prétexte, puis bon. En fait, c'est à l'avantage des bailleurs de fonds, les banquiers internationaux qui prêtent de l'argent au gouvernement, qui doivent par la suite rembourser des intérêts, et ça les met en position de pouvoir pour, dans le fond, faire de l'influence sur les gouvernements par rapport à certaines politiques. Là. L'influence, c'est sur les peuples. Qu'est-ce que tu contrôles? Tu n'as pas besoin de l'influencer. C'est le peuple qu'on influence. Dans le sens que, c'est pour ça que j'ai jamais cru beaucoup aux démocraties, parce que la majorité est manipulable. Puis, c'est comme, comment je pourrais dire ça, ceux qui s'intéressent à ça, l'Institut Tavistock, puis ces choses-là, ça fait longtemps qu'on sait ça. Puis, comment ça fonctionne? C'est quoi les démocraties occidentales? C'est ça. C'est-à-dire que les masses, ben, tu sais, c'est leur vendre une gomme ou une liqueur, ça revient à vendre de la boisson gazeuse ou de la gomme, c'est juste qu'on la choisit d'avance, puis après, il faut la vendre au peuple. Ensuite, le peuple qui est conditionné vote Puis là, ça a l'air crédible, puis ça a l'air légitime. Comme la... Moi, je pense que Mme Anglade va devenir première ministre, puis que ça, elle a été choisie même avec Legault sur le pouvoir. Mais Donc, ça, c'est c'est plein par rapport d'alternance. au Parti libéral ici au Québec. Mais en fait, le point, est-ce que tu es en train de nous dire que le gouvernement cherche à nous vendre l'idée d'une crise, d'un méchant coronavirus meurtrier? Ben, on n'est pas dans de la crise, c'est de la démolition contrôlée. Partout en Occident, les systèmes de santé ont été délaissés. Puis ça, c'est, il y a une synchronicité, là. Ça a été voulu. Puis on le sentait que ça viendrait, mais moi, je ne vois pas de crise, pas encore. Ben là, Parce qu'une attends une minute, crise. attends une minute. Présentement, c'est pour ça que sans doute les gens vont trouver ça intéressant d'écouter l'entretien d'aujourd'hui, c'est qu'on va aller chercher ton point de vue sur l'événement que représente la pandémie ou ce que certains appellent la pseudo-pandémie, tout dépendant quel regard qu'on jette là-dessus. Mais présentement, depuis plusieurs mois, on nous vend l'idée que le virus est meurtrier, qu'il y a beaucoup de morts au Ben oui, il est Québec, là. meurtrier. Oui, il y a beaucoup de morts. Ça se suicide, puis il y a des drames familiaux. Puis, il y a beaucoup de morts. Des overdoses avec des drogues. Ben oui, il y a beaucoup de morts. Puis certains qui n'ont une pandémie. Mais c'est pas le cas. Mais je vais te poser la question directement. Est-ce que toi, tu crois, ou que tu sais, devrais-je dire, selon ta vibration, que le coronavirus serait plus meurtrier que la grippe saisonnière? Ça revient au même. OK. Puis moi, ben, dès le début, c'était juste en Chine. C'était à Wuhan, là, dès le début, puis il en parlait un petit peu. Puis je disais autour de moi, j'ai dit, ça a le taux de létalité d'une grippe. Puis là, même, ça avait l'air bizarre parce que c'était pas. Il y avait, on nous disait, il n'y a aucune menace que ça se rende. Ben Mais oui, moi, puis il y j'étais a déjà juste. à dire à tout le monde, j'ai dit, ça a le taux de létalité d'une grippe. Puis. Parce que. Ça prend une crise, mais tu sais, je veux dire, c'est de la démolition contrôlée. Donc, c'est, tu sais, une pièce de théâtre, ça vient par acte. Il y a des entr'actes. Puis là, il y a un paquet de. Là, comme là, en ce moment, ils sont en train de pousser un paquet d'affaires, puis. Bien, ils sont en train de détruire les petites et moyennes entreprises du Québec. Et il y a des. Je pense, Oh, entre je autres, bien, il y a plein de choses, là, mais tu sais, juste pour regarder au niveau économique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de commerces qui ne seront pas capables de survivre à la diminution de l'achalandage, diminution de revenus, etc., qui vont faire faillite. On parle d'une petite et moyenne entreprise ici, là, sur cinq d'ici l'automne, qui va faire faillite au Québec. Et je sais que la situation est similaire pour les pays aussi de la francophonie, que ce soit la France, la Belgique, donc les gens un peu Ben, partout qui nous écoutent, c'est les mêmes enjeux. c'est les pays occidentaux. Occidentaux. Mais il faut remarquer aussi qu'il y a il y a une synchronicité au niveau d'adapter les règles à chaque peuple. Parce que si on regarde les peuples latins, bon, c'est 2 mètres, d'autres peuples, c'est 1 mètre, d'autres peuples, c'est 1,50 m. Puis Oui, il y par a une rapport à sorte la de. distanciation sociale que tu parles, moi, ce que j'avais entendu dire, c'est qu'au Québec, c'était 2 mètres, étant donné que c'était moins dense en population que la France, alors que la France, c'est 1 mètre. Ce qui arrive, là, c'est que le Québec, Oui. OK, à cause de son contexte colonial, on met 2 mètres pour des raisons psychologiques. Mais Ça c'était prend deux pas mètres. une raison banale physique, dans le sens que il y a plus d'espace. Bon, regarde, là, dans tous les pays francophones, ils parlent de distanciation sociale, OK? Oui. Bon, le vrai terme, au fond, ce qu'ils demandent, c'est de la distanciation spatiale physique. Exact. Ça, c'est parce que quand tu crées une induction, c'est-à-dire tu vas créer un état de suggestibilité, il faut que tu fasses baisser certains corps qui ne sont pas conscients en vibration. Puis ça, c'est avec un état anxiogène. Ça, c'est l'état d'induction. Ensuite, avec la suggestibilité, ça marche avec les formes. Puis c'est l'incon, c'est ce qui les structures inconscientes qui vont le percevoir. La distanciation sociale, c'est pas pour rien que c'est ce terme-là, que c'est dans tous les pays francophones. C'est parce que c'est là la suggestion. C'est une suggestion, mais c'est de l'induction. C'est Oui, je comprends que une c'est un peu comme demande. une suggestion hypnotique, C'est qu'on ça. convainc les gens, il faut que ce soit à 2 mètres des autres. Puis, à travers ça, il y a des enjeux où ce que les gens vont être plus dans leur bulle. Ils vont se sentir aussi plus menacés par quelqu'un qui va faire un câlin, qui va faire une poignée de main. Ben, moi, je trouvais ça bien menaçant avant la pandémie, mais bon. Non, ben, c'est que on est en train de normaliser la phobie sociale. Oui. Puis ça, pourquoi? Ben, pourquoi? Parce que dans tout, mettons, on va dire entre guillemets, là, un régime pseudo-socialiste, OK? Bon, ben, c'est les effectifs pour surveiller tout le monde, ben, on peut pas faire comme en Roumanie qui avait des micros jusque dans les toilettes. Fait qu'il faut que les gens se surveillent les uns des autres. Pour ça, faut que tu crées un état anxiogène, puis ensuite que tu crées des rôles. T'sais, c'est la même affaire, j'ai déjà parlé du triangle de Cartman, ces choses-là. Les Vos gens. victimes sauveurs, là, pour se remettre en contexte. Ah oui, puis, mais tu sais, c'est pas obligé d'être ces rôles-là. Mais là, mais il reste que ça revient à ces archétypes-là tout le temps. Fait que tu as du monde qu'ils vont intégrer l'État dans leur tête, mais au niveau de l'image, c'est-à-dire qu'ils vont moraliser les choses. Puis pour être un bon citoyen, ben faut que tu dénonces tes parents s'ils sont pas corrects. Parce que c'est de même, ça. Puis ça, c'en est, puis ça marche particulièrement avec des jeunes gens. Oui, bien c'est ça, ce qui est particulier, c'est qu'on a installé ici au Québec, comme dans les autres pays occidentaux, un climat de délation. Donc, si quelqu'un voit son voisin faire un party avec plus que 10 personnes, bien il peut appeler la police. Ben, lave-là la normalisation de la phobie sociale. Pourquoi? Puis lave-là la distanciation sociale. Pourquoi la suggestion? Puis c'est un peu si on prend, mettons, des formes qui font vibrer les corps, mais le monde n'en sont pas conscients. Mettons des symboles ambigus comme l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel dans l'Ancien Testament. Ici, attends une minute, un instant, on va juste mettre en contexte les gens qui nous écoutent un peu partout, là, parce que des gens, entre autres, qui m'écoutent en France. Ici, au Québec, on a le mouvement « ça va bien aller », avec les paroles qui sont inscrites en bas d'un arc-en-ciel, « ça va bien aller », puis un arc-en-ciel en haut, puis on a retrouvé ce symbole-là un peu partout dans les fenêtres là, de plusieurs Québécois, là, c'est quelque chose de très présent en société. Et vas-y, donne ton explication du symbole. Bien. L'arc-en-ciel, chez tous les peuples, c'est un symbole des plans. C'est pour ça quand Noé arrive, tu sais, quand il a fini sa traversée, puis tout, il y a un arc-en-ciel dans l'Ancien Testament, parce que c'est l'alliance, tu sais, il a fini son affaire, puis de l'arc, c'est de là que viennent les archers, archontes, ces histoires-là, mais c'est un symbole qui est bien, bien ambigu. C'est pour ça que ça fascine, puis c'est inconscient la fascination à ce niveau-là. C'est pas de la fascination comme on parle d'habitude. Puis, mais c'est aussi un symbole de la division de la lumière. Puis des affaires dans la fracturation de la lumière en plusieurs couleurs, tandis que la lumière les comporte toutes. Puis pendant ce temps-là. T'as-tu déjà remarqué pourquoi Freddy Krueger, il a un gilet barré rouge et vert? C'est pour des raisons psychologiques. C'est pas rouge et noir? C'est rouge et vert. En tout cas, moi, il me semble, dans mon souvenir, il était rouge et là, noir. J'ai étudié les techniques de psychologie au cinéma, puis c'est rouge et vert. OK. Il est vraiment Robert Torchekra, ça peut être l'éclairage qui fait qu'il a l'air rouge et noir, mais c'est rouge et vert. Je ferai ma vérification, mais juste pour en venir au symbole de l'arc-en-ciel qu'on retrouve ici. Ben, un c'est peu parce partout. Que la lumière puis les différentes couleurs, ça agit sur le système nerveux. OK? Oui. Il y a certaines formes des lignes de couleurs. Bon. Puis l'affaire, là, ça va bien aller, ça va bien aller. Au niveau inconscient, si on peut dire, les structures psychiques pré-égoïques, OK? Oui. Bon, mettons qu'on les voit comme des corps, un peu comme quelqu'un qui est triste, on pourrait dire son corps psychologique est triste, mettons, tu sais, pour essayer de vulgariser. Bon, ben des corps, ce que certains appellent l'inconscient, mais c'est pas d'un bloc, ça. Il y a différentes strates. Ben quand tu dis au monde que ça va bien aller avec un symbole de même, puis tout, ce que les corps inférieurs ils vibrent, c'est ça va mal en ce moment, ça va mal en ce moment, ça va mal en ce moment. Pis ça, c'est de l'induction pour créer un climat anxiogène. Mais est-ce que c'est consciemment qu'ils font ça? Là, je le sais pas. Mais peut-être que les là, dirigeants sont manipulés. Mais ça marche. Oui, c'est ça. Mais les dirigeants présentement, ou les gens à tête de ces mouvements-là, sont peut-être sous influence astrale d'entités. Donc, il faut qu'ils soient conseillés parce que je vois des techniques. Je vois des techniques, puis c'est des vieilles affaires. C'est des affaires qui datent des années 50. Je veux dire, tu sais, dans les années 50, ils demandaient d'un collège, ils faisaient faire des exercices de se mettre sous son pupitre, les mains sur la nuque, puis ça, c'était censé protéger d'une attaque atomique. Mm-hmm. Bon, ça, c'est parce que quand tu crées un climat anxiogène, il faut que tu contrôles les sources de l'anxiété, c'est-à-dire l'information, mais aussi les rituels collectifs d'évacuation de l'angoisse. Comme là, nous autres, on a le masque. Régules... On a le masque comme rituel. On donne l'impression que ça nous protège, comme se mettre en dessous d'un pupitre s'il y aurait une menace nucléaire pendant la période de la guerre froide entre les États-Unis et la Russie. Au niveau psychologique, là, c'est bien sérieux, là, c'est pas des. On n'est pas dans de l'ésotérisme, c'est des techniques. Bien, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que quand tu veux faire passer un collectif d'un paradigme à un autre, il faut que tu crées un rite de passage psychologique. Puis c'est là qu'il va y avoir des symboles, des fois ambigus, puis tout. Mais d'un autre côté, si tu veux que ton affaire marche comme il faut, parce que les techniques d'induction, ça marche, là, quand on regarde les tests cliniques, c'est de à peu près de 64 à 76 du monde, les chiffres que je me souviens. Donc, tu as tout le temps un pourcentage du monde, ça ne marche pas aux autres. Mm-hmm. C'est là que c'est important, tout ce qui est le mimétique, le renforcement positif, négatif, le sens critique de la partie que tu es capable. Puis ça, c'est pourquoi? C'est parce que tu vas instrumentaliser encore l'émotivité de ce monde-là. Puis c'est pour mettre le pourcentage que ça ne marche pas. Bien, c'est eux autres qu'on désigne d'ailleurs à travers les médias de masse et aussi à travers l'élite politique comme étant les conspirationnistes. Cette étiquette-là est vraiment à mode pour désigner la brebis noire, la brebis égarée à l'attirance des... Ce que je parle là, c'est pas du conspirationnisme, c'est de l'histoire. Puis c'est de la, sociologie appliquée. Non, c'est ça, mais il y a des gens qui, la minute que tu vas à l'encontre du discours officiel que la pandémie est une menace grave, si tu dis pas ça, t'es comme le pécheur là, dans la religion catholique. Là. T'es le méchant conspirationniste. Comme autrefois aux États-Unis, par exemple, les communistes étaient diabolisés. Quelqu'un qui, dans le temps du mécarturisme, il se faisait pointer du doigt. Marcartisme, oui. C'est McCarthy. Dans le temps et tout, il y avait... Mais c'est ça, mais je veux dire... Mais ça, regarde, là, oui. Quand tu regardes ça, ils ont fait ce qu'ils ont appelé une chasse aux sorcières. Exact. Ils voyaient du communisme partout. Là, c'est puis la tout, chasse aux conspirationnistes. Ils voyaient des communistes partout. Ben oui, mais est-ce que c'était pas un... Est-ce qu'en faisant une chasse aux sorcières exagérée, est-ce qu'on n'a pas banalisé un problème qui était réel? Puis aujourd'hui, on est dans un système socialiste qui ressemble à un système genre soviétique. Moi, je trouve que c'est à ça que ça ressemble. Puis même, j'ai tout le temps trouvé ça, je veux dire. Moi, je trouve pas que ça change, je trouve que ça s'accentue. Ben, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, depuis les derniers mois, je trouve que les libertés ont été brimées comme jamais au Québec, puis de manière officielle, dans le sens que des mesures très coercitives sont mises en place, là, dans le sens que les gens sont obligés de porter un masque, le 2 mètres... C'est parce que le monde, on en avait parlé, j'avais dit, moi, quand on essaye de m'inquiéter à tout prix, c'est parce que je le sais que j'ai le gros bout du bâton. Puis, de quoi ils ont peur du monde? C'est par décret, là. Je veux dire, des décrets, c'est comme un empereur, il a son sceau impérial, puis il fait des décrets. Exactement. Ce qui on n'est pas dans un empire, on n'est pas dans une dynastie. C'est ça l'affaire. Fait qu'il faut qu'ils se dépêchent. Puis c'est pour ça, moi, je pense qu'il va y avoir une fuite vers l'avant. Mais là, il y a une petite accalmie. C'est un entracte, là. Bien, justement, après... en lien avec ça, il y avait le projet de loi 61 ici au Québec qui a tenté d'être passé, puis ça a été bloqué, heureusement, cet été, parce que si ça aurait été adopté, au lieu de renouveler l'état d'urgence sanitaire aux 2 semaines, bien, il aurait pu garder ça d'une manière perpétuelle avec des pouvoirs considérables, là, des pouvoirs de délocaliser des gens, de donner des contrats sans appel d'offres, faire de... Puis là, on est dans quelque chose que, si c'est vraiment, là, même si on regarde une logique à ce niveau-là, ça se tient pas. Parce que ça donne quoi d'obtenir un paquet de contrats puis faire des millions si dans 4 ans, la monnaie est complètement dévaluée? Bien, c'est sûr qu'en effet, l'inflation risque d'arriver avec le fait qu'il y a un endettement d'au-dessus de 300 milliards là, juste au Canada depuis les derniers mois. Puis la crise n'est pas encore terminée, fait qu'on parle d'une grande quantité de milliards là, d'endettement qui va amener une dévaluation sans doute de la monnaie. Mais derrière ça, il y a des enjeux de pouvoir... dans le sens qu'il y a des lobbies d'influence auprès du gouvernement, des amis du système qui cherchent à se graisser la patte, comme on l'a vu avant la commission Chabonneau avec du trafic d'influence, de la magouille. Ben oui, mais c'est comme là il y a eu, par exemple, si on était dans un climat qui n'est pas anxiogène, qui est normal, mm-hmm. il y aurait eu des démissions. Pourquoi? Ben là, il y a des personnes âgées, elles sont mortes d'inanition. C'est-à-dire, on les a laissées mourir de faim. Pareil d'ailleurs comme les orphelinats roumains dans le temps qu'on laissait des enfants mourir de faim, dans le temps de Ceausescu. Puis ça, à cause du climat anxiogène, il n'y a pas eu de démission puis tout, mais il y a quelqu'un qui va falloir qu'il porte le chapeau. Là, ce qui arrive, il va y avoir une commission d'enquête là-dessus, mais tout le monde qui témoigne ont l'immunité. Puis les résultats, puis tout, ça va être sous scellé pour les commissions d'enquête, comme la commission Charbonneau, ça sert à noyer le poisson. Tu peux pas accuser personne. Puis même, ils vont dire, bon, gars, on te fait faire de la sale job, là, puis tout, là, tu vas peut-être avoir à témoigner d'une commission, mais tu vas avoir l'immunité. Mais n'est-ce pas mieux que rien? C'est pire que tout. C'est à cause de des affaires, puis ça fait longtemps que ça dure, c'est du patronage, du clientélisme, du copinage, de la collusion. Puis il y a des groupes là, qu'on considère que ça a rapport avec l'ésotérisme, ça n'a rien à voir. C'est des affaires comme je parle, des techniques. C'est juste technique. C'est, par exemple, comment ça marche, le système de justice, il est où le côté discrétionnaire, par exemple, d'un fonctionnaire à tel niveau. Tu sais? C'est de se comprendre un peu certaines affaires de même, c'est ça le. C'est ça, Parce mais que. présentement, ce que je vois, si on parle des personnes âgées qui, ici au printemps, sont décédées de soif ou de faim, moi j'ai l'impression que la crise a été, puis la menace du méchant coronavirus a été utilisée pour camoufler tout ça, puis justifier en Ben disant, ah, le oui. virus était tellement grave, là, que... Puis c'est comme le fait qu'il y a des gens qui se font mettre l'étiquette qui sont décédés du coronavirus sans qu'il y ait d'autopsie, fait qu'on ne sait pas vraiment de quoi qu'ils sont morts. C'est comme ils ont montré des photos de corps qui s'empilaient, mais c'est justement parce qu'en même temps que tu n'as pas le droit de faire d'autopsie, les cimetières, tu n'as pas le droit d'enterrer. Puis là, les crématoriums sont. Fait que là, c'est sûr, ça s'empile. On crée un climat d'une façon comme ça, là, avec des petits détails. Mais c'est, je veux dire, telle affaire engendre telle autre affaire, puis après ça, on prend ça en photo. Puis. Mais il reste, c'est certain que c'est un prétexte parce que c'est une décision administrative, ça, à mes yeux. Parce que c'est des ressources humaines, le monde. Il y a les physiocrates au 18e siècle qui ont décidé que c'était comme du blé ou du riz du monde. Puis eux autres, ben, ils payent plus d'impôts, c'est des vieux prolétaires, puis leurs familles, ils ont peut-être pas les moyens de prendre des avocats, puis bon, c'est pas les pauvres qui se ramassent là. Je veux dire, le monde qui a de l'argent, là, c'est pas dans les Bah CHSLD qu'ils oui, finissent. c'est sûr que quoi que dans le fond, dans ce cas-ci, il y avait quand même des résidences privées qui coûtaient entre 3 000 et 5 000 piastres par mois, là. Fait que c'était quand même des gens fortunés, là, qui pouvaient se payer ça puis qui ont eu des mauvais Ben, services. regarde, là, la mère d'un politicien connu qui est morte, qui est décédée, de froid dehors. C'était bien plus cher que ça. C'était pas mal plus cher que ça où elle était. C'est de luxe, là. Puis pourtant, mais ça, elle, c'est autre chose. C'est circonstanciel. Il est arrivé un paquet d'affaires en même temps. Mais il reste que 3 000 piastres par mois à cette heure, c'est pas cher. Tu n'auras pas. Tu sais, j'ai vu ça. T'as des affaires, là. Il y en a, ils vont engager un avocat ou un fiscaliste. Ils payent très cher. Ils payent pas mal cher. Mais ils ont un service qui vaut pas ça. Il faudrait qu'ils payent 10 fois plus cher. C'est tout le temps le Pour même. avoir un bon service. Ben, OK. c'est, je veux dire, 3 000 piastres, là. On n'est Ben, pas. ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Mais pour en revenir à la crise du coronavirus, pour regarder le culte qui est derrière ça, donc, bon, on nous a présenté des médias de masse que le coronavirus était une menace grave, il n'y avait jamais eu de virus comme ça dans le passé, que c'était une pandémie. Toi, dans le fond, la lecture que tu fais, si je comprends bien, c'est que tout ça, c'est comme un prétexte pour mettre en place d'autres choses. Ben, ça, c'était prévu, je veux dire, c'était su. C'était su avant. Ben, je T'as un m'excuse, mais paquet moi, je... d'économistes qui disaient ça va être probablement une pandémie, la prochaine crise. Puis là, ça faisait plusieurs années qu'ils en parlaient. Oui, ben, il y en a qui Et parlaient de pandémie, ça c'était la possibilité de même. problèmes liés au changement climatique, problèmes de Bon, ben, ça, pollution. c'est moins. Avec les patentes que ça prend, faut. Ça, c'est les affaires climatiques, c'est mieux de se servir ça, de garder ça comme en tout cas, c'est plus au niveau militaire. Mais tu sais, je veux dire, les histoires de. Parce que là, on n'a pas affaire à quelque chose, j'ai pas l'impression qu'on a affaire à quelque chose de. Ben, depuis le début, là, je veux dire, puis pourquoi que ça m'inquiète pas, puis vraiment ça m'inquiète pas, c'est parce que j'ai l'impression que c'est sur ce plan-là qu'il y a une attaque. On a des techniques là, qui sont Fait que des vieilles affaires, l'attaque ou la gazimoto. menace, c'est pas le virus en tant que tel, c'est ce que font les Non. gouvernements et les C'est parce que dirigeants. si tu es inquiet que tu étais en danger, Oui. parce que c'est là qu'il y a un état d'induction possible, puis que tu es dans un état Oui, de t'es réceptif à suggestibilité. Puis là, l'hypnose. Oui. Si eux autres ils ont décidé, on va y avoir des événements, créer des chocs, ben là, si toi, t'es déjà que t'es inquiet, ben les chocs, c'est plus dur. C'est ce qui vient après. C'est plus Parce que difficile à intégrer, OK? c'est ça. Ben pas juste ça, c'est que tu sais, il y a vraiment des fois un dommage qui peut être fait. Il y a du monde, ils s'en remettront pas. C'est sûr. Ben oui, C'est sûr, ben sûr. c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent, à cause de la peur et de l'anxiété généralisée par la crise, se suicider, sombrer dans les problèmes d'alcoolisme, problèmes de couple aussi. J'écoutais récemment un bulletin de nouvelles qui disait que le nombre de séparations a augmenté depuis le début de la crise ici au Québec. Donc, il y a différentes problématiques là, psychosociales là, qui s'installent en lien avec ça, là. Ben, même avec le confinement, je t'avais dit qu'il y avait plus de suicides que de morts par maladie. C'est évident. Je veux dire, c'est incroyable parce que c'est l'évidence même. Dans le fond, c'est incroyable. Je m'attends à n'importe quoi et ça ne m'étonne pas. Mais les conséquences de la gestion sont pires que ce qui était géré. C'est au niveau des morts, c'est l'évidence même. Puis ça n'a pas fini. Parce que la deuxième vague, à mes yeux, bon, ça va être lié à des répercussions techniques qui sont, qui étaient, ils savent, là. Ben oui, ben si on pense par exemple aux gens qui avaient peur d'aller à l'hôpital pour aller faire leur traitement de santé, des gens qui ont des problèmes cardiaques, différents hypertensions ou autres, ils ne se font pas soigner pendant une certaine période de temps, puis après ça, ils se ramassent avec une crise cardiaque un peu plus tard. On a peut-être tout du monde malade qui n'auront pas pu aller à leur rendez-vous, puis ils vont se rendre compte qu'ils sont pas malades. Aussi, mais ça se peut aussi que quelqu'un qui est atteint du cancer, pas pris à temps, ben il se ramasse en phase terminale à l'automne, puis il meurt. Ben, il y a peut-être un miracle. L'affaire, là, c'est que quand que ça commençait à devenir. Ben, j'étais pressé, là, avant le mois de mars, parce que fallait que je déménage, puis j'avais des affaires. C'est pour ça que on avait fait l'entrevue un peu. J'avais dit, OK, là, parce qu'après, je pourrais pas. Mais en même temps, ça me disait, tu vois, il va y avoir une série d'événements joyeux. Fait que là, je me méfiais, j'ai dit que c'est ça. Puis là, par après, après, quand j'ai fini par dire OK, puis finalement, dans le fond, moi, le confinement, c'est bien passé, c'est bien tranquille. Mais l'affaire, c'est qu'après, ça me dit, tu vas avoir bien du fun. J'ai bon, ça va être rough, tu sais, il va arriver des affaires difficiles. Mais moi, c'est tout le temps, ça marche un peu de même. C'est savoir le sens de l'humour, puis ça me dit, ça souvent, ça va me sortir des conneries de même. Mais c'est tout le temps sérieux, ce qu'il y a en arrière. Puis là, l'histoire, là, de tout ça, tout ce qui arrive, puis tout, c'est tout simplement, à mes yeux, c'est réellement, ils veulent que ça change de paradigme au niveau des masses, c'est-à-dire que ça va aller de plus en plus que, tu sais, Bernard, il avait dit, maintenant, il n'y aura plus d'argent. Puis là, ils nous faisaient croire que le virus se promenait sur l'argent, on ne pouvait pas payer en argent. Puis c'est ça, là. Ben oui, ben c'est sûr que ça a amené les gens plus à Nos utiliser la carte de habitudes. crédit, à Ben numériser les transactions de plus en plus. oui, parce qu'ils veulent suivre tout à la trace. De plus en plus. Puis tu sais, c'est pour ça, moi, tu le sais, ça fait un bout de temps, moi, j'ai plus porté sur les métaux que. Parce que ça, c'est pas pareil, là. Ils peuvent pas dévaluer ça. Puis. Ben oui, parce que si on pense à de l'or, ça aura toujours une valeur intrinsèque, là. Ben oui, fait quelque part dans le fond, ben, c'est sûr que j'y pensais. Mais, c'était tout le temps, comment je pourrais dire ça? On fait ça en espérant qu'ils vont reporter encore tout le temps. C'est au cas. Mais la vibration était forte. Puis là, tu sais, c'est ce qui est tannant, c'est qu'il y a des affaires qu'on sait d'avance, il y en a d'autres, on comprend à mesure, puis il y en a d'autres, ça va. Mais l'affaire, là, de Paul, bon, moi, quand la première fois qu'on m'a refusé de la monnaie, je disais, ouais, mais c'est une loi fédérale, c'est billet à cours légal, c'est écrit dessus. Puis là, on me dit, non, non, gna, gna, gna, je vous garde, c'est la loi. Puis finalement, moi, je m'astine pas avec le monde. un moment donné, je sors ma carte. J'ai pris ma carte. Mais il reste que je la voyais, la patente. Puis si je disais ça, c'était pour que la personne en face, ça se pose des questions un peu. Parce que c'est pas vrai que l'argent transmet oui, peut-être, oui, de certains pathogènes. Puis il y a, oui, peut-être, mais les rhinovirus, les coronavirus, c'est fragile. Tu sais, ça peut pas rester longtemps. Ah, ben, j'avais vu un article sur Radio-Canada qui disait que ça pouvait rester plusieurs heures, là, sur des objets. Ouais. Ah, oui, oui. Il faudrait que je retrace l'article. Moi, c'est bonne valeur parce que s'il reste que c'est dans ce qu'il y a de. Tu sais, je veux dire, c'est assez fragile. Ça peut se répandre facilement. Je veux dire, c'est quelque chose de. Puis là, je ne suis pas un virologue, là. Mm-hmm. Tu sais, je le sais, là. Mais là, c'est juste l'affaire, c'est que. On en fait juste mettre tes billets au soleil, il n'y en a plus, là. Mm-hmm. Tu sais, on en fait à quelque chose qui n'a même pas de noyau cellulaire. Moi, à un moment donné, tu avais posé la question de c'est quoi un virus. Moi, ça m'avait dit c'est de la technologie. Après, je disais de la technologie faite par l'homme. Non, non. C'est de la technologie. Comme le reste. Je disais comme les biologiques. Oui, oui. Puis là, je dis ouais, mais ça n'a pas de. Il dit ouais, mais c'est pas vivant. Non, il n'y a pas que... d'activité cellulaire. C'est ça. Donc, c'est pas multidimensionnel sur autant de plans qu'une cellule, mettons. Ou une bactérie. Une bactérie, c'est un organisme au complet, tandis que virus, il faut qu'il parasite déjà une cellule pour, dans le fond, mettre en fonction, parce qu'en ça, il est en état de dormance. Il ne peut pas non plus se reproduire lui-même. Exactement. Il faut qu'il pirate quelque chose de vivant. C'est ça. Fait que moi, dans le fond, en lien avec ta réponse, ce que ça me disait, c'est un peu comme un logiciel qui est programmé pour entrer en fonction. En contact avec quelque chose, un peu comme, par exemple, quelqu'un qui est programmé à se lever le matin parce qu'il attend la sonnerie du réveil matin. Ben, en tout cas, fait que c'est en plus, c'est on peut même pas dire un organisme. C'est autre chose. Puis, tu sais, par rapport à ça, tout cet aspect-là, moi, ça m'a jamais inquiété. Là. J'ai pas de... Mais il y en a, là, je veux dire... C'est terrible ce qu'ils font là, c'est une violence psychologique extraordinaire. C'est vraiment ça. Je pense les hypochondriaques. Ou bien une jeune fille là, qui est en pleine puberté, qui a la face pleine de boutons, puis qu'il faut qu'elle se mette un masque dans la face qui va empirer son problème. Puis c'est la violence psychologique. Puis même je regarde la façon que c'est fait, c'est dégueulasse. Ben, vraiment, là, je trouve ça dégueulasse. Ben, tu sais, en même temps. Comme je dis, ben autour, je dis, ben, on a un beau show, c'est divertissant. Mais je dis ça, je rigole. Ben c'est ça, parce que là, moi, dans le fond, j'ai de la compassion pour les gens. Il y a des gens qui souffrent, que j'ai rencontrés. Entre autres, je pense à une personne qui passe, est pognée, travaille comme éducatrice à l'enfance, est pognée à porter à la fois des lunettes de plastique, puis le masque à journée longue avec des jeunes enfants, à jouer avec eux à chaleur. Puis elle est au fil, elle a tout dépéri au fil des semaines, devenue très irritable. Puis, ouais. Ben, je pense aussi aux enfants, là. Parce que là, on est dans de la maltraitance étatisée des enfants. Ça n'a pas de crise d'allure. Parce que, comme sort ça, moi, qu'ils sont. Tellement risque puis tout, puis que ça justifie des scrapés de même. Parce que l'anxiété leur semble bien plus fort. Ben oui. Ils sont bien plus sensibles. Ils n'ont pas tous les mécanismes avec le temps, puis il y a une résilience, oui, mais c'est une résilience de survie. Puis la vibration des adultes, il y a centre. Puis ils voient bien là, que. C'est pas. Ils sont assez intelligents. Les enfants sont intelligents. À un moment donné, il va falloir. Il y en a qui le savent, là, mais Chris, sont en train d'en faire du monde qui ne seront pas intelligents plus tard. Ben, parce que... Ouais. Ben, ils traumatisent. Moi, j'appelle ça des traumatismes de masse. C'est-à-dire qu'on a eu les enfants de dysplésie qui ont vécu certains types de traumatismes. Puis là, on a les enfants de ce que j'appelle la génération COVID. Les orphelins de dysplésie, ceux qui s'intéressent, il y en a qui se sont ramassés dans des expériences, là... Dans le sous-sol de l'Université McGill. Oui, il y en a qui parlent du projet MK-Ultra avec des responsables américains, là, je pense, de la CIA qui est impliqué. Nos alliés du Sud. Parce que c'est tout allié, ça, là. La Grande-Bretagne, la Hollande, l'Australie, les États-Unis, puis c'est tout un gars. L'Australie. Tu sais, l'affaire, là, la famille là, en Australie, là, que Julian Assange, il était là-dedans, personne qui en parle. sais, c'est des affaires de même à mes yeux, mais là, on est à une échelle large. C'est plus des expériences faites sur des petits groupes, là. C'est tout, parce qu'ils Mais ont là, on vu est ce qui dans une marche, ce qui marche expérience pas. mondiale de masse, Ben là, oui, avec le ils ont vu ce qui marche coronavirus. puis ce qui marche pas. Moi, ils ont Fait que là, appris à de cette leurs erreurs, heure, puis ils ont on est raffiné plus leur sûr. tactique. Ça a été long, par exemple, je veux dire, parce que des fois, je regarde ça, je me dis, c'est pas si avancé que ça. C'est pas si avancé que ça, parce que ça paraît. Tu sais, je veux dire, il y aurait moyen d'être plus. Tu sais, c'est trop gros. Tu sais, je veux dire, ça a beau marcher avec. Puis le pire, c'est que quand je regarde ça, si on prend le masque, moi, je peux pas être court ou pente, ou con. Je peux pas non plus recommander de le mettre ou recommander de pas le mettre. Parce que moi, depuis le début, je le mets mon masque, puis moi, je me conforme parfaitement, c'est ça ma ligne de conduite. Mais l'affaire, c'est comme pour, tu sais, observer ce qui se passe, continuer à fonctionner. Mais si on le Mais regarde, le masque, oui. c'est une triangulation, je veux dire, c'est un conflit triangulé. C'est encore pour diviser. C'est comme on parlait tantôt. Puis, fait que je peux pas être pour ou contre. Je peux, tu sais, Ben sinon, on peut plus moi non survoler. plus, moi non plus, je suis pas pour ou contre dans le sens que si quelqu'un veut porter le masque, c'est correct. S'il veut pas le porter, pour moi, c'est correct. Je vais être capable de parler avec les deux personnes. Par contre, ce que je me pose, c'est la notion que le masque est obligatoire. Tout le monde est forcé que c'est imposé. Ça, je Oui, mais m'oppose à ça. C'est la c'est parce nuance. que en t'opposant, ben, c'est parce que ça va venir. Je veux dire, il va y avoir une réelle opposition. Mais pas tout de suite. Pas encore. On souffre pas assez, tu trouves? Ben non. Ben non, ça peut être. Je veux dire, t'as un paquet de vieux sont morts séchés dans le 8 litres comme un poisson qui est sauté en bas de l'aquarium, puis y a personne de choqué. Bien, il y a certaines personnes quand même, là, parce que moi, je regarde qu'est-ce qui se passe beaucoup sur Facebook, Ils sont où, sur... les. Le monde, ça déchire les chemises parce que le masque est obligatoire. Tu sais, ça, là, dans un temps normal qui n'aurait pas un état anxiogène, là, il y aurait déjà du ménage de fait. Il y a du monde, il aurait été obligé de démissionner, ça serait dans les journaux partout. Mais c'est juste à cause d'un état d'induction. Parce que là, on est, c'est la même affaire que ce qu'il y a eu en Roumanie pas ailleurs, là, ça ressemble à ça. Je veux dire, c'est ça qu'ils ont. Je veux dire, ils le savaient, là. Ils me feront pas croire au niveau de l'administration qui ne savait pas à telle place on n'a pas de personnel, puis il y a du monde. C'est impossible. Ben non, Donc, c'est quelque sûr que part. c'est, je pense à l'émission d'Infoman là, sur les ondes de Radio-Canada qui avait dénoncé que depuis au moins 1996, dans les bulletins de nouvelles, il en représentait, qui disait que dans les CHSLD, les résidences de personnes âgées aussi au Québec, il manquait de personnel. Fait que là, ça faisait facilement au moins 20 ans là, que la Puis, situation là. est dénoncée. Tu sais, OK, on va parler, mettons, prendre des affaires de même, puis les présenter au public d'une façon un peu comique. Puis on va prendre un vulgarisateur qui a Scientifique. tout, c'est ça. Puis qu'est-ce qu'on fait, là? On rend dérisoire des. Parce que le fait qu'on se fait fourrer à sec depuis toujours, c'est supposé être drôle, ça. On va faire un programme puis rire de tout ça. On va aller dans le bureau, le serrer à la main, puis on rit avec eux autres. C'est quoi, quelle sorte de programme, c'est ça, là? Ça fait partie de la banalisation du réel. Puis, c'est comme quand la TV est apparue, là, des années 50, il y en a qui disaient que c'est dangereux, ça peut servir pour hypnotiser les masses. Puis, tout de suite, t'en as qui ont dit, faut-tu être fou pour penser des affaires de même? Ben, moi, dire en affaire. La TV, là, elle est. Le tube cathodique, ça vient d'où, ça? Puis c'est qui est. Puis les premières, de la façon que c'était fait, puis ils ont amélioré. Puis pourquoi? Pourquoi Ouais. c'est tout le temps lié à des tabous? Je veux dire, c'est tout le temps lié à la mort ou Eros ou Thanatos. Je vois tout le temps, c'est tout le temps présent. Tout Ouais, le temps. ben le sexe, le sang puis le Ben, sport là, ouais, qui... c'est ça. Pourquoi? Parce que les craintes qu'on a sorties il y a longtemps pour après dire ça peut regarder comme ils sont fous ce monde-là, ben c'est justement pour pas que. Mais il risque, à un moment donné, il va falloir s'en rendre compte. Pourquoi est-ce que, par exemple, quelque chose comme le masque polarise les passions, de même c'est devenu une sorte. Parce que là, on est dans de la croyance irrationnelle. Donc, c'est une amulette psychologique. Puis le gouvernement, lui, il veut qu'on. Tu sais, le narratif, c'est comme les parents, ils sont la source de l'histoire du bonhomme sauteur, mais c'est aussi la source d'évacuation d'angoisse, que quand t'as peur, c'est eux autres que tu vas voir. C'est. Là, c'est tellement, là, je veux dire, le masque, là, c'est une amulette psychologique parce qu'il est tabou. Pourquoi? Parce qu'il polarise la vie puis la mort. Ça touche à des tabous, c'est la vie puis la mort. Il y ben en oui. a qui ont peur. Ben c'est ça, il y en a qui ont peur que si tu ne portes pas le masque, ben tu peux ils entraîner la mort. Ben c'est ça. L'enjeu d'une guerre, c'est tout le temps l'énergie des peuples ou ben, les ressources, les affaires de la main. Mais c'est tout le temps l'énergie. Puis c'est tout le temps, il faut tout le temps diriger l'énergie pour contrôler des peuples. C'est toi qui décides où ça ferme, puis où ça rouvre, puis par où ça passe, puis les structures de ça. C'est pour ça l'histoire de géométrie. J'ai tellement appuyé là-dessus. Parce que c'est des affaires que même des enfants pourraient comprendre. C'est pas des affaires compliquées. C'est pas pour rien qu'on se ramasse avec des tatas qui sont en haut poste. Puis il y a du monde qui sont choisis pour leurs défauts. Pour leurs défauts. Comme à Maton, moi, je le sais que pour créer un état de suggestion, il faut que le sens critique qui aille tu sais, que au niveau de l'angoisse, que la personne, elle abandonne certaines structures de son sens critique, ça me prend une figure d'autorité qu'une journée du noir, le lendemain du blanc. Une journée du noir, le lendemain du blanc. Ça me fait penser, ça marche de même. À Arruda qui a dit au mois de mars, entre autres, que le masque, hein? Non, portait-les pas publiquement. Puis là, il tourne son fusil d'épaule et dit exactement hein? Le contraire il y a quelques semaines. Tu sais, il a été choisi pour ses défauts. Lui, là, t'allumes une caméra, puis... Mais c'est une vedette. C'est là. Ça, ce directeur-là de la santé, il est quand même charismatique. C'est un monsieur bien articulé. Dans le fond, il y a... Ouais. Oh ben, moi, c'est sûr, il a l'air Roger Bontemps. Ben, c'est sûr, il a l'air sympathique. C'est ce que j'ai gentil à dire. Il a l'air sympathique, mais en même temps, il nous dit « I could be a bad boy. A bad boy. » Je peux être méchant. Ça, c'est le renforcement positif-négatif. J'avais fait un enfer là-dessus pour expliquer l'étoile, puis les couleurs, puis qu'est-ce que ça symbolise, puis tout. Ça marche par... Premièrement, tu contrôles le langage, ensuite, tu crées une polarité, puis avec l'inversion, tu tiltes. L'inversion, ça tilte. C'est ça le damier, t'inverse. Le noir puis le blanc, c'est des techniques, c'est tellement... Ça, c'est vieux. Là. Ça c'est bien, bien vieux. Mais les affaires là, comme le masque, puis tout, moi, je trouve ça fait années 50. C'est des affaires des années 50, ça. C'est comme technique au niveau là, de l'induction des masses. Mais là, l'affaire, c'est on va faire de la démolition contrôlée, mais tout est sous contrôle. Tu sais, c'est un peu comme... moi, j'ai des caméras. Mm-hmm. Puis les gens qui les opèrent, les caméras, ils savent même pas ça. Mais la caméra, elle fait pas juste photographier à la face, elle voit à travers la peau... Puis elle enregistre la structure du crâne. OK? Tellement que même un individu qui porte un masque ou un voile ou qui se fait faire de la chirurgie plastique, je peux le repérer. Parce que son crâne n'a pas changé la structure. Il n'y en a pas un qui est pareil. Oui, oui, bien, il y a des caméras qui font de la détection thermique. Moi, ce que j'avais vu, c'est qu'en Chine, il existait des caméras qui permettaient de détecter la température corporelle puis d'identifier les gens qui faisaient de la fièvre. Il y a des places déjà, tout ça, là, les scans, le monde passe, puis on voit le squelette. Exact. Donc, avec des programmes puis des algorithmes, tu peux repérer un crâne comme une empreinte digitale. Même si je fais de la chirurgie plastique ou ils peuvent tout de suite. Puis ça c'est pas parlé, puis il y a personne qui pense à ça, mais ça fait longtemps. Ça fait un bout. Mais là, pour l'essayer, c'est... Tu sais, c'est un peu comme, tu sais, les marchands de métaux, admettons que tu veux vendre un métal, il va avoir un laser, il envoie un rayon, puis il envoie des photons, puis par la machine électronique, il peut voir la composition, comme un rubis, où tu peux voir si la qualité, puis ben, tu penses-tu que par satellite, ils peuvent pas repérer des ressources de même? Ou bien des affaires entreposées. Bien, certainement, on peut même détecter une plaque d'immatriculation par satellite. Ah, bien, plus que ça, moi, je te parle de savoir la composition de quelque chose qui est sous terre. Savoir c'est en quoi, puis la densité. Ah oui, puis, par rapport à la présence de métaux, ben, là, de nickel ou de... Tu sais, admettons là, que je veux créer du désordre, mettons. Mm-hmm. Puis par un système de même, je le sais que tu as telle matière d'entreposer à telle place. Puis je viens d'envoyer des nouvelles bébelles, là. Puis je vais les essayer. Puis t'envoies un faisceau de micro-ondes, puis tu fais chauffer un point précis. Les résultats, c'est ça, là. À un moment donné, c'est parce que ça fait un bout, là. Il parlait de ça dans le temps de Ronald Reagan. Tu sais, je veux dire, c'est pas... À un moment donné, il y en a proche de l'Institut Tavistock qui ont dit au niveau de la psychologie de mal, c'est pour le mieux possible gérer ça, parce que l'être humain moyen puis les masses sont pas assez matures pour être libres, puis, tu sais, entre guillemets, sont pas assez matures, c'est tout des tu sais, comme C'est bon, très méprisant moi, ouais. comme regard Ben, sur c'est l'humain. sûr, mais ça a tout le temps été le même. Ben, eux autres, ils disent. Le best, là, c'est qu'au niveau technologique, de tout le temps garder un délai d'une trentaine d'années avec la masse. Donc de cacher puis donner la technologie au compte-gouttes, là. Ouais. C'est ça. C'est ça. Fait qu'il y a des affaires que le monde, ils ne savent même pas que ça existe. Oui, mais ça, je veux dire, j'étais au courant de ça, puis. Ouais, mais il reste que, c'est parce que des fois, il arrive des affaires, puis tout, puis c'est sûr, j'ai pas le même regard. Ah, c'est pour ça que je dis, on a un beau show, je veux dire, c'est intéressant. Parce que là, à un moment donné, ce qui arrive, c'est, tu sais, le cycle de l'azote, là, dans un aquarium. À un Vas-y. moment donné, bon, ben, ton eau, quand tu pars un aquarium, elle est trouble parce que tu as une flore bactérienne dedans. Puis avec le temps, tu as d'autres organismes qui apparaissent, qui sont plus évolués un peu, qui vont s'en nourrir. Puis il y a un processus qui se fait que ton eau va se clarifier. Parce que c'est un phénomène naturel, ça. Il y a des bébites qui apparaissent, qui en mangent d'autres, puis. Ben, la Terre, c'était un peu. Moi, je vois ça de même. Là, ce qui est en train de se passer, c'est sûr que les chiens de berger, ils vont se manger entre eux autres. C'est sûr. Puis c'est sûr et Ben, tout les chiens de que. berger, tu parles-tu des dirigeants occultes? Entre autres. Non, non, pas occultes. OK. Ceux qu'on voit. OK, donc les gens sur la place publique, comme les politiciens, les grands hommes d'affaires. Ben ouais, mais là, ça va prendre du monde porter des chapeaux, puis. Puis c'est bien subtil comment ça marche. Parce que quand, mettons, t'as un cabinet, là, t'as un premier ministre, il y a son cabinet, puis tout, puis il y a un paquet de députés qui ont choisi, qui ont été élus. Ils sont pas tous dans le secret des dieux, là. Puis il y en a là-dedans qui sont là, ils vont porter le chapeau au cas où plus tard. Moi, tant qu'à moi, je vois ça de même. C'est ça, la politique, ça marche de même. Oui, ben il y a Puis. certains politiciens qui peuvent être sacrifiés au nom de l'avancement d'une cause. Ben, t'en as qu'ils sont de bonne foi, puis ils viennent en politique parce qu'ils sont de bonne foi. C'est eux autres qui vont être sacrifiés. C'est sûr. Ben c'est sûr que C'est les gens les. qui sont naïfs par C'est rapport ça. au ouais. Ça, j'avais capté, mais je voulais quand même t'amener pour clarifier, selon toi, quelle est la fonction présentement de la crise du coronavirus? C'est la même fonction que d'habitude. Je veux dire. Mettons là qu'on est optimiste, j'ai déjà dit, je pense que c'était en 2016, je vous dis il est minuit moins 5, ou en 2017. Moi, je panique pas, il est minuit moins 4, genre. Mais j'ai bien de la misère à comprendre pourquoi que le monde, ils sont pas plus enthousiasmés que ça. Parce que c'est vraiment des opportunités. Il y a des affaires qui sortent que ça aurait jamais. Il y a du monde qui allume sur des affaires, ça serait jamais arrivé autrement. J'avais dit, je pense, je crois. J'avais dit, à force de vouloir endormir de la monde, ils vont y réveiller. Puis le pire, c'est que ça fait partie du calcul, mais peut-être pas. C'est peut-être pas autant. Parce que, je veux dire, en Bien, il peut Occident, avoir les un retour gens. de balancier dans le sens que s'il y a trop de règles autoritaires strictes qui font penser à une dictature, ben là, les gens vont peut-être plus descendre dans la rue puis manifester, là, Ben, c'est pour ça que c'est super dosé. Il faut attention un petit peu, c'est maladroit. C'est là aussi où je te disais, j'ai dit, pour moi, c'est pas des Québécois, là. Qui calent les shots, tu sais, en arrière, qui disent tout, tu sais, bon, c'est pas des Québécois parce que la façon d'agir est pas adaptée aux Québécois beaucoup. C'est très maladroit, c'est mal fait, ça a l'air improvisé. Puis à un moment donné, ils ont pris un break, là, sans. Ils sont en train de rechecker le patent. Puis ils se font peut-être et tout reminder, là, par leur. Mais quand que tu parles d'eux autres, est-ce que tu fais référence à l'élite occulte qui tire les Ben, ficelles pour des moi, gouvernements? pas ça occulte. Je veux dire, des affaires, c'est toutes connues. Ben là, je veux dire, T'sais, on a c'est... affaire à de la finance internationale du monde qui ont pas de. Comment je pourrais dire ça? C'est un peu. Qu'est-ce qui fait qu'un individu va être solide puis qu'il va avoir une individualité, t'sais, en ce développement? C'est la famille. Ben, l'État-nation, c'est un peu comme la famille d'un peuple. Puis si au niveau international, tu veux, il faut que tu détruises la cellule familiale. C'est la même technique au niveau des collectifs qu'un individu. Tu y foques son milieu. Puis après, c'est lui qui va être consentant. On va, admettons qu'ils nous arrivent avec des solutions miracles, ils vont tous dire oui. Comme par C'est good exemple, pour. adopter le traçage numérique avec une application sur un téléphone intelligent, Ben adopter le là, vaccin. ils vont commencer les chiens, les chats. Après, ils vont faire exprès pour nous médiatiser des horreurs. Puis ça va être les enfants, les protéger. Puis après, ça va être les personnes âgées. Puis après, ça va être nous autres. Ça, c'est par rapport au vaccin là, que tu Non, parles? non, par rapport au traçage. Au Au traçage traçage. numérique? Parce que, moi, je suis dans ma ville, là, c'est l'année prochaine, c'est obligatoire, le puçage pour les animaux. OK. Puis c'est la même, là. La même. Je veux dire que tu puces un humain ou un animal, ça va être semblable, c'est la même affaire. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas parce que je suis un complotiste ou tout, là. C'est parce que, justement, si ces affaires-là, je veux dire, les brevets sont toutes là, puis c'est pas du complotisme, Non, non, la c'est technologie du. existe, là. Ouais. Ben, puis là, mais l'affaire, c'est ça. Ça commence par les animaux de compagnie. Parce que au début, c'était vendu comme votre animal, là, pour pas le perdre puis le protéger, c'est fortement suggéré cette technique-là. À ce temps, c'est obligatoire. C'est comme l'assurance automobile. Dans le temps, tu n'étais pas obligé d'assurer ton char pour conduire. Mais là, il y a de plus en plus de monde qui le faisait parce que c'était fortement recommandé, puis blablabla. Puis quand il y a une majorité qui est assurée, ils l'ont mis obligatoire. C'est ça la technique. Parce que. C'est pour ça que je suis contre une démocratie, parce que la majorité, si tu réussis à convaincre la majorité, c'est la dictature de la majorité. Qu'elle, elle pense, ça vient d'elle. Parce Puis qu'elle se c'est fait la induire, minorité qui. OK, elle se fait induire les pensées, en étant hypnotisée. Ben toi, mettons que tu es juste 20% à pas être d'accord avec de quoi, ils vont minder le reste du monde. Oui. C'est pour ça, moi, je m'oppose pas, puis je suis tout le temps la loi parfaitement, puis je fais attention, parce que Mais jusqu'où tu vas aller je peux pas. justement par rapport à ça? Est-ce que Ah, toi, moi, tu même si vas. on me demande de prier 5 fois par jour, je vais le faire. OK, mais si on te demande, par exemple, de te faire vacciner puis aussi de faire implanter une puce sous la peau, est-ce que tu vas accepter? Ben. C'est drôle de me demander ça. Ben, c'est une question qui peut-être tantôt va se poser, là, parce que là, au moment où on se Ouais, parle. c'est parce que j'ai mon idée de fait. OK. Là, tu sais. Mais toute sa monnaie. Tu sais, je veux dire, un médecin, ça se magasine, puis des fonctionnaires, ça se corrompt. Puis là, j'ai pas d'allure de dire ça, là. Je Non, suis pas non, une mais fois. moi je critique pas, c'est parce que dans le fond, Ben, j'ai qu'est-ce que tu veux faire d'autre si tu le veux pas? ben c'est ça le point. Il y en a qui, dans le fond, il y en a qui pourraient vouloir s'exiler en d'autres pays, mais là, si ça te prend ça pour Quel autre voyager, t'es fait, pays? ben c'est Quel ça. autre pays? Parce que, tu sais, je te dis, il y a une coordination partout, c'est même les mêmes termes. Quel autre pays on sauve, là? Ben, c'est ça. Sinon, dans le fond, ça serait de vivre en parallèle avec la société, une espèce de commune, puis faire de l'autarcie, si les gens de la Oh, société nous bon, tolèrent. oublie. Alors, regarde, là, ils vont. Non, là. Ils chialent qu'il y a du monde dans le Sahara qui ont pas de numéro d'assurance sociale, puis il y a du monde dans la forêt amazonienne qui ont pas de. Hey, ils sont en dehors du système, faut à tout prix les repérer, puis. Tu sais, si tu te sauves, ils vont te pogner, là. Ils ont toutes les machines. Tu émets de la chaleur dans la forêt, là. T'as une silhouette. Oui, C'est pas ben, difficile. c'est ça. On est, on va-tu vivre en dessous de la terre comme des troglodytes? Ils ont même les machines pour voir. Ils vont voir pareil. Tu sais, on se sauve où? C'est pour ça, à un moment donné, j'ai parlé à être un parasite. Parce que t'as pas le choix. Parce que c'est survivre. C'est une game. Si c'est une game, il faut survivre. C'est juste attendre, voir ce qui se passe. Puis l'affaire, les lois de l'énergie, admettons que je compte quelque chose, moi, puis j'ai la vibration de faire de quoi compte. Mais d'un autre côté, j'intègre le fait que c'est peut-être pas ce qui est le plus intelligent au niveau de ma survie à le faire. Bien, les lois de l'univers, ils font que l'énergie, ça disparaît pas, ça se transfère. Puis si c'est décidé qu'il faut que ça se fasse, bien, ça va se transférer à un autre. Il y en a un autre qui va le faire. C'est pour ça que l'affaire de. Je veux pas m'opposer à l'État parce que. Premièrement, on peut pas. Ben, ça Ben, quoi dépend, qu'il y a là, de des quoi gens on qui l'ont parle, mais déjà c'est vrai fait, que ça là, soit. tu sais, il y a Martin Luther King, Gandhi, qui se sont opposés à un certain niveau à l'État, puis ont amené des Ah. changements sociaux. Gandhi, là, il a étudié en Angleterre, puis c'est là qu'il a eu un contact avec les théosophes, puis. Hey, l'Inde, là, il y a eu un projet politique lié à l'Angleterre, là, ils n'ont jamais eu leur indépendance, OK? C'est du colonialisme économique. Ils ont juste transféré que, au lieu d'être une colonie, là, c'est du trafic d'influence. Puis Gandhi, il n'a rien libéré pantoute. Moi, à mes yeux, je suis désolé, mais à mes yeux, là, c'est du monde programmé, ça. Parce que quand tu regardes, lui, il vient d'une famille des jeunistes, là, du monde bien spirituel, bien. Puis il y a eu des rencontres en Angleterre. Tu sais, il étudie en Angleterre, lui. Tu sais, puis les théosophes. Puis, tu sais, je veux dire, faut jamais oublier que les groupes occultes, puis le politique, c'est lié. Puis que c'est lié à l'espionnage, puis c'est lié à un paquet d'affaires de même. Parce que les peuples, là, quand il y a un sauveur, c'est à faire bien attention, parce qu'il y a le Christ de triangle. C'est, ils vont te donner un sauveur. Puis ils vont l'envoyer, tu sais, c'est stagé, va chercher du sel. Puis moi, c'est bien dommage, tu sais, c'est pas pour parler contre, puis tout. Mais il reste qu'en plus, une fois que tu as un programmé qui a fait sa job, tu en programmes un autre, puis tu te débarrasses de lui. Puis je veux dire, c'est des vieilles, c'est connu tout ça. Mais moi, l'affaire là, de l'indépendance de l'Inde, là, hey, là, le nom, là, ça, c'est un, c'en est ça, de la manipulation, tant qu'à moi. Tu sais, je veux dire, l'Inde est pas. Puis tu regardes après la création du Pakistan, puis comment ils ont fait pour créer de l'opposition, puis garder la région. Le fentanyl qui se promène, là, que le monde, ils font des overdoses à Vancouver. Ça se peut-tu qu'ils soient faits par du monde en Asie qui se souviennent de la guerre de l'opium, eux autres? Ils s'en souviennent. Je veux dire, c'est la même tactique. OK. C'est, Non, tu sais, je mais veux dire, je comprends qu'il y a c'est des tout. gens comme Gandhi ou Martin Luther King qui se sont présentés comme des sauveurs ou des gens qui ont mené un progrès social. En réalité, si on creuse un peu, on peut voir les lacunes ou les failles là, qui se rapportent à ces personnages historiques. Par contre, Ben, c'est, tu sais, je oui. veux dire, le mouvement là, des droits civiques aux États-Unis. Oui. Tu sais, il y a des affaires. Ça a été manipulé, là, je veux dire. Regarde, là, avant les années 50, les familles d'Afro-Américains aux États-Unis, ils divorçaient moins. Les familles étaient plus unies. C'était du monde qui commettait moins de criminalité. Puis là, ils ont été comme. Tu sais, il y a eu quelque chose, là. Il y a une manière. C'est comme du monde comme. L'autre fois, maintenant, en pleine crise, j'écoute la TV, puis que si. Tu sais, j'étais pas chez nous, ici, j'ai pas la TV, mais je suis dans de la famille, puis c'est la télévision, c'est les nouvelles. Puis là, ils nous sortent Angela Davis, ils la ramènent, elle. Mais elle, je veux dire, c'est moi, j'ai rien contre le mouvement des droits civiques, au contraire. Mais il y a des agents là-dedans qui ont servi à détourner l'énergie des masses qui sont les Noirs. Pourquoi? Parce que c'est une affaire ils ont le droit de voter à cette heure, puis c'est un paquet d'affaires qui fait que c'est pas politiquement, ils voulaient ça de même, mais il fallait détourner l'énergie. C'est comme, il y a eu des mouvements musicaux très bien chez les Afro-Américains aux États-Unis, puis tout de suite, ça a été récupéré par des maisons de production, puis c'est devenu des poubelles. C'est devenu des affaires de criminalité, puis tu sais, je veux Ben, dire, c'est pas juste ça, attends une là, minute, là, mais tu ça a été sais. poussé de l'avant. C'est Ben, pour affaiblir les. Même les Autochtones dans mon coin, ils écoutent du gangsta rap. Chris, c'est pour enlever l'identité. Il y a quelque chose là-dedans qui est lié à l'identité du collectif. c'est sûr. Là, ils veulent passer d'un paradis. C'est comme anciennement, là, mettons, quand un individu il était initié dans le sens involutif. Il rentrait dans un cercle, puis là, il y avait un parcours initiatique où il y avait, si tu veux, la mort du vieil ego, OK? Puis il va avoir tout le temps un symbolisme de renaissance. Ben là, ils sont en train. Tout ça, là, ça a l'air d'un rituel où c'est pas l'individu qui est dans une affaire fermée qui va franchir le seuil de la mort mystique pour passer d'un paradigme à un autre. Là, c'est le collectif, c'est tout le monde. Puis, on est tous dans une affaire qui a l'air, tu sais, je veux dire, c'est un peu comme un bal de finissant. Tu sais, aux États-Unis puis au Canada, on a des bals de finissant parce que c'est un rite de passage. Puis, les psychologues ici, ils ont compris que les rites, comme les rites tribaux par rapport aux jeunes gens, tu sais, puis qui dansent, puis bon, Ben, c'est les. ça qui passe de l'état d'enfant à celui d'adulte, entre autres. Ben, c'est ça. Mais Mais c'est là. oui. Mais c'est parce que le confinement, si on le prend en termes de rite, ça me fait penser à celui de l'initié qui, par exemple, va être pendant 3 jours là, dans une pyramide, qui va être confiné à l'intérieur d'un lieu clos, dans un espace propice à l'intériorisation. Ça, c'est le cabinet de réflexion. Je me rappelle, parce que ça, dans certains groupes initiatiques, là, ils vont faire des... Tu sais, t'as une mise en scène, puis tout, puis à un moment donné, t'es envoyé dans le cabinet de réflexion. C'est comme si on te mettait en pénitence, mais faut que tu réfléchisses, puis que tu pondes une connerie. Faut que tu pondes ton... faut que tu pondes un texte qu'ils vont garder dans leurs archives. Bon. Ben moi, quand j'étais à l'école au secondaire, puis on faisait de quoi qui ne plaisait pas, puis tout, on était envoyé en retenue où un local qui s'appelait le cabinet de réflexion. Puis rien que ça, moi, là. Tu sais, la game, si le monde ne la voyait pas, là, je veux dire, pourquoi l'Église a perdu du pouvoir? Parce qu'avant, elle contrôlait le langage. C'est-à-dire, c'était elle qui menait l'éducation. Ben, dans le temps, c'était l'instruction, ce qu'on appelait l'instruction publique. OK? Là, c'est passé dans des mains de... Des politiciens? Ouais. Mais c'est parce que l'affaire de politicien, c'est parce que tu peux pas faire de politique si... Ou bien tu vas porter un chapeau. si tu fais... En tout cas, l'affaire, c'est qu'on est dans du patronage, du clientélisme, de la collusion, puis du copinage tout le temps. Puis ceux qui contrôlent le langage, puis qui vont créer un système, mettons, d'éducation au niveau de Mindy, une société pour, tu sais, laquelle joue son rôle, puis que, tu sais... Oui, la programmer dans le sens de leurs intérêts à eux. Ben c'est ça. Eux autres, ils vont envoyer leurs enfants à l'école privée. Ils les enverront pas dans le système public. Puis eux-mêmes, ils ont fait l'école privée. Parce que on est dans un système qui est encore... ça ressemble à, tu sais, ces dynastiques-là. On est comme encore... Ça n'a pas changé. C'est ça, l'évolution. C'est toutes les affaires qui reviennent. Puis là, on est prêt avec des héritiers. C'est-à-dire du monde qui, c'est pas par le mérite, c'est par le côté grégaire social qui fait que Christ est une planète de singes ici. Tu sais, celui qui est dans la gang de l'autre, puis c'est lui, il a tel coin de la cage, puis l'autre, tu sais. Puis c'est ça, là. C'est juste ça. Ouais. Mais on parle de programmation du langage, dans le fond, le premier ministre du Québec, François Legault, a déclaré que le masque, c'est la liberté. C'est la nouvelle liberté. La nouvelle liberté, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, moi, je pense que, tu sais, je veux dire, ça, c'est une gaffe. Ça, c'est une gaffe. Je veux dire, tout le monde qui ont eu 1984, tu dis pas ça. Ben, c'est comme dans le livre de 1984, l'ignorance, c'est le pouvoir, paix, c'est la guerre, puis là, le masque, c'est la nouvelle liberté. C'est ça. Parce que moi, c'est vrai de ça, là. Je veux dire, là, c'est un petit peu gros, là. Il leur manque du requin-bain. C'est comme à un moment donné, pour détourner l'attention, là, c'était des histoires de mœurs qui sortaient. Puis il y a la femme d'un politicien qui t'a dit « Oui, c'est ça, tu sais, comme s'il n'y a plus de présomption d'innocence, le système de... Non, non, c'est ça, dénoncer vos frères... comment est-ce qu'elle a dit ça, donc? Vos frères déviants. » Hey, il y a un sous-texte, là. Moi, j'utiliserais des termes de même avec parcimonie. Ils sont mieux de faire attention à ce qu'ils disent. Moi, parce que tout le monde les watch. On n'est pas tous des caves. C'est justement, ça, entre autres, la raison pour laquelle je fais des vidéos. Puis je trouve que depuis les derniers mois, il y a beaucoup d'influenceurs là, sur YouTube, de lanceurs d'alerte là, qui vont dénoncer là, qu'est-ce qui se passe au gouvernement. Alors, moi, je dénonce rien. Tu sais, dans le sens que moi, je suis prêt à expliquer, à donner mon son de cloche, mais je ne suis jamais dans l'assertion. Je vais te dire, ça a l'air de ça. Vous ne trouvez pas que ça ressemble à ça? Fait que là, tu sais, dans le fond, je fais attention. Oui, non, je comprends. Je ne suis pas contre eux autres, moi, là. Non, je comprends. Et je l'ai déjà dit, hein, je me sentais plus proche d'eux autres que du monde qui ont les yeux dans la graisse de bine. Qu'ils sont dans des histoires de spiritualité puis tout, parce que Christ, c'est technique. C'est des techniques. C'est ça, mais par contre, est-ce que tu vas te sentir autant proche d'autres si dans les prochains mois, on te force à te vacciner ou à te faire implanter une puce? On verra. Je peux pas le savoir parce que une semaine avant qu'il impose le masque intérieurement, j'avais pas la vibration. Je me dis, je serais jamais capable de faire ça. Puis même si ça me disait, ben non, tu sais, il faut fonctionner, puis t'as pas le choix. Mais le quelques jours avant, la vibration, pouf, ça me dérangeait plus partout. Ça me dérange. Tu sais, j'étais bien surpris. Ben voyons. Puis je Ouais, mais disais, en ben. même temps, dans ton cas, tu sais, tu passeras pas 7 heures par jour avec le masque d'en face comme quelqu'un qui travaille dans un restaurant, là, tu sais. Non, ben je vais tout le temps essayer d'être dans une situation qu'il y a le moins de. Tu sais, T'as j'ai le le moins moins à de le porter désagréments possible. possible, c'est ça. Ben j'ai Mais pensé, j'ai le réfléchi pro... Ouais, mais une pro... partie de ma vie à essayer justement de pas être dans rien que j'ai de quoi à perdre. Exactement, mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, il y a des gens qui peuvent nous écouter présentement, puis ils peuvent dire, ben là, c'est facile pour toi là, de parler, tu n'es pas dans une situation où ce que tu vas l'avoir Bien à le sûr. porter à journée longue. Mais il reste que quelque part, ben, je me suis rendu compte que ça me dérange pas tant que ça. Je veux dire, j'arrive à respirer pareil. Puis... Mais en tout, puis moi, là, moi, dans mon coin, là, c'est pas à la lettre le monde, là. Ils en prennent puis ils en laissent. Pas mal. Parce que je suis pas dans une grande ville. Ici, c'est rural, puis il y a une espèce de pragmatique pratique. Le monde, ils ont un côté un peu. Tu sais, le fermier, puis le bois beau. Toi, là. Il y a ça ici un peu. Puis je trouve le monde, ils prennent moins ça au sérieux. Mais je commence à en voir qu'ils l'ont même sur la rue. Ça, j'en avais pas vu. Ben, Mais moi, je commence à en ce voir. que je peux te dire, c'est que j'en ai vu qui l'avaient en voiture, là. Des gens qui Puis conduisent en auto avec le là, masque à grosse chaleur l'été ici au Québec. gars, là, c'est parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui tient pas debout. Parce que le monde, ils peuvent se mettre en hypoxie, ils peuvent perdre connaissance, ils sont au volant. Exact. Tu sais, il y a du monde, ils peuvent tomber en hypoxie à cause du masque, puis ils sont au volant, là. Ça a été observé, là, j'ai regardé. Tu sais, le masque, mettons, tu le portes vraiment longtemps, il y a du monde, tu peux tomber sans connaissance. Même, on nous a montré des vidéos en Asie, du monde qui tombait à terre, puis là, le coronavirus, comme si le monde tombait raide-mort à terre. C'est parce que c'est du monde en hypoxie. Et paf, il manque d'oxygène, c'est ce que je te dis. Puis c'est Ouais, eux qui tombent à terre. mais c'est ça, Bon. mais la machine est faite de telle sorte que, dans le fond, l'effet pervers de l'adoption du masque obligatoire, ça peut occasionner ça. Puis les clientèles plus vulnérables, comme personnes âgées, par exemple, avec déjà des problèmes de santé, ben, peuvent tomber par terre. Puis comme clientèle plus vulnérable, les gens peuvent interpréter, ah, c'est coronavirus. Ben oui. Ben regarde, là, l'affaire, les faillites, les suicides. Tu sais, pendant le pire, là, du confinement, il y Oui. a des lignes d'aide aux gens suicidaires qui n'étaient plus là. Mais tu sais, toi-même, tu en as parlé, mais la SAQ, SQDC, ça reste ouvert. Oh, inquiète-toi pas, ça a été jugé comme service essentiel. Sais, parce que moi, de la façon dont je vois ça, c'est du darwinisme social. Puis il y a là un terrain qui est mis pour une sélection. On veut se débarrasser des plus faibles, ceux qui s'adaptent le moins, le bois mort. Puis on met le terrain pour qu'ils s'en suicident, puis qu'il n'y ait pas l'aide. Puis, tu sais, c'est bien dommage, mon affaire, tu sais, il y a des affaires, bon, en tout cas, pas tomber dans d'où ça vient, tout ça. Mais c'est du monde, pour eux autres, c'est ça, là. Je veux dire, c'est ça qu'il y a de plus intelligent à faire dans leur tête, eux autres. C'est de créer un terrain où ce que le monde va se sélectionner eux-mêmes. Oui, ben, il y en a qui vont parler des forces astrales qui sont derrière les tireurs de marionnettes sur le plan physique et qui vont influencer les politiques gouvernementales ou les comportements sociaux, là. Ben, en haut des politiciens, c'est encore du monde, hein. C'est pas des bébites astrales. Il y a encore du monde, puis Non, du non, ben, monde. il y a des lobbies de pouvoir, tu sais, si on pense au lobby des armes à feu derrière le président américain. Mais je veux dire, derrière eux autres, la façon que je vois ça, c'est que c'est des entités astrales qui vont amener des pensées dans certains individus en position de pouvoir et d'autorité. Ben, c'est parce que c'est des vieilles affaires qui reviennent. C'est ça l'évolution, ça revient. C'est tout le temps la même affaire qui revient. Mais c'est pas l'être humain qui a évolué. L'être humain, il a juste accumulé de la mémoire. Fait que c'est le contexte qui a évolué. Si tu regardes le 20e siècle, t'as autant de barbarie, mais elle s'industrialise. C'est tout. Ben oui, ben C'est si on comme pense au que. camp de concentration nazi qui permettait de commettre des meurtres là, comme une usine de production industrielle là, avec Ben, c'est ça. l'extermination des Juifs là. Ben, regarde, là. Il y a longtemps, en Chine, tu avais une peine, ils appelaient ça le lingxi. C'est le supplice des 8 couteaux. Je ne donnerai pas de détails, mais c'était assez rare, ça, puis ça se faisait sur la place du marché, en public. Ben, à cette heure, c'est à large échelle, puis c'est caché, c'est-à-dire c'est de la vivisection. Mais c'est les mêmes affaires. C'est les mêmes affaires. C'était un peu comme à un moment donné, bon, en France, ils se sont mis beaucoup à mettre l'accent sur persécuter des gens qui ont des croyances irrationnelles puis qui sont organisés ensemble en groupe. Tu sais, l'affaire de surveillance des dérives Des sectaires puis sectes, tout. ouais. Bon, ben ça existait en Russie, c'était les sans-dieux militants. Je veux dire, c'est les mêmes tactiques, c'est les mêmes façons. C'est juste qu'ils ont adapté un peu. Parce qu'avec le temps, on voit ce qui marche pas, puis comment faire, puis ben, c'est comme le monde qui ont du pouvoir, là, mettons, là, qui ont pas mal de pouvoir. Ben, ils vont se mettre à fouiller dans des recoins. Puis c'est là que c'est comme. Moi, je suis sûr qu'il y a des pavillons de la Cité interdite, puis les hauts gradés du Parti communiste, certains, ils font du chamanisme manchou. Ça, je suis sûr. Parce que ça a tout le temps fait. Ça fait proche 300 ans, ça a tout le temps été fait partie du pouvoir. Tu sais, je veux dire, ça a Mais tout le temps été c'est présent. pas athée, le communiste. Hey! Ça, c'est la façade. C'est là. Ben non, ils savent des affaires. OK, moi je pensais que c'était l'opium du peuple, là, la Ben religion, oui, les ben ça, c'est croyances. justement pour le peuple qu'on dit ça. OK. Hein, parce que ce qu'on veut, c'est contrôler l'info. Donc, il y a des affaires, faut que ce soit juste nous autres qui sait ça. Parce que, il y a des. Qu'on le veuille ou pas, il y a des phénomènes. Tu sais, il y a des affaires que. C'est comme, mettons, il y a des régimes, là, quand ils ont pris le pouvoir, ils se sont mis à persécuter des cultes tout en les pratiquant et en les étudiant eux-mêmes. Puis c'est tout le temps de même. C'est souvent de même. Fait que c'est pour ça que l'histoire, là, l'athéisme du communisme, moi, là, je trouve ça bien, bien, bien occulte, le communisme. C'est même très lié à. Tu sais, je veux dire. Lénine, il était embaumé d'une pyramide comme un empereur chinois. Je veux dire, Christ, c'est pas des affaires athées, ça. C'est Ah, quelque mais c'était chose le qui veut culte se de sa personne. substituer. Ouais, mais c'est ça qu'on l'a venir. Ben oui, mais regarde, en Corée du Nord, le président officiel, c'est Kim Il-sung. C'est une momie. Il est mort. Il dirige le pays depuis l'astral. C'est le soleil du peuple. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pour ça son petit-fils est grand maréchal. Parce qu'il peut pas être, il peut pas être le président. Parce que le président éternel, c'est Kim Il-sung. Il est dans son mausolée comme un empereur chinois. Puis lui, officiellement, c'est lui, le président. Donc, c'est sa mémoire qui est le soleil, la lumière du peuple. Donc, c'est sa mémoire. Puis que la mémoire, c'est pas matériel au sens où on l'entend, mais c'est lié pareil. Puis tout. On est dans de l'occulte, là. Certainement. C'est occulte, ça. Ouais. Puis, c'est toutes des affaires que. Tu sais, il parle-tu de ça dans les universités? Il parle-tu de. Ben Il y a. non. Ben là, c'est ça, là. Puis, des fois, je me dis, c'est pas pour rien. Je veux dire, c'est pas. Il y a des instituts qui étudient ça. Il y a des places qui étudient ça. Il y a des groupes financiers qui étudient ça, ces affaires-là. Mais ça sera jamais un système. Tu sais, t'auras pas ça à l'UQAM, les Non. affaires d'en même. Tu sais, c'est comme monsieur d'une madame, elle avait été dans le désert à une place avec du monde, puis elle a eu affaire à des phénomènes spiritoïdes. Tu sais, il y a eu des condensations de formes, puis ben ces affaires-là, elle a passé pour une folle. Non, Mais mais tu c'est sais, moi, ça. je le Ben, souvent, sais que les c'est. universités officielles, là, que ce soit l'Université de Québec à Montréal ou autre, en tout cas ici au Québec, je sais que c'est la même chose dans d'autres pays, ils vont être très sceptiques par rapport à tout ça, puis ils voudront pas parler de paranormal, puis ils vont essayer d'utiliser, dans le fond, des explications rationnelles, puis d'essayer d'expliquer s'ils vont dans ce terrain-là. Ouais. C'est spécial parce que les gens qui ont le plus étudié ces choses-là, c'est surtout des médecins. OK. C'est souvent des médecins, puis ou bien des notables, puis du monde qui ont la capacité d'avoir des loisirs qui coûtent cher. Ils vont étudier des affaires de même. Mais tu as beaucoup de monde, des universitaires à d'autres époques, avant qu'ils commencent à s'exercer une censure, il y a eu une étude scientifique de certaines affaires. C'est du monde, c'était pas n'importe qui, là. Il y a même des comptes rendus. Tu as eu comme témoin des phénomènes Marie et Pierre Curie qui ont signé qu'ils étaient présents. Puis qu'ils signent comme quoi ils authentifient ce qu'ils ont vu. Puis c'est toutes des choses qu'il y a eu par après. C'est parce que ça, là, c'est l'ultime affaire. Si on peut comprendre comment l'énergie se cristallise en matière, parce que la matière, c'est un état de l'énergie, c'est lié. La façon dont l'information quand elle rentre dans l'espace-temps, que ça. Puis c'est ça l'ultime patente. Puis il n'y a rien de plus intéressant pour un État ou un groupe d'intégrer les lois de ces sciences-là. Parce que si tu es capable. C'est comme. Pour l'instant, moi, je trouve que ça ne va pas trop pire, mais il y a d'autres affaires. Tu sais, c'est comme là, ils parlent de légaliser toutes les drogues en Colombie-Britannique, d'égaliser la possession simple. Mm-hmm. Puis ça, à mes yeux, ça correspond avec d'autres affaires que j'avais. Puis je me dis là, ça va regarder mal quand ça va être effectif. Ou, mettons, que toi. Ben oui, c'est parce qu'il peut y avoir des overdoses si on pense aux gens qui consomment du fentanyl. C'est pas juste ça. OK. C'est pas juste ça. C'est que, prends, mettons, la famille Manson dans le temps. Tu sais, eux autres, ils vendaient du LSD. OK? Mm-hmm. Puis, ceux qui veulent vérifier, là, pour pas rien croire, mais vérifier, là, eux autres, ils ont eu accès à de l'Orange Sunshine, qui est un LSD qui était synthétisé par les laboratoires de la CIA. Puis là, qu'on m'explique. Comment c'est l'affaire, là, c'est que on est tous des cobayes, vous êtes tous des cobayes, tout le monde. Puis il y a toutes sortes d'expériences qui se font, puis c'est les expériences ultimes, les plus importantes, ça touche tout le temps à la sociologie. C'est tout le temps lié à ça. Fait qu'il y a bien des affaires que... Bien, ça, c'est par rapport aux masses, mais tu as quand même des expériences au niveau biologique, chimique, physique, il y a d'autres dimensions aussi, là. Ouais, mais les sciences ultimes, c'est ce qu'on pourrait appeler les sciences abstraites qui deviennent concrètes. Moi, dans j'aurais tendance à dire que la science ultime, c'est la psychologie évolutionnaire. Ouais, mais c'est pas tout ça. Moi, je te parle au niveau de, tu sais, du monde de... Tu sais, si tu t'en vas dire ça à un généticien, il va dire, hein, il va falloir y expliquer longtemps. Non, c'est sûr. Parce que pour lui, ça va être long avant de... Non, mais dans les sciences reconnues, en effet, la sociologie, l'étude du comportement des masses, c'est très important. Bien, c'est plus qu'important. C'est plus qu'important parce que quand à chaque fois qu'il y a une guerre, c'est pour... Tu sais, je veux dire... Mais justement, parlant de ça, pour ne pas perdre le filon, parce que Emmanuel Macron a déclaré qu'on était en guerre contre le coronavirus il y a quelques mois. Et il y a un sous-texte. Il y a un différent degré à ça, nous sommes en guerre. OK. Bien, c'est ça. Mais en tout cas, il y a plusieurs personnes qui voient là-dedans l'illustration qu'on est entré dans la troisième guerre mondiale qui serait contre la menace du virus qui menacerait l'ensemble de l'humanité. La deuxième guerre mondiale s'est jamais arrêtée. Elle s'est juste transférée sur d'autres terrains. C'est ça, la guerre froide. Puis, entre autres, d'autres affaires. Je veux dire, ça ne s'est jamais arrêté. Mais les forces ont quand même changé parce que, tu sais, tu avais le bloc... Ça change de terrain. Oui, mais tu sais... Ben, les vraies forces, c'est ceux qui financent. Ça n'a rien. C'est pas les forces qu'on voit en avant, les vraies forces. Ouais. C'est ceux qui financent en arrière. Puis, t'as des affaires, des fois, ils ont des guerres entre eux autres. C'est pour ça, maintenant, puis on ne sait pas là, comment ça peut virer. Il va y avoir et tout du sabotage de l'intérieur. Ça, c'est sûr. Mais... on peut pas. C'est bien difficile. C'est comme. Ben, moi, ce que je te dirais à ce niveau-là, puis j'avais tombé sur là-dessus, je lisais un livre il y a plusieurs années, ce qui expliquait, c'est que, dans le fond, les gens qui sont derrière les politiciens, les directeurs de compagnie qu'on voit dans les conférences de presse, qui tirent les ficelles dans l'ombre, ils ont chacun des égos. Puis comme ils sont orgueilleux, ben ils vont s'entre-déchirer en eux parce qu'ils n'ont pas une conscience universelle. C'est pas juste ça, c'est parce que, étant donné la nature humaine, mm-hmm. Quand tu veux être sûr que tu te feras pas trahir par ta gang, il y en a, ils vont arranger un système où ceux qui mènent sont en dehors de ça, sont en haut. Mm-hmm. Puis ceux en bas, ils se tiennent tous par les gosses puis ils se surveillent tous entre eux. Puis il n'y en a pas un qui peut trahir personne. Ils oseront jamais. Ils oseront jamais. Parce que là, c'est pas juste ton ego à toi, puis c'est pas juste... C'est un paquet d'affaires là, qui sont en jeu. Puis, tu sais, c'est tout tes enfants. Tu sais, c'est pas juste toi, ta carrière, c'est non. Ils ont un ego, ils ont des enfants, eux autres. C'est ça, exactement. Dans certains pays d'Amérique du Sud, il y a des dirigeants qui se font kidnapper leurs enfants, entre autres. Des différents niveaux de chantage qui peuvent arriver. Chantage d'agression sexuelle aussi. Ben regarde comme au Chili là, ce qu'ils faisaient les uns. Tu sais, Ces affaires-là, le monde, ils se pensent en abri de en Occident, on se pense à l'abri des affaires de même. Je veux dire, surtout les Nord-Américains, tu sais, on est bien. Mais non, là, l'Amérique, c'est l'Amérique, là. Puis le monde, c'est le monde, puis c'est tout le temps. Fait, non, on n'est pas. Tu sais, on n'a pas plus de. Les Nord-Américains, c'est comme si on pense que on a une valeur aux yeux de l'État. Puis, ça n'a pas rapport, c'est pas de même, ça marche. Puis, Ben, quoi c'est un peu. qu'on, à quelque part, tu sais, aux États-Unis, si on pense à la Constitution américaine ou les droits universels de l'homme qui sont valorisés plus que dans d'autres pays comme la Chine, tu sais. C'est plus hypocrite, tant qu'à moi, parce que toutes ces techniques-là, puis tout, ça vient surtout des Anglo-Saxons. Les affaires que je parlais. Surtout eux autres qui ont développé ça. Puis, c'est pour ça que l'illusion de la liberté, la démocratie, c'est la dictature parfaite. Parce que tant que ton monde, ils sont heureux, ils ont un divertissement, ils ont un toit sur la tête, t'auras pas de. Tout le monde va dire, je m'en fous. Tu sais, tu vas Ben, tu leur peins dire, des ah, jeux. tel État, tel gouvernement, tu sais, tel ministre, il a fait telle affaire, puis il dit, ben oui, mais crime, nous autres, ça va bien pareil, puis tout. Fait que le monde, il se soulève pas. Ben, Mais tant que là, les gens ont ils du pain et des veulent. jeux. Hein, quand que. Quand que les gens ont du pain et des jeux, pour reprendre la devise de C'est ça. Rome, là. Puis là, ils veulent de l'instabilité, ils veulent des soulèvements. Ah, autrement dit, Puis. l'élite nous manipule pour que là, présentement, il y ait une division entre les pro-masques et les gens qui sont contre, puis qu'il y ait un Ben oui. soulèvement d'une partie de la population. Donc, Ben. OK. Puis le but C'est parce que ça de, va justifier. des mesures plus répressives. Ben là, ils ont plein de machines qui veulent essayer. OK. Tu sais, puis il faut que ça soit grave pour essayer ça. Bien, Puis. j'ai l'impression qu'on progressivement, on nous amène vers une forme de guerre civile. Ben oui. Mais ça va être une sorte de processus de passage, un peu comme. Ils vont planifier ça, c'est un peu comme un accouchement. OK. Ça va avoir l'air long, puis là, de la souffrance, puis à la fin, là, ils vont arriver avec une affaire toute faite, puis dit, tiens, puis là, ça va être comme la délivrance de l'accouchement. Ah oh, oui! Puis ceux qui vont embarquer dans ce nouveau paradigme-là, ben, on verra. Moi, je suis bien, bien curieux. C'est pour ça, tu sais, j'essaie entre. J'étais un petit peu. Ça, je trouve ça. Énergisant ce qui se passe parce qu'on est vraiment privilégié. C'est des temps plus qu'historiques. Puis là, des fois, même du monde, même il y a quelques années, quand je parlais déjà des affaires de même, il y en a que je connaissais, que les autres étaient bien croyants. Puis ils venaient me dire, tu vois, tout ce qu'ils ont fait, ils sont en train de continuer leur histoire. Je dis, ben oui, mais toi, tu crois? Ils disent, oui. Ben, je dis, pourquoi tu chiales, t'es sauvé? C'est écrit quand ces choses arriveront, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Puis c'est écrit, tu t'as gagné d'avance. C'était, tu sais, je veux dire, Ouais, fait ben si qu'un on croyant, pense c'est aux assez. Moi, je trouve croyances ça bibliques là. paradoxal. Parce qu'ils sont Ouais. supposés être de bonne humeur, là. Ben oui, ben ça confirme c'est les temps de la fin de l'Apocalypse là. Ben oui, c'est écrit, quand ces choses-là vont arriver, réjouissez-vous. Bon, ben, réjouissez-vous. Tu sais, je veux dire, c'est là que. Mais On va réaliser encore que la là, croyance, c'est oui. pas ce qu'on pense, puis ce qui était prévu comme l'apostasie généralisée, non plus, c'est pas ce qu'on pense. Puis, parce que les autres, il faut tout le temps que ça suive une logique, hein? Faut tout le temps. Puis, ça va tout le temps suivre une logique, en plus, que c'est voulu que ça soit décryptable. Puis, c'est comme, ben, mais tu sais, mettons, là, que dans 2 ans ou un an et demi, ou. Moi, quand ça va être grave, là, ces amatons, là, la Vierge recommence à apparaître en Amérique centrale, puis en Amérique du Sud, là, ça va commencer à être sérieux. Ou bien que à Montréal, tu as des soldats, mais qui font partie d'une instance internationale, puis qui viennent d'ailleurs, qui patrouillent dans les rues. Là, ça va commencer à être grave. Ou sinon, Mais. comme j'ai entendu récemment les bulletins de nouvelles, les gouvernements parlent de donner des contrats à une police privée. Ici au Québec, on n'a jamais entendu parler de ça dans le passé. Ah ouais. Ben, en tout cas, La moi. Sûreté du Québec est enregistrée au bottin des entreprises. OK, Elle a des. pas, c'est pas une police d'État au sens comme il y a ailleurs. OK. On a des particularités hein, au Québec au niveau là, de effectif, là, de la façon dont les instances, les titres qu'ils ont, puis tout. On a des affaires, des bricolages légaux étranges. Puis c'est typique, je veux dire que t'as, même, je pense, en autre province, pas de même, pas sûr. Bon, ben, mais je me pardonne suis ma jamais trop naïveté, tu vois, penché là-dessus. j'étais pas au courant là, de ça, là, mais Mais ce que je me voyais là. semble bien, m'amener, il y a quelqu'un qui m'avait sorti ça, puis je suis allé voir, puis il me semble, la SQ s'est enregistrée au bottin des entreprises du Québec, puis son contrat, c'est un contrat avec l'État. OK. Puis, tu sais, je veux dire, c'est déjà, quelque part, ça a déjà, ça n'a pas la même structure que, comme aux États-Unis, tu sais, mettons, tu as un comté, tu votes pour un shérif, puis tu sais, c'est une. Bon. Mais au Québec, on a vraiment quelque chose qui est presque une milice déjà. Puis, il y a longtemps, là, il y a peut-être, ben, il y a longtemps, ça fait pas longtemps, il y a peut-être une quinzaine d'années, moi, j'ai vu des municipalités défaire leur police municipale au niveau dans des régions rurales. Puis ça, je trouvais ça inquiétant. Ça, je trouvais ça inquiétant parce que ça veut dire après, c'est la SQ, puis eux autres, ils viennent d'ailleurs, puis s'ils font une connerie, ils demandent leur transfert, puis ils s'en vont. Ben, mettons, là, qu'il y a Oui, un en termes policier pas correct, puis. d'imputabilité, c'est problématique. Ben là, il y a là quelque chose. C'est administratif comme technique. Je veux dire, pourquoi à un moment donné, on a voulu créer des fusions, puis qu'à des places, là, les sûretés municipales disparaissaient, on rentrait la SQ? Ça se peut-tu qu'il y ait encore une logique là-dedans? Parce qu'on considère que le problème au Québec, c'est pas les gens des grandes villes, c'est le monde c'est les résistants, ils sont bien plus ruraux. C'est eux autres qui veulent garder des armes à feu, c'est eux autres qui, tu sais, c'est eux autres qui sont encore des fois croyants ou qui ont des valeurs encore. Parce que comme je disais tantôt, je dis, si tu veux que l'individu soit modelable, il faut que tu le déstabilises. Il ne faut pas qu'il se développe une individualité trop solide ou un ego trop fort. Donc, le milieu, c'est la famille, c'est ça qui on déstabilise. Ben là, Puis là, c'est au présentement, niveau ben collectif. c'est ça que j'allais dire, parce qu'au niveau, depuis les derniers mois, au niveau collectif, on a empêché des gens de la famille de se réunir chez eux. La liberté de rassemblement a été bafouée. Fait que les gens qui étaient habitués de se voir à Pâques ou se voir pour la fête des pères, des mères, ça n'a pas été possible. Ensuite, il y a la crainte qui est instaurée entre les jeunes enfants puis les personnes âgées au cas où qu'un ou l'autre contamine. Donc, diviser pour régner, le Il y a célèbre bien des adage de enfants, Machiavel. là. Oui? Les parents sont tellement tout croches qu'ils n'ont rien que leurs grands-parents. Oui, c'est Ça sûr. arrive, ça. Parce que la génération qui ont des enfants en ce moment, là, les parents sont. Tu sais, il y a une partie de la job de fait, là. Fait que la génération qui a des enfants en ce moment, ben la nôtre, il y en a en crime qui sont tout croches, puis la plus grande Mais stabilité pour les enfants, il c'est les l'était pas grands-parents. avant les autres générations tout Ben, croche c'est aussi. progressif. C'est progressif. Moi, je Tu peux pense pas. pas que notre génération soit pire que celle précédente. C'est différemment. A été mindé différemment. Oui, un Mais moi, conditionnement social. Oui. à mes yeux, même la génération de mes parents, je la trouve tout croche. Puis la génération de mes grands-parents, je la trouve tout croche. Puis j'ai l'impression que chaque génération, puis que ça fait un bout de ça. Parce que il y a des affaires qui se sont mises à apparaître que tu n'avais pas ça avant. Puis, il y a aussi le côté, c'est pas normal, Chris, que, tu sais, la réforme, une réforme, mettons, de l'éducation, les enfants sont pas capables de lire ni d'écrire comme du monde, fait qu'on refait une réforme, puis c'est encore pire, puis on refait une réforme, puis c'est encore pire. C'est ça que je parle. Puis, aussi, aujourd'hui, là, tu sais, moi, je trouvais quand j'étais enfant, là, que le sens critique n'était pas encouragé. À cette heure, il n'est pas. Tu n'as pas le droit. La Madame Guilbeault, là, je l'écoutais en avant de son tank, là, de son véhicule tactique, qui est la police de Québec. Puis je l'écoutais, puis elle disait pas ceux qui vont enfreindre les décrets, il va y avoir des conséquences à un moment donné. Elle a carrément dit à ceux qui osent s'exprimer contre. Là, ça commence. Ceux qui osent s'exprimer contre, je veux dire, t'enfreins la loi, c'est une opinion. Oui, exactement. Là, c'est le droit Fait que là, d'expression qui est puis le bafoué, là. monde C'est ce que tu accepte dis, ça. c'est Je veux exact. dire, Chris, t'aurais sorti ça, là, de même dans pleine grande noirceur, dans le dent de Duplessis, puis il y aurait du monde qui se serait levé debout, puis qui aurait dit, c'est quoi ça? Puis là, ils le font pas. Puis on est en pleine. Ben, Ils ont tout attends, fait, attends une hein? minute. Il y a des gens là, sur Internet qui se sont exprimés, là, tu sais, Ouais, je mais je parle, il pense. aurait même posé. Il aurait même posé sortir une affaire de même, puis surveillerait bien plus ce qu'ils disent. Parce que ça n'aurait pas été pris. Je veux dire, il y a des affaires qui disent à cette heure-là, ça aurait même pas pu être dit il y a 10 ans. Ben, c'est ça, il y a des gens qui acceptent des choses aujourd'hui qu'ils n'auraient pas acceptées autrefois à cause du climat anxiogène, comme tu disais tantôt, là. Ben quoi? Dans le fond, là, si tu shakes le monde, tu vas créer des collectifs serrés, mais avec des individus fragiles. Mais que c'est pas lié à des valeurs filiales qui ont été transmises vibratoirement d'un milieu sain normalement. Ça va être d'autres choses. Puis là, c'est là qu'on tombe. On n'est plus dans le technique de la vie, on est dans de l'idéologique, même de cette idée de force. Puis ça passe tout le temps par fragiliser les identités. Ils veulent du monde que ça va les rassurer de suivre à la lettre des règles. Ils veulent du monde qui ont une confusion des genres puis qui n'ont pas d'identité, qui sont tout mêlés. Ça fait des années, puis même ça avait été pensé, ça, je veux dire, il y a des affaires, ça date de la fin du 19e siècle, puis ça parle de ça. Puis ça fonctionne très bien. C'est comme là, t'as-tu vu ça, là, il y a un. Ceux-là, là, qui appellent les Asperger, eux autres, ils aiment bien ça avoir un horaire tout le temps parfait, puis faire leur travail d'une façon répétitive comme une machine parfaitement. Puis là, il y en a un ils ont mis dans les médias, lui, il braille. Il braille parce qu'à 38 ans, il voit du monde sur la rue qui n'ont pas leur masque, puis il voudrait que le monde suive les règles à la lettre, parce que lui, là, il a des crises de larmes, puis il est en train de virer fou, là, parce que. Puis là, ils sortent de ça pour dire au monde, portez votre masque parce que ce pauvre monsieur vulnérable-là, vous le rendez malade. Ben oui, mais Chris, c'est toi qui l'as rendu malade pour venir me dire que c'est de ma faute puis de me mettre un Ben masque oui, sur c'est la ça, c'est rue. la société qui l'a programmé à la Ben base. là, C'est le tu bourreau sais, qui joue au sauveur ensuite. Encore le criminel, ben le là, tu fameux triangle de sais, Capman. c'est parce que, ben c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas ça qu'ils veulent, des petits fonctionnaires parfaits. Qui veulent suivre un horaire tout le temps pareil, qui aiment la routine, la répétition, puis ce qui est mécanique, puis ce qui est automatisé. Puis il y a des rumeurs que ça serait lié, ça passerait par. Une Tu sais, injection, je veux dire, le Christ, il y a bien des affaires, moi, j'ose pas dire. Que je peux pas dire ça. Je vais avoir des. Mais l'affaire, c'est pas de commencer à stresser du monde, dire lui. Lui, il a été fait modifié génétiquement pour, tu sais, c'est pas ça l'affaire, là. Au contraire, c'est d'être indulgent puis d'avoir de la compassion pour du monde qui vont avoir une programmation puis un karma de marde parce que il y a du monde en haut que c'est eux autres le problème. Parce que là, tu sais, c'est le monde, on est bien, bien naïf, hein? On est bien, bien naïf. Mais je l'ai regardé, j'ai dit encore un petit employé modèle. Un petit employé modèle, puis lui, il file pas. Il file pas, ils ont donné une étiquette, il s'est mis à s'identifier à ça, il a lu là-dessus, il a renforcé ça, c'est devenu son identité. Puis, il veut pouvoir vivre cette petite identité-là. Puis, qu'on le respecte là-dedans, parce que il y a déjà une phobie sociale, le pauvre Yob. Tu sais, je veux dire, et c'est pas normal, l'hostie, que quelqu'un ait peur à ce point-là parce qu'on lui a dit d'avoir peur. C'est pas normal que quelqu'un à moins de 2 mètres, ça lui fasse peur, tandis que d'un autre pays, c'est 1 mètre, puis il n'aurait pas eu peur. Exactement. C'est une T'sais. programmation sociale, puis la finalité de tout ça, c'est de faire de nous un troupeau docile. Ben, c'est surtout que ça gère mieux. Ça gère bien mieux. Admettons, t'as une méga porcherie, vous êtes juste 5 employés, puis je sais pas, moi, il y a 45 000 porcs. C'est sûr que tu vas industrialiser ta patente, puis tu vas essayer de standardiser tes parts. Tu sais, c'est sûr. De même, ça marche, là, à cette heure, ils veulent industrialiser. Bon, c'est la même affaire. C'est pas pour rien que j'ai souvent fait une comparaison. Parce qu'il y en a qui disent, ça y est, ils vont tout décrisser. Puis ils disent, ben non, un bon éleveur, il va prendre soin de ses animaux pareil, là. Parce qu'ils ont une valeur au niveau de la rentabilité. Tant que tu payes encore des impôts, puis tout, puis que tu fais pas de trouble, puis c'est là où ce monde sont en danger, ben là, on le voit, là, c'est quand il y a de la distanciation sociale, c'est-à-dire votre famille s'occupe pas de vous autres, vous êtes vulnérables, puis vous êtes pauvres. Là, vous êtes dans la merde. Exact. Ben, c'est sûr. Le monde, c'est comme. Ma grand-mère paternelle, pas paternelle, elle est morte, mais ma grand-mère maternelle, la mère de ma mère, elle est à une place d'un foyer de personnes âgées, puis elle paye assez cher. Puis pendant le confinement, elle s'est faite un chum là-bas. C'est une vieille, tu sais, je veux dire, elle est encore en santé. Elle s'est faite un chum. Puis il se visitait d'une chambre à l'autre. Puis le personnel n'a rien fait. Il disait rien. C'est Ben, sûr. tant mieux qu'ils n'aient pas empêché parce que ça aurait créé sans doute un traumatisme chez elle, surtout qu'elle ne devait pas avoir beaucoup de contacts sociaux à la base. C'est parce que la mère de ma mère, c'est une personne qui va être portée à. Tu sais, c'est des affaires, des fois. Mais mettons qu'elle peut être généreuse, OK? Pour avoir ce qu'elle veut. Puis, parce que c'est une madame bien brillante. Puis, il reste que. Tu sais, moi, je pense que. C'est pour ça, maintenant, ils disent, ça a été dit, ils disent, à un moment donné, ceux qui n'ont pas d'argent, ça va être comme être mort. C'est ça, là. Puis je parle pas nécessairement des monnaies qui vont être. Parce qu'à un moment donné, il va rien qu'une monnaie. C'est ça qu'ils veulent. Ben justement, en lien avec ça, est-ce que toi, tu dirais que l'endettement des États-nations présentement qui se fait à vitesse grand V dans les prochains mois pour aboutir sur une méga crise économique mondiale qui amènerait la refonte des monnaies des États-nations à une seule monnaie avec le Fonds mondial, le FMI, qui serait Ben, derrière ça pour. pas tout de suite. OK. Il va falloir, parce que c'est pas assez encore, c'est pas assez. Mais je pense que ça va prendre un petit bout. Mais si tu veux une planète, un État, un gouvernement, une Puis une monnaie, monnaie, exact. puis vu qu'ils nous considèrent comme des cabochons, ça va prendre une religion, c'est là que je me méfie un petit peu. Parce que là, on voit venir, qu'est-ce qui pourrait être une religion universelle? Que tout le monde peut voir sa propre spiritualité là-dedans. Pas les extraterrestres. Non. Ben non, parce que le terme extraterrestre, il est péjoratif pour bien du monde. Ça peut être n'importe quoi en autant que l'être humain, au départ, au niveau du langage, il est déjà à genoux en avant. Fait que ça va être. De quoi qui vient de l'extérieur, qui est intelligent puis supérieur. Mais c'est pas obligé, t'as pas obligé d'appeler ça des extraterrestres. Ça serait quoi que tu Ça a pas verrais? besoin. Ça serait quoi que tu verrais? Ben, moi, j'ai l'impression qu'on s'en va vers un culte un peu comme le cosmisme russe. C'est ce qu'il C'est-à-dire? y a eu dans le temps de l'Union soviétique. C'est une philosophie qui est une vision mystique de la science, si tu veux. Puis que l'être humain redevient un peu, si tu veux, son propre dieu, mais là, c'est au niveau collectif, tu sais, parce que là, c'était pour ça, là, Yuri Gagarine, puis tout, c'est lié à cette vision-là. Ben là-dedans, t'as pas le choix d'admettre que l'être humain est intelligent, puis tout, il peut pas être tout seul, puis comme il l'intuite, c'est sûr qu'il l'est pas, parce que les cosmistes russes, ils croyaient à toutes sortes d'affaires. Ça n'a pas besoin d'être matériel. Mais les intelligences cosmiques, ben, je pense qu'on s'en va vers ça. Parce que tu peux tout foutre là-dedans. Toutes les révélations à date, tu peux mettre ça dans ce fatras-là. C'est sûr, c'est une intelligence supérieure. C'est ça, moi, c'est le côté. J'ai de la misère avec ça. J'ai de la misère avec ça. Ben gros. Ben gros. C'est une forme de spiritualité qui va ressembler au cosmisme russe, une forme de mysticisme scientifique, médico, évolutif, ou peu importe. Mais ça, c'est ce que. Je veux dire, il y a des. Ça ressemble à ça, là. Mais tu sais, si on pense à la physique quantique qui dit derrière toutes les réalités, il y a un seul champ quantique qui unifie tous les êtres, Ouais, un mais peu comme la force dans Star Wars, tu sais. faut pas que tu oublies que dans la tête d'un fermier, ces cochons sont pas intelligents assez pour penser à des affaires de même, pas au large, pas au niveau de la masse. Ça prend une forme qui remplace la religion. Parce que l'être humain, il a un besoin. Parce qu'il est angoissé, puis il a un besoin de se sécuriser. Surtout Il si le faut qu'il fermier sente quelque crie chose. l'angoisse sciemment, c'est-à-dire si on crie C'est ça. sciemment la méga crise du Ben oui, mais c'est coronavirus. pour ça les catholiques avec l'enfer. Quand ils ont compris que l'enfer pognait plus, ils ont sorti les messes à gogo. Tu sais, c'était la sœur sourire et ces affaires-là. C'est la fin de l'Église satanique puis de la fin pour eux autres. Tu sais, je vais te dire, là. Tu sais, bon, ben. Puis j'ai beaucoup regardé, tu regardes ce qu'il y a eu dans le passé, l'Académie Unarius, puis ces affaires-là. Moi, je regarde ça en tant que phénomène social. Je trouve ça intéressant parce que je trouve ça bien. Ça va peut-être être chiant de dire ça, je trouve ça bien comique. Je trouve ça me divertit, je trouve ça drôle, ces affaires-là. Je veux dire, j'ai souvent regardé des affaires de même, c'était non seulement pour. Mais c'était parce que je trouve ça comique. Mais Et c'est c'est quoi pas ça? C'est fin parce de que dire moi, je ça. la connais pas, cette académie-là, là. L'Académie Unarius? Ouais. Tu connais pas ça? Mais non. Ah ben. Ben, l'Académie Unarius, c'est une forme de cosmisme russe, mais américain, puis c'est un culte soukoupiste, un OK. peu comme Raël. OK. Eux autres sont là, puis attendent les frères de l'espace. Puis il y avait une madame, une dame, là, qui a fondé ça, qui a cofondé ça. Elle était tellement comique, la madame, elle se mettait des robes arc-en-ciel avec des lumières de Noël dedans, puis je te jure, c'est vraiment drôle. Puis je dis pas ça, t'sais, pour rire d'eux autres, mais. Ben, j'ai pas le choix de dire. Moi, Chris, j'ai à chaque fois que je regarde ça puis que j'étudie ce cas-là, je ris. Je peux pas m'empêcher de rire. C'est tellement kitsch, puis. Mais il reste que. C'est là où je dis faire attention parce que si tu regardes et tout l'autre, là, Heaven's Gate puis Dwight Applewhite, c'est un autre culte, genre soucoupiste. Ben, eux autres, ils sont tous morts. Ben oui, il y en a qui se sont suicidés pour aller sur Sirius, là. Ah, ça, c'est l'ordre du Temple solaire. C'est pas la même gang. Ceux que je te parle, ils avaient toutes des Nike d'un pied puis tant de monnaie dans leur poche pour payer leur. Mais c'est tout le temps les mêmes vieilles affaires qui reviennent. Puis, tu sais, il y avait toutes des souliers Nike puis des. Tu te souviens pas de ça? Non, désolé, ça n'a pas attiré mon C'est. attention. Ben, ça en est un, c'est un phénomène qui a eu un culte soucoupiste puis ça a fini de même. T'as deux mégalomanes qui se sont rencontrés, une ancienne infirmière puis un ancien prof de piano. Puis les deux, bien névrosés, qui avaient des. Ils remettaient en question des affaires sur la religion. Puis finalement, ensemble, ils ont fondé une affaire. C'était basé sur le mysticisme lié aux ovnis, si tu veux. Puis ils mêlaient ça à la religion, puis tout. Puis elle, quand elle est morte, lui, il était comme une sorte de couple mystique, les deux. Puis est-ce qu'ils n'ont jamais rien eu? Lui, il s'était castré. Ça, je dis, c'est des. Ah oui, Mais le pire, c'est qu'on voit ça en Russie, il y a des sectes qui se castraient. En tout cas. ça devait Puis, pas faire des enfants forts. ben, le pire, c'est. Ben non, mais ces communautés-là, quand tu regardes comment ils se perpétuent puis se propageaient, c'est pas en faisant des enfants. C'est en faisant des adeptes. OK. Puis c'est là que. Tu sais, c'est pour ça que je dis, ben, faut de checker bien certaines affaires, puis regarder ça, puis avoir bien, bien de la présence, puis être bien, bien attentif, puis observer beaucoup. Parce qu'il y a plein de vieilles affaires qui reviennent, ça c'est sûr. Parce que l'involution, ça peut pas. Il faut que tu Non, je récupères, comprends, puis c'est il y le a des contexte qui mémoires évolue. qui sont ramassées, là. Oui. C'est sûr que, dans le fond, quand on regarde dans le cadre de la crise présente de coronavirus, tu sais, de porter le masque, ça me fait penser un peu comme les gens qui doivent porter le voile dans la religion musulmane. Tu sais, Ouais, ben là, j'irais pas jusqu'à dire que c'est pareil. OK. J'irais pas jusqu'à dire que c'est pareil parce que le masque qui est vraiment imposé, moi, à mes yeux, je suis pas en train d'affirmer ça, à mes yeux, il est imposé pour des raisons qui sont liées à des techniques, que c'est pas vieux tant que ça. Je veux dire, quand je te dis des affaires des années 50, puis aussi, c'est une façon de récupérer, par exemple, des anciennes affaires, mais on est vraiment dans quelque chose qui est une sorte de rite, puis de tabou, puis c'est lié beaucoup à un symbole qui est tabou, parce qu'il polarise la vie, la mort, ces affaires-là. Mais le voile, je le vois pas de même, c'est d'autres choses, c'est la même affaire dans le sens que c'est sûr, je vois de la domination là-dedans. Mais je veux pas que, tu sais, je veux dire, les musulmanes, c'est pas rien que de la domination, dans le sens que c'est culturel. Puis, tu sais, tu as le droit d'avoir un attachement. Tu sais, moi, je regarde ma lignée, il y a du français, de l'irlandais, de l'italien, de l'algonquin, je veux dire, tout, je suis tout mêlé. Tellement, je sais pas à quoi m'en tuer. Fait que moi, ces histoires-là, culturelles, c'est pas pareil pour moi. OK. C'est sûr, je me sens comme un Nord-Américain puis un Occidental. Ça, c'est très fort. Mais comme symbole d'adhésion à une croyance, comme là, la croyance auquel on adhère en portant le masque, ben pour dans certains cas comme conformité d'apparence, mais tout de même, c'est l'idée que ça nous protège contre le virus, puis on protège les autres, puis on est des sauveurs à cause de ça. C'est là que je parle de tu peux créer un paradigme qui va être une réalité purement psychologique pour enfermer du monde dedans. Ben c'est ça, la Mais c'est du sainteté du masque. comportementalisme. Moi, c'est. Parce que là, il s'est ajouté, c'est le béhaviorisme. Tu regardes toutes les, Oui. comment ils ont développé ça, du brainisme, tu sais, le braid, là, Ben, il y a le. plusieurs approches en psychologie, là, Bon, je te parle OK. d'un gars au 19e siècle, là, qui a de. Puis lui, Braid, il a découvert que tu pouvais pour changer des états nerveux avec quelqu'un juste en lui montrant une lame de scalpel qui brillait. Il a fait des expériences avec sa femme de chambre, puis il s'est rendu compte de ça. Puis il a développé après, puis après ça a été étudié par Charcot sur les hystériques. Mais après, il est venu le béhaviorisme, qui est un peu l'aspect le plus technique, le plus scientifique, au point où tu peux prendre une technique puis savoir statistiquement, combien de personnes dans la population ça va marcher, combien que ça ne marchera pas, puis tu peux calculer combien de temps ça va prendre pour que la partie que ça marche, par le mimétisme social, puis aussi par de la pression des pairs, il sait combien de temps ça va prendre pour maintenir l'autre groupe, ou s'il y a un effet contraire, dépendamment de la technique, combien de temps ça va marcher avec la majorité avant que la minorité défasse. Parce que c'est une affaire de temps. C'est un peu comme tu programmes quelqu'un sur une. Il y a certaines techniques, tu peux Oui. programmer un peuple sur une minuterie, mais à un moment donné, ça ne marche plus. Non, exactement, Donc. parce qu'il y a des points de rupture qui peuvent être atteints, puis on parle de déclin de Ben, civilisation c'est à un ça. moment donné, mais si on vient avec notre histoire de port de masque obligatoire, si on s'amuse là, à faire des prédictions, puis on spécule, là, il n'y a rien de scientifique là-dedans, mais toi, est-ce que tu vois que le port du masque obligatoire va perdurer dans les prochains mois ou il va y avoir une opposition qui va faire que ça va être renversé par des mouvements, là, les légaux, puis Les deux. poursuites par des gouvernements? Mais je vois plus ça par. Il va y avoir du rétropédalage parce qu'il va y avoir de la pression. Ils vont sentir une pression. C'est l'image, hein. S'ils perdent. Parce que pour faire jouer des rôles de même, puis faire des. Ça faut toujours que le monde des images. Parce que si tu perds ton image, puis que tu perds le contrôle de ça marche plus. C'est pour ça que. Il y a bien du monde en ce moment, là, ils ont même plus confiance en certaines instances qui étaient réellement neutres, puis tout. Parce que tu as comme le protecteur du citoyen, ils ont dit, nous autres, on fait rien parce qu'on considère que c'est justifié. Ben oui, mais il faut que tu te démontres en quoi c'est justifié point par point. Exactement. Tu Mais eux fais autres, pas ils vont dire ça. que c'est à cause de l'état d'urgence. Le virus est tellement une menace Ben oui, grave mais faut que tu le démontres. qu'on a honte de la survie du collectif, on peut brimer les Ben droits oui. individuels. C'est parce que là, on donne ce que l'autre a supposément démontré, puis il n'y a rien démontré, puis on peut remonter de même. Parce que c'est la Ah ben première là, on fois, va moi, je donner les vois ça. statistiques de Neil Ferguson, qui Ben oui, mais annonçait tu pour sais. Québec la possibilité de 300 000 morts, il y a à peine quelques semaines, du coronavirus. Oh, il va y en avoir en masse des morts, mais ça va être d'autres choses. Mais, tu sais, je veux dire, il y a quelque chose là-dedans qui est inacceptable. Tu peux pas dire, nous autres, on considère que c'est justifié, puis tu. Parce que les gens qui ont voulu saisir cette instance-là, ils ont mis point par point, eux autres, leur raison selon, pour eux autres, pourquoi c'est injustifié. Si tu donnes une réponse de même, il faut que tu montres techniquement que tu sais, t'as un argument à chaque point pour dire, non, on considère que. Puis ça, ils le font même plus. Mais Ils se non. justifient même plus. Puis l'autorité, c'est basé sur la légitimité. Dans une société normale qui n'est pas endormie de même, là, qui n'est pas d'un état de même. Mais, parce que là, c'est, tu sais, je veux dire, comme je te dis, c'est un état de stupeur qui est engendré. Puis, mais il reste que dans une société normale, le monde aurait dit, ben là, c'est quoi l'argument? On considère que c'est justifié parce qu'on considère que c'est justifié, puis nous autres, tout d'un coup, on est un pouvoir discrétionnaire de. C'est pas de même, c'est supposé marcher Ben non, parce que. exactement. C'est là qu'on voit que. Puis aussi, les affaires légales que tu parles, ben c'est là qu'on va voir jusqu'où c'est corrompu. Oui, On va voir exactement, parce jusqu'où. qu'il y a la fondation de Stéphane Blais qui s'occupe de ça, de la défense des droits et libertés du peuple, qui font des démarches, notamment avec Rocco Galati, avocat constitutionnaliste en Ontario, pour amener la fin des mesures qui ont été mises en place depuis de la crise du coronavirus, dont le port du masque obligatoire. Donc, on va voir si ça va aboutir. Ben, gars, l'affaire, là, c'est que pour le masque obligatoire, Ouais. normalement, ce qui est réservé, c'est qu'il y a une injonction qui se fait, puis c'est bloqué tant que c'est pas décidé en cours, que ça n'a pas été. Mais là, c'est court-circuité à cause de l'affaire sur l'urgence, puis tout fait que ça veut dire que le tribunal a considéré qu'il y a un état d'urgence Exactement. avant même d'entrer. C'est ça, le tribunal, il croit à ça comme préjugé. Fait que ce qui fait que ça, il n'y aura pas de débat là-dessus, là, qu'il y a une injonction qui soit mise en place. Puis là, il y a un vrai débat là, public là, par rapport à ça, avec des experts, des spécialistes, puis de N'en veulent l'argumentation. pas. Mais c'est ça, c'est Je que. veux dire, tu sais, moi, tu vois ça rien que dans un système genre comme la Roumanie communiste où c'est pas normal qu'il n'y ait aucun débat. Je veux dire, tu fais juste t'exprimer, puis t'as plus accès à rien, t'as pas de tribune. Oui, ben C'est ça me fait penser justement que récemment, Jean-Jacques Crèvecœur, qui est un lanceur d'alerte quand même populaire à l'international dans la francophonie, a connu la fermeture de sa chaîne YouTube. Ben, c'est là, à un moment donné, parce que des fois, avec ma conjointe, on regarde ça, puis à un moment donné, je disais, ben, lui, c'est parce que, tu sais, il y a bien de la spiritualité, hein, puis la légalité, c'est technique, puis il y a de l'émotivité, tout, puis là, moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est parce que, comme je disais, je dis, pourquoi ça m'inquiète pas, puis je reste plus à tout le temps. C'est parce que ça marche par la baisse d'énergie. Quand tu comptes, tu sais, admettons que tu veux suggestionner quelqu'un, puis que dans le fond, tu vas créer un état de stupeur pour le rendre suggestif. Dans le fond, tu viens de jouer d'un corps, puis il y a une baisse en fréquence à certains niveaux. Puis dès que tu as peur, dès que tu as de la crainte, ou dès que tu es émotif, il y a ça. Puis c'est pour ça que je vois là-dedans. Je me dis, il y en a, ils sont en. Tu sais, je veux dire, ils vont se faire mal. Tu sais, puis on ne peut pas prévoir qui. C'est tout le temps, c'est comme je disais, un bateau, on sait jamais qui va le prendre ou pas. C'est difficile de savoir puis jusqu'où ça va aller, parce qu'à un moment donné, quand tu te bats de même, ben ton système nerveux, c'est lui qui mange la claque. Ben oui, parce que ça Tu crée des sais, quand chocs tu te fais énergétiques. ramasser, ben quand tu te fais ramasser des journaux, puis ils sont méchants, là. Ils sont payés pour l'être. Oui, ben c'est sûr que comme Jean-Jacques Crèvecœur s'est fait accuser d'être conspirationniste dans les journaux ici au Québec, Ben, il y en a d'autres moi, aussi. selon ma définition à moi, un petit peu. Parce qu'il y a des affaires, dans ce qu'on appelle là, la sphère conspirationnisme, il y a des affaires que je vois que ça, pour moi, c'est réel. C'est sûr, c'est réel. C'est les mêmes techniques que j'ai vu. Il y a des expériences qui ont été faites. Mais il y a d'autres affaires, je ne suis pas sûr. Parce que moi, mettons que je suis un État ou qu'une instance gouvernementale, mettons. Qui est de renseignement, puis tout, puis que j'ai des programmes de toutes sortes d'affaires, puis que je suis dans une guerre psychologique depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ben, les pires rumeurs sur nous autres, c'est moi-même qui va les faire courir, ça, tu peux être sûr. Ben oui, Tu pour peux être sûr. contrôler la source. Ben, c'est ça, puis ça va être. Il va y avoir des affaires que c'est vrai en plus. Moi, mêler la vérité au mensonge, puis le mensonge Ben, va c'est comme les exagérer la informations vérité qui, aussi. depuis plusieurs générations, circulent sur le phénomène OVNI. Tu sais, il y a toutes sortes de choses qui sont dites. Il y en a qui sont réelles, d'autres non. Puis ça crée une espèce de confusion là, depuis plusieurs décennies sur le sujet. Ben, moi, mes yeux, c'est un petit peu ça, le but. Puis c'est pour ça. Tu sais, à un moment donné, c'est Bernard, il avait dit, un jour, vous allez vous rendre compte qu'il y a en arrière de tout ça, des forces lucifères. Ah, ben Mais ça, là, je parle je. ce qui est matériel, là, ce Oui. qui est les machines. C'est Ben pour oui. ça, moi, j'ai. Tu sais, il y en a tout d'un Ben, je veux coup, pas oh, les nécessairement. enfants à telle place, ils ont vu une silhouette verte apparaître. Puis ben oui, c'est sûr, moi tout, avoir les budgets, je t'envoie des drones, puis on fait des projections holographiques avec des bébites vertes pour voir les effets dans la population. C'est sûr que je vais faire des expériences de même. Tu sais, c'était un peu comme, Non, on voyait non. ça là, dans le temps, je veux dire, tu as du monde qui avait des postes étranges à certains gouvernements, tu sais, comme. Mettons, dans le temps de l'Union soviétique, Beria, il y avait des rumeurs sur lui qu'il buvait du sang, puis des affaires. Christ, eux autres qui faisaient exprès. C'est eux autres qui répandaient ça. Pourquoi? Pour créer un climat que tu sais plus. Tu sais plus qui est Exactement, quoi. ça crée une Tu sais tension, plus. puis pendant ce temps-là, on est dévitalisé, ça baisse le taux vibratoire, la confusion, la C'est ça. peur, la crainte. Donc, comment on peut tirer intelligemment parti de la crise du coronavirus? Ben moi, je vois ça, c'est souvent, quand je vois ça, c'est une situation où ce que c'est parfait, justement, il y en a qui vont développer un contact, ils vont développer leur contact parce qu'ils n'auront pas le choix. Il y en a d'autres que c'est le contraire. Ils vont peut-être le perdre. Tu sais, Non, je veux non, il y en a qui dire vont sombrer un dans la contact. folie puis la déchéance psychique, là, si on pense de cas de gens apeurés qui peuvent se suicider, là. Fait que Ben moi, ça. c'est quand ça va mal que c'est le plus fort. Tu sais, je veux dire, c'est quand là, ça va mal, puis je stresse. Là, c'est fort. C'est quand ça va bien, puis je suis de bonne humeur, ça baisse. Bien, souvent, quand ça va bien, on est plus doux. Comme j'ai écouté un enregistrement de Daniel Ménard qui il disait on est plus gazeux. T'sais, on n'est pas sous tension, là. C'est pour ça que des situations de même, moi, pour moi, c'est pas mauvais, hein? Je vois ça, c'est une opportunité. Tu sais, quand je disais tout à l'heure, je dis, ben, c'est écrit, quand vous verrez ces choses, réjouissez-vous. Ben, moi, c'est un petit peu ça. Parce qu'il y a Mais moi, plein d'affaires, quand j'aurais même, jamais cru. je mettrais quand même une nuance en disant que faut pas non plus se réjouir du malheur des autres, là. C'est pas de ça que je parle. Mais tu sais, je veux dire, quand on voit ces Ça choses-là, achève. ben, ça achève. Ben, là, pas à notre échelle, à nous autres, mais à l'échelle Ben, à l'échelle de cosmique, cycle, c'est. ça Ouais. achève. Je veux dire. Tu sais, c'est pas l'affaire de se réjouir du malheur des autres, mais Christ, l'être humain, il évolue bien quand il n'y a pas le choix. Ouais, je Qu'est-ce que tu veux comprends. qu'on fasse? Là, il y a du monde, ils n'auront pas le choix. Bon, Ben, on c'est va au sûr que moins essayer de voir le. les entrepreneurs, des petites moyennes entreprises qui perdent leur travail, ils n'auront pas le choix de se réinventer. Par Bon, contre, ouais. s'ils peuvent. Oh! Parce que. Souvent, te réinventer, ça va être obligé d'aller travailler pour la grosse affaire. Il va avoir, tu sais, d'une affaire de même, c'est les petits se font manger par les gros. C'est tout le temps de même une crise, c'est tout le temps c'est comme quand t'as une crise de l'immobilier, puis qu'il n'y a plus personne qui est capable de payer ses affaires, puis tout, puis que tout le monde. Là, les gros, ils attendent. Puis après, ils se mettent à racheter tout à petit prix parce que le marché a baissé. Ouais, le marché s'est effondré, fait que là, ils rachètent Ben, à c'est ça. rabais. Même chose Fait pour qu'il y a les bien. actions à la bourse. Ouais. Ben, ça, je suis moins. Tu sais, c'est comme un maton là, qui décide pour une raison ou pour une autre, on va couper le trois quarts d'Internet. Maton qui vient à bout de créer un prétexte, on coupe le trois quarts d'Internet. OK? Parce qu'ils veulent justement, ils n'arrivent pas à contrôler Ben, c'est sûr, il pourrait avoir l'info. mystérieusement un éclat du soleil très intense qui Ouais, là, perturberait là, tu. en lien avec le cycle solaire qui revient tous les 11 Ben, ans, là. les transactions de valeur mobilière, il faut qu'ils se fassent pareil. Hein. Exact. Fait que, tu sais, je veux dire, ils peuvent pas le fermer tout. Tu sais, c'est le monde qui font vivre la bourse, c'est en grande partie des petits particuliers, là. Faut qu'ils aient accès à eux autres et tout, ils spéculent, puis ils aident les gros, les autres, ils mangent des petits, ça prend des petits. Ils vont pas couper le. Ouais, non, je comprends totalement l'ordre des types à ceux autres qui les alimentent en énergie, un peu comme une Ben, c'est entreprise ça. pyramidale. Ben, tu sais, je veux dire, c'est. À un moment donné, j'avais dit, c'est parce que le planétaire, c'est ça. Regarde, mettons, des archétypes comme au niveau là, de la culture populaire, parce que l'être humain, il sait tout au fond de lui-même, les peuples, ils savent tout au fond de lui-même, mais c'est comme les rêves, ça parvient pas d'une façon claire à la conscience, fait qu'il va l'exprimer d'une façon inconsciente à travers la fiction, souvent. Ben, regarde, là, dans la mythologie, les vampires, c'est souvent des nobles. Pas dans la mythologie, mais dans la culture populaire. C'est pas dans la mythologie, c'était d'autres choses. Mais dans la culture populaire, souvent des nobles. Puis si tu regardes, je sais pas, moi, en Asie du Sud-Est, où les Chinois, leurs vampires, les Quanxi, sont déguisés en fonctionnaires. Puis ils se déplacent par bond. Un fonctionnaire, ça se déplace par bond dans sa vie. Tu sais, où il descend, où il monte. Mais il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là, parce que c'est un système vampirique qu'on a. Puis. Ce qui est en haut mange ce qui est en bas, puis ça a tout le teinté. Ça a tout le teinté. Ça peut pas. Mais la sortie de l'involution n'est-il pas un renversement de situation où l'individu est appelé à horizontaliser son rapport avec les instances supérieures, voire même son propre esprit, pour fusionner avec? L'affaire, là, au niveau d'une fin de cycle, moi. C'est tellement violent puis différent d'une fois. Ça sera pas pareil, là. Bien, c'est sûr qu'il y en a eu plusieurs autres dans le passé. Si on pense à la fin de l'Atlantide, la Lémurie, d'autres civilisations celle actuelle, puis j'ai entendu dire pré-covidienne, là, parce qu'il y a comme un an, un jour, un après la crise du COVID, puis il y a l'avant, puis l'après. Il y a comme un clivage, je trouve, qui s'est fait là, depuis le 13 mars, le vendredi 13. Je suis en train de devenir superstitieux, je disais ça à quelqu'un récemment. Bien, l'affaire, c'est pas des. Si tu as des dates puis des affaires de même qui reviennent souvent, c'est pas parce que la superstition agit, c'est parce que si. En tout cas, tu sais, je veux dire, on prend pas des dates au hasard. Non, il y a des gens qui ont voulu ça. En tout cas, pour mettre les gens qui nous écoutent en contexte, c'est que le Québec a été mis sur pause, confiné d'une manière aveugle. Ça a été déclenché un vendredi 13. Oui, puis il y a quelque chose là-dedans, il y a un sous-texte là-dedans. Parce que les Québécois. Oui. Au niveau de leur histoire, puis d'où ils viennent, puis comme leur fête nationale, c'est la Saint-Jean. Tu sais, à un moment donné, je t'avais dit, à un moment donné, le drapeau sera pas correct. Puis drette que là, la fête nationale, là, le monde avait besoin de symboles rassembleurs, justement, pour évacuer de l'angoisse, puis tout, puis ils n'ont pas eu de drapeau. Il n'y avait pas de drapeau. Tu sais, moi, je l'avais vu venir. Parce que c'est sûr qu'il... Tu sais, c'est vu comme... La nation, c'est la famille d'une société. Mm-hmm. Si on veut prendre le contrôle d'une société de l'extérieur, c'est un peu comme quelqu'un qui se fait rentrer dans une secte, ils vont vouloir couper les liens avec la famille. Mm-hmm. Puis ils vont dire, nous autres on t'aime, puis blablabla, puis tandis que c'est pas ça à patente. Là, on commence une fin, mais on a développé une civilisation psychologique. C'est ça la... Ouais. Ce qui s'achève, là, puis notre civilisation psychologique est arrivée au bout de son psycho. Il va falloir qu'elle développe d'autres choses. Mais pendant tout le temps d'une civilisation psychologique qui commence dans l'entrée dans l'intellect, puis le réflectif, la polarité, puis ces affaires-là, tu sais, l'arbre du fruit du bien puis du mal, puis tout. Pendant tous ces cycles-là, les initiations, ça va être des initiations de connaissance, parce que c'est un être psychologique. Donc, les gens étaient initiés entre eux, avec de la connaissance, puis il y avait une sélection liée à un élitisme sélectif, puis à un contrôle de l'information. Tu sais, genre, tu vas avoir une grande histoire pour la masse, puis quand tu rentres dans la petite patente, ils te comptent la vraie histoire pour le... Le groupe d'initiés de société secrète, voire discrète. C'est tout pareil. Quelque part, ça se ressemble tout. Parce que pour être initié psychologiquement, bien, ça passe par de la connaissance. Oui. Mais là, on s'en va vers... Il va y avoir de quoi de nouveau maintenant, puis là, il va y avoir de quoi de... On ne se sera plus une initié. À mes yeux, le nouvel initié, l'homme nouveau, lui, il ne sera pas initié par de la connaissance. Mais non, ça va être par vibration. Ça va être un contact direct avec son esprit, là. Ouais, puis c'est un retour quelque part. Parce que là, tu sais, on nous parle, tu as eu l'âge de pierre, puis l'âge de bronze, c'est justement, c'est au niveau du contrôle. L'instruction. Parce que la vraie patente, c'est jamais ça. C'est au début d'un cycle, tu as un âge d'or. Puis ça finit un âge de fer. Bien, c'est-à-dire que si on prend le cycle de vie d'une civilisation, tu as une ascendance, un apogée, puis un déclin. Oui, bien oui, c'est des cycles de vie. Exact. Parce que la fin, c'est la décadence. Fait que pour toi, notre civilisation présente avec la crise du coronavirus... Mais là, c'est pas une décadence au sens comme les Romains, là. On va avoir un changement de sexe. Tu quasiment dire un changement de sexe. Ça va être n'importe quoi. Ça va être n'importe quoi, c'est sûr. Parce que tu peux pas prévoir comment que... La décadence, là, imagine, c'est pas une civilisation, là. C'est toutes les civilisations d'un cycle. Tu sais, autour, mettons, moi, je calcule ça autour de 26 000 ans, mais tu sais, ça va être violent, là. Ben, ça n'a pas le choix. C'est sûr qu'en lien avec ça, ça me fait penser aux pierres de Guidance Stone, là, en Géorgie, là, les pierres de guidance qui parlent de réduire la population à 500 millions d'habitants, puis on est 7,7 milliards à peu près. Donc, ça peut faire partie des éléments pour créer un climat anxiogène. Exact, mais... C'est pour ça que je regarde... Mais est-ce que toi, tu irais dans le sens qu'il y aurait une dépopulation mondiale massive dans les prochaines années? Bien, qu'elle se fasse par des voies naturelles ou... Fabriquées, parce que... Ça. Ça, c'est un autre aspect. Est-ce que pour toi, le coronavirus a été fabriqué en laboratoire par l'être humain ou c'est le fruit de la nature? À mes yeux, il y a une instrumentalisation de quelque chose qui est là. De peu importe comment, ça peut être de quoi qui existait déjà, qui était modifié. Ça peut être aussi. C'est le genre de questions que je me pose même pas. Parce que le but de tout ça, c'est de m'inquiéter. Je veux dire, c'est vraiment ça, là. C'est vraiment de créer un climat d'inquiétude anxiogène. Fait que quelque part, cet aspect-là. Mais ça ressemble à ça en maudit, David, parce que au début, tu l'as vu comment il était. Puis il était en se dégradant. Puis de tout. Je veux dire, quand tu fabriques justement, que tu modifies certains organismes, c'est ça qui se passe. Ben, il y a une dégradation. Exactement. Puis il y avait un prix Nobel européen. Je pense que c'est Monsieur Montagnier, en tout cas, je me trompe peut-être un petit peu au niveau de la prononciation de son nom, mais qui avait déclaré que pour lui, selon sa compréhension, il avait été fabriqué en laboratoire, puis il allait justement progressivement se dégrader, là. Puis, comme de fait, ben, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, même que, bon. Mais là, moi, quand je regarde ça, je me dis, OK. Mais là, c'est quoi les jokers qu'ils ont? Ça va être quoi? Parce que j'ai l'impression d'une accalmie, un entr'acte. Puis là, ça va être quoi après? Bien, on nous annonce une deuxième vague. D'ailleurs, notre directeur de la santé publique, ouais, Arruda, dit qu'il est pas mal sûr à 95% qu'il va en avoir une autre vague là, à l'automne. Là. OK. Ah bon. Ben, eh bien, c'est sûr. Moi, j'ai l'impression que... Si lui, il dit... Ben, si lui, il est sûr... Il est pas mal sûr, là, ce qu'il disait. Là. Fait que là, il faut se préparer moi, là, par rapport à ça. Je suis sûr d'une affaire, là. Lui, il va porter le chapeau plus tard. Ils vont se décharger à un moment donné. Il n'est pas élu, lui, il est imputable. Fait que là, tu sais, il n'a pas l'air sûr à 100%, par exemple, de ça. Mais peut-être mieux pas, parce qu'il aurait l'air suspect, parce que s'il serait sûr à 100%, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est toi qui es en train d'orchestrer ça, tu sais? Ben moi, j'ai regardé aller, tu sais, puis je dis, ils sont vraiment inconscients. Parce qu'ils mettent leur vie en danger, parce que du monde en maudit, il y en a pour vrai. Puis, je me dis, ils mettent leur sécurité en danger. Puis après, ça me dit, ben non. Parce que là, Arruda, lui, il essaye en sauveur bourreau. Genre, moi, je fais ça pour vous sauver la vie, puis si vous obéissez pas, moi, être bad guy. Bad boy. Et là, à un moment donné, là, faut que tu alternes. Fait qu'il fallait à un moment donné, le mettre à la victime, le rôle de la victime. Pour leur promener, puis... Oui, bien, c'est pour ça que tout d'un coup, on a dit ses coordonnées personnelles ont été mises sur Facebook. C'est coordonnées en même temps. Aujourd'hui, on apprend Fauci aux États-Unis. Lui, tout, il est menacé de mort. Puis le pauvre, lui, il faut le protéger. Il y a des menaces. Fait que lui, tout, là, il est rendu victime. Puis, tu sais, je veux dire, ça ressemble... C'est trop... bon. Tu sais, il fallait en faire une victime parce que le monde le trouvait moins sympathique d'un coup. Fait que là, on le promène de sauveur à bourreau, puis à un moment donné, il est de moins en moins sympathique. Quand on le tasse à sauveur, le monde n'y croit plus. Fait que tu l'envoies à victime un peu. Pour ensuite en devenir plus fort un sauveur. Ça, tu le retournes sauveur, après victime sauveur, victime sauveur, victime sauveur. Bourreau. Il redevient, tu sais. C'est de la géométrie de. C'est, dans le fond, ça revient à quasiment comme de l'électronique ou un circuit imprimé. Que t'en. Bon. Puis, ça a l'air niaiseux, mais ça fonctionne, ces affaires-là. Ça fonctionne même très bien. Parce que normalement, admettons qu'on serait dans un état où on n'est pas dans un état anxiogène, puis tout. Le Québec, s'il était un pays souverain, je pense qu'il arrivait cinquième plus mauvais pour la gestion. Lui, là, il est supposé démissionner. Le monde n'aurait pas toléré. Ben non, puis après ça, Legault le renouvelle pour 3 ans. Puis tout le monde applaudit. Exactement. Bon, fait qu'elle est là. Puis ça aurait été impossible dans un autre contexte. Parce que, je veux dire, c'est catastrophique. Il y a bien plus de morts dues à la gestion de ça qu'au coronavirus. Ça, je suis sûr à 100%. Ben moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui sont marqués, qui sont décédés du coronavirus, alors que c'est avec déjà des problèmes de santé. Puis, il peut y avoir du camouflage aussi pour des gens qui sont morts de soif et de faim. C'est là. Des comorbidités, je veux dire, les rhinovirus puis l'influenza, ça tue à chaque année tout le temps. On le sait. Exactement. Ben, il y en a qui disaient que ça tuait chaque année entre 250 000 et 750 000. Puis là, par rapport au nombre de décès, on est rendu au mois de juillet alors que la saison de la grippe est complétée. C'est environ 600 000 décès au niveau international déclarés, puis avec des statistiques gonflées. Fait que là, quelque part, si tu penses qu'il y a quelque chose dans cette maladie-là qui est plus dangereuse qu'on nous dit à long terme, tu sais, on ne sait pas trop, là. Puis, encore là, vu qu'on est des tatas. Parce qu'Arruda, tu sais, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ouais, mais si j'ai dit qu'on portait pas le masque au début, c'est parce que les gens, il fallait qu'ils s'éduquent à se laver les mains, puis la distanciation sociale. Là, après que ça s'est appris, puis que l'éducation s'est faite, là, on peut mettre le masque. Il est en train de nous dire que on est trop cave, puis il fallait à tout prix nous mentir au début parce qu'on n'est pas capable de se faire éduquer d'une façon honnête, tellement on est des sans-dessins. Mm-hmm. Je veux dire, c'est tellement con comme stratégie de communication, c'est tellement insultant. Ben, c'est infantilisant, tellement... c'est du gouvernement à son meilleur. Moi, c'est plus qu'infantilisant, je trouve ça insultant. Je trouve ça insultant parce que c'est lui, là, l'enfant, qui pense qu'on ne raisonnera pas, qu'on ne se rend pas compte. Là, il y a quelque chose là-dedans qui n'a tellement pas d'allure. Moi, quand il a sorti ça, j'ai dit, ils doivent donc se trouver brillants d'avoir sorti cette rationalisation-là à 4 cents pour justifier cette façon d'agir-là. Ils doivent se trouver bien, bien brillants parce que ça a l'air logique. Mm-hmm. Tu sais, pour quelqu'un qui est d'un état anxiogène puis qui regarde ça, il dit « Ah ben oui, ok, là je comprends pourquoi il se contredit. Ben, » c'est ça. « Ah là je comprends pourquoi il se contredit. » Hein? Il va faire à croire que ça fallait à tout prix nous mentir puis nous pour qu'on apprenne à se laver nos petites mémines, nos pattes. Puis, comme tu sais, je veux dire, le Chris, même un chien, je vais être plus respectueux de son intelligence que ça dans son éducation. Puis je vais pas essayer de le... De, même, non, c'est de l'impédier. C'est là qu'on voit, c'est pas les autres là, qui... Puis lui, d'après moi, il a été choisi pour ses défauts. Genre de personne, tu sais, quelqu'un là que... Tu vas le payer, puis tu sais, tu lui dis de dire, mettons, du bon, là, tu vas dire à ta gang telle affaire. Puis là, après ça, tu vas dire à ta gang le contraire le lendemain. Ça prend quelqu'un que tu le sais qu'il va t'obéir. Mm-hmm. Tu le sais qu'il va t'obéir, puis en plus, qu'il polarise les retours, il s'en fout. Puis même au niveau du système nerveux, là, ça, c'est dur, ça. Fait que d'après moi, là, il est en vacances. Faut qu'il se repose. Mais en lien avec tout ça, pour les gens qui nous écoutent, justement, pour ne pas être des victimes de la crise, il faut s'occuper de prendre soin de son système nerveux puis prendre une distanciation, non pas sociale, mais une distanciation de l'influence hypnotique de gens qui nous amènent avec des programmations. Oui, mais quand tu connais les techniques puis la mécanique, oui. Puis que c'est bien plus difficile de te faire... Puis tu peux surveiller de proche. Tu peux regarder de proche. Puis ça n'aura pas d'effet nécessairement. Ben ça, des fois, je me dis... Des fois, c'est surprenant, là, en tout cas. Mais il reste qu'une fois que tu as intégré les lois, parce que ce qu'ils font, dans le fond, c'est... Admettons que tu veux faire de la suggestion mentale, ou c'est lié aux mécaniques de l'âme, puis mm-hmm. comment l'information est traitée, comment le système nerveux est fait, comment la mémoire fonctionne, l'âme. Mm-hmm. Tu as des âmes individuelles, puis tu as les âmes collectives, c'est interrelié. Tu peux traverser d'une en passant par l'autre, puis bon. Mais l'étude de l'âme, à laquelle ils se sont tellement, tu sais, au point, là, de... C'est vrai, il y a des affaires qui ont été faites pour étudier l'âme, qu'il ne faut pas en avoir, je pense, pour faire ça. En tout cas. Puis, mais il reste que c'est limité, ça. Puis ils ne savent pas, on dirait. Ils ne savent pas. Parce qu'une fois que la mécanique de l'âme est intégrée par elle-même, il y a un contact avec l'esprit. Parce que l'âme ne peut pas se corriger elle-même. Mais une fois que les circonstances ou par l'extérieur, il va se produire quelque chose qui fait que... C'est un phénomène que les gens qui étudient certains phénomènes, ils savent ça. C'est un peu comme si tu étudies tes rêves, mm-hmm. tu as plus de chances de devenir lucide dans tes rêves. De la même façon, si tu étudies les mécaniques ces techniques-là, puis tout, tu as plus de chances de développer de quoi de méta qui est au-dessus de ces affaires-là. C'est pour ça que je dis, l'affaire là, d'être émotif, puis de polariser, de se positionner soit pour, soit contre le masque, c'est là que la population est dans le conflit triangulaire, elle reste à la surface, puis elle ne voit pas la triangulation. Non, je comprends, on ne peut pas procéder à une méta-analyse de la situation. Elle reste dans un mental polarisé. Par contre, le point, bon, si je prends mon cas en tant qu'égo, l'idée de porter un masque à chaque fois que je sors dans un lieu public intérieur ne me plaît pas. Ça me contrarie. Fait que, tu sais, je peux dire, je vais faire la conformité d'un parent, je ne m'opposerai pas aux gens en place, mais si à l'intérieur, je bouille de frustration, c'est ça, là, comment que je compose avec la situation, là. Ça, je pourrais pas dire. Ben, bouillir de frustration, je pourrais pas dire. D'expérience. C'est parce que dans le fond, moi, je me sens. Peut-être que c'est mon vécu puis mes antécédents passés, mais moi, cette idée-là de porter le masque tout le temps, pour moi, c'est un symbole de soumission à des croyances liées à la crise. Puis, ça me crée. En tout cas, j'essaie de m'habituer, mais j'ai de la difficulté, là. Pourtant, c'est juste une forme. Il y a des gens qui m'ont dit, mais là, tu capotes, le masque, c'est juste une forme. Ben, c'est sûr, moi, c'est surtout technique, puis la colère est surtout plus de voir. À quel point ça se rend que moi, l'individu, il faut que je m'en mette un parce qu'il contrôle le collectif. Là, c'est sûr que... Parce que moi, j'ai tout le temps vécu ça un peu de même. J'ai tout le temps été bien individué. Puis c'est les techniques d'induction puis de la façon que le système d'éducation fonctionne. Okay. J'ai tout le temps été bouillant par rapport à ça. Puis là, j'arrive à des affaires de même puis je bouille pas de colère. Parce que j'ai déjà dans l'idée que c'est de même. T'étais déjà habitué, parce que ça, c'est comme la forme hyper extériorisée de toute cette manipulation dont tu percevais déjà au préalable les subtilités. Ben, à mes yeux, le monde qui va souffrir d'une perte d'une liberté, il y a des bonnes chances que ce soit parce que c'est psychologique, puis on a une notion psychologique de cette liberté-là. Parce que c'est comme je t'avais déjà dit à un moment donné, s'il arrive du monde, puis ils disent « Astor, tu te convertis, puis tu pries 5 fois par jour », ben je vais le faire. Je vais le faire parce que c'est une game, puis c'est une question de survie. Ouais, je fait compte. Que l'affaire, tu sais, j'avais dit qu'il faut être un parasite des fois pour survivre. Fait que pour moi, le masque, oui. C'est une couverture qui me permet d'avoir la paix. Exactement, mais en faisant ça, qui dit mot consent dans un sens, parce que c'est une conformité d'apparence qui est là. Fait que pour moi, c'est technique. Oui, mais en même temps, mais c'est parce que si tout le monde pense comme ça, qui s'opposerait en fait au masque, ce que ça amène, c'est que ça nous amène dans une voie de conformité, puis il y a un engrenage. Que là, si le masque réussit à passer la distanciation de 2 mètres, le lavage de main, après ça, probablement que la prochaine étape, c'est le traçage numérique. Tout le monde avec leur téléphone intelligent, un peu comme en Corée du Sud, sont repérés sous prétexte qu'ils peuvent, dans le fond, propager le coronavirus. C'est peut-être un petit peu plus loin, puis c'est par étapes. C'est pour ça que je dis là, il y a une petite accalmie, puis ça va prendre plus de... C'est ça, mais tu connais l'histoire de la grenouille que tu mets dans de l'eau, qui progressivement t'a fait bouillir, mais la grenouille, elle va rester avec l'eau, puis comme elle est confortable, puis la chaleur, ça se fait tellement progressivement qu'à un moment donné, elle va être cuite, puis elle va mourir, puis elle sortira pas de ça. Ben oui, mais l'affaire, là, le traçage numérique, oui. Puis ces choses-là, c'est là, je te dis, on dirait qu'il y a des affaires qui leur échappent. Parce que ça ne marchera pas comme ils pensent. Ils connaissent très mal, on dirait, la nature humaine. Puis les ressources insoupçonnées dans l'homme. Peut-être l'esprit de l'homme, si on peut amener ça sur un terrain. Parce que là, une guerre, c'est sur toutes les plans. Mm-hmm. Puis c'est des rapports de force. C'est des forces qui sont en rapport, puis ils se posent plus après. Bon. Ils laisseront pas faire ça. Là. Il y a des affaires, il y a des choses qui sont liées à l'être humain, à l'homme, qu'il y a déjà un plan. Puis l'involution fait partie de l'évolution. Donc, il y a des affaires, on va tout le temps se rendre à la limite. À la limite de la catastrophe ou bien de... Mais ça marche jamais. Ils n'ont jamais réussi. Il y a eu plusieurs, regarde même en Italie, là, les opérations Gladio puis tout. Même les Italiens, quand il y a eu les vagues d'attentats, par exemple, là, supposément, là, les attentats de fondamentalistes, l'Italie est restée à l'abri. Pourquoi? Parce que les Italiens sont au courant. Ils ont connu dans le temps les opérations Gladio. qui étaient des faux communistes puis des faux anarchistes qui faisaient sauter des bombes dans des gares, des affaires de même. Puis ça s'est su que c'était des affaires de la CIA, puis c'était lié à créer de l'instabilité pour des intérêts de politique extérieure, puis de bon. Fait que quand ils ont commencé à avoir des attentats en Europe, je regardais l'Italie, puis l'Italie, ils vont être moins portés à faire ça. Pourquoi? Parce que les Italiens, ça fait pas longtemps que ça pourrait raviver. Mais en même temps, ils ferment le gueule pour ce qui se passe autour. Mais d'un autre côté, si tu regardes en France, les avocats qui là-bas qui font les démarches légales, c'est des Italiens surtout, on dirait, des gens d'origine italienne. Puis même ici, là, au Canada, M. Galati. Puis c'est drôle ça, mais on m'a tout le temps dit, les Italiens, ils sont en arrière, ils sont supposés te couvrir, puis là, à un moment donné, tu te rends compte que tu es obligé de faire le ménage toi-même parce qu'il n'y a personne qui te couvre, là, quand tu t'en reviens en arrière pour dire, non, vous autres, vous couvrez, il n'y a plus personne, ils sont partis. Puis c'est drôle le contraire, je trouve, là. Ils sont plus courageux que d'autres en ce moment. Puis c'est là qu'on voit que, tu sais, je veux dire, les Québécois. T'sais, juste dire quelque chose, il y a du monde juste oser parler de certains sujets, oser parler de ça. Ils ont peur. Ils ont Exactement. peur. Puis c'est normal parce que là, c'est des histoires de. T'sais, on est. Admettons, quelqu'un qui ose prendre position, puis tout. Puis après, il se rend compte, son boss, il passe à job. Il y a de la misère à retrouver un emploi. Il y a des problèmes avec des fonctionnaires. Sa femme le laisse. Il essaye d'avoir un emprunt en banque, il n'est plus capable, parce que ça se défend. Hein? Tu peux être sur une liste, puis y a toutes les portes se ferment. C'est pour Non, ça que le monde a peur, ben mais ils le exactement. savent inconsciemment, quelque part, ils le sentent. Exactement. C'est sûr que présentement, sur la place publique, c'est très rare, les médecins, les pharmaciens, les infirmiers qui vont oser critiquer, le port du masque obligatoire puis les mesures sanitaires mises en place, là. Ben, tu sais, c'est comme. À un moment donné, quand je me suis dit, je regardais ça, puis je voyais déjà des affaires de même, j'y connaissais les. Puis je me dis, il n'y a personne qui parle de la triangulation, le grand trapèze, le pentagone, puis ces formes-là, ces techniques-là. Puis je me suis dit, moi, je vais en parler, j'ai rien à perdre. Moi, j'ai rien à perdre, je vais en parler. Puis je me suis rendu compte que j'avais à perdre. Puis je le savais pas. Puis, tu sais, parce que j'étais déjà arrivé d'autres affaires avec, que je m'étais encore mis, bon. Un peu dans le pétrin, mais ça faisait un bout, puis tout, je me suis dit, je vais refaire, sauf que là, ce sera pas sur les réseaux sociaux, que j'ai fui à m'amener les réseaux sociaux. Puis finalement, je me suis rendu compte que, tu sais, je veux dire, on a tous de quoi à perdre. Mais par exemple, il y en a un, tu sais, il y en a un qui a dit il y a pas longtemps, il dit, oh, moi, mon prix, c'est 1 million. Exact. Ben, moi, si j'avais un prix, là, vous auriez pas un moyen, personne. Moi, c'est ça. Parce que mon instinct de préservation est. J'ai été des années dans un état psychique de grande souffrance parce que j'arrivais pas à accepter ce que je voyais. Il y a des affaires, j'étais dans un état dépressif profond. Puis ça a duré de l'enfance, une partie de l'enfance jusqu'au début de l'âge Mais ce qui adulte. est intéressant, Puis. c'est que rendu à l'état présent, tout plein de gens sont dans des états dépressifs profonds à cause de la crise du coronavirus. Comme toi, à la base, tu as été préparé à vivre ça, bien, ça t'a préparé à faire face à l'événement sans être C'est rien. déstabilisé par rapport à ça. C'est rien ce qui se passe. Mais Quand pour tu as beaucoup de eu personnes, envie, c'est tous les gros. jours, Oui. quand tous les jours tu as eu envie que tout le monde n'existe plus pendant 20 ans, puis que tu n'avais aucun espoir de. Puis, tu sais, moi, je veux dire, je trouve ça comique. Si c'est ça la game, puis c'est ça qu'il faut vivre, puis ben, je vais essayer de savourer ça. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Je veux dire, j'ai déjà eu envie de mourir tous les jours de ma vie pendant des années, j'étais dans un état, là. J'avais tellement de colère, de haine, de la haine, puis de la peine. Ben, quelqu'un qui a traversé ça, là, Bien, c'est tu sais, plus je veux facile de dire. traverser la crise du coronavirus parce qu'il a déjà vécu un étau quand même assez intense au niveau psychologique. Mais pour les néophytes, les nouveaux initiés de la crise actuelle de l'ère COVID, pour eux autres, c'est un défi. Les gens qui ont grandi dans la ouate, les bébés gâtés, les enfants rois qui n'ont jamais connu de difficultés, ils n'ont pas eu la Première ou la Deuxième Guerre mondiale ou de problèmes psychologiques importants dans le passé. Donc, ces gens-là, du jour au lendemain, qui vivent dans un confort dans les pays occidentaux avec une relative aisance, avec les nouvelles technologies, d'être confrontés à cette crise-là, c'est beaucoup. Mais c'est sûr, parce que, justement, comment je pourrais dire ça? L'être humain, c'est ça l'évolution. L'être humain, il n'a pas évolué, c'est le contexte qui a évolué. Comme je disais, on a accumulé de la mémoire. Mm-hmm. Puis là, ben, il va falloir peut-être en perdre. Puis il y a bien du monde qui ne passeront pas, ben justement. Tu sais, je veux dire, pis c'est pas l'affaire de se réjouir de tout ça ou pas, on sait pas, puis c'est pas nous autres. Mais tantôt, moi, ce qui était particulier, c'est que tu me disais que tu étais enthousiaste, là. Oui, ben oui. Oui, Chris, ce que tout c'est... Moi, je suis venu au monde, je considère que je suis venu au monde dans un monde qui a pas de style d'allure, puis qui en a jamais eu. Vraiment, là. Mais j'étais, c'est ça que... J'étais petit, okay. Là, je regardais aller ça, là, puis je considérais que c'était la planète des fous. Puis je trouvais le monde fou. Ben là, t'en as la confirmation, là, présentement. Je suis venu au monde. Moi, ouais, je suis venu. C'est comme, il y en a qui disent, on est rendu dans une dictature. Ben oui, mais Chris, je suis né, moi, d'une dictature. Ça a tout le temps été une dictature. J'ai jamais rien vu d'autre. Sauf que là, c'est visible. C'est ça. C'est comme toi, tu voyais, dans le fond, la pointe de l'iceberg, là, dans le fin fond. Dans ce cas-là, la partie visible se manifeste avec... sur l'iceberg. Oui, mais il n'y avait pas de dictat là, qui frappait l'imagination des masses, comme l'histoire du port du masque, justement, obligatoire, puis tu sais, les pancartes un peu partout. Puis... Tu sais, un ours qui est visible, il est à moitié abattu déjà. Oh! Est-ce que le fait, justement, que le côté dictatorial que prend certaines démocraties est le signe qu'elles sont sur le point de tomber ou d'être transformées? Il va avoir un... Il va y avoir une instance. Ça, c'est, tu sais, je vais m'avancer, là. De toute façon, c'est su, ça. Okay. Il va y avoir une instance, puis on va tout être en dessous de tout ça maintenant. Tu sais, je veux dire, ça va être l'autorité, mais ça ne durera pas plus que 2 ans et quelques. Puis ça va tomber. Ben, il y en a qui parlent que l'ONU, tu sais, l'ONU qui regroupe les différents pays au niveau embryonnaire pourrait être une instance supranationale qui a beaucoup plus d'importance, qui va prendre le relais des gouvernements qui ne seront pas capables de faire face à la crise économique qui va suivre le problème du coronavirus. Puis la journée que vous vous rendez compte que les forces de police qui patrouillent les capitales, c'est des forces de police genre... tu peux avoir quelqu'un du Nicaragua qui patrouille à New York, puis c'est des uniformes vraiment poliés et qui sont tout sont un peu nationaux. Comme les casques bleus, si tu veux. Exact. Ouais, comme les casques bleus. Mais une instance vraiment de police, des affaires que c'est pseudo-militaire, mais ça remplace des sûretés municipales, genre. Là, c'est parce que c'est fini. Je veux dire, c'est parce qu'on est rendu ça, ça va être installé pour vrai. Là. Moi, à mes yeux, c'est ça. Puis aussi, on va encourager des affaires. De plus en plus, il y a des tabous qui se rompent, puis ça a rapport avec tout ça, puis... C'est quelque part, c'est pas viable leur affaire, ça marchera pas comme ils pensent, puis ça va tomber à terre. Puis c'est tout le temps ça qui était dit. Ça marchera pas. Mm-hmm. Puis là, moi, je sens peur. J'ai l'impression qu'ils ont peur. C'est pour ça l'affaire de. Tu sais, que l'autre a dit, ben là, on n'aura pas le choix, c'est sûr qu'on veut monter dans les mesures de répression. Puis rien que dire des affaires de même, rien que la façon qu'ils agissent, puis tout. Ils sont tu parles pas sûrs, de Geneviève Guilbeault? Ouais, ben elle, il y a sorte quand il y a vraiment de la... Ben, en tout cas, moi, j'appellerais ça... Moi, je trouve qu'elle a fait ça le job un peu souvent, là, quand c'est cette dame-là. C'est quand ils veulent le ménager à Rouda ou nous faire prendre des vacances. Mm-hmm. Mais moi, l'affaire, là, en avant du gros truc de SWAT tactique, là... À dire ceux qui osent s'exprimer, je vois tout le temps. C'est des gaffes, là. Ben, elle a dit aussi soyez dociles. Dans les premiers temps, elle dit on continue à être docile et obéissant. Tu sais, elle nous parle de même. On continue à être docile et obéissant. Ça sonne que. Tu sais, les amis. Puis ça, faites bien attention. Moi, dès que je suis arrivé à maternelle, puis j'entendais ça, les amis, là. Gars, Oui, mais les amis, c'est ça, je choisis. Moi, quand je dis mon ami, c'est mon ami. Je veux dire, c'est pas quelque chose d'un statut social collectif. Parce que là, tu sais, ça me fait penser dans le temps, les communistes, camarades, c'est tout camarades, tu sais, t'as tout la même crise. Puis c'est pareil, les amis. Les amis, ou chers concitoyens. Tu sais, j'aime autant quand Legault dit oui, bonjour tout le monde. Tu sais, ça, c'est correct. Ça, je veux dire, le bonjour le monde. Mais c'est une maudite façon, au niveau du langage, de créer des façons d'encercler l'individu dans le psychologique collectif. Puis ça marche par la répétition. Puis c'est, il y a quelque chose de répétitif Ben c'est là-dedans. ça, il y a un adage qui dit plus que tu répètes un mensonge qui est gros, puis plus que tu le fais avaler. Fait que c'est sûr que si on applique ça à la Ouais, menace du ben. coronavirus, à force de nous répéter avec des statistiques puis tout que c'est une menace, les gens finissent par y croire, là. Ben, c'est une mécanique de suggestion, ça. Vraiment, là. Dans le sens, c'est comme. Tu sais, je veux dire, c'est comme une pub. Ils te la passent pas une fois, la pub. Non, Ils vont non, t'en c'est passer plusieurs 100 fois. fois. Exact. Bon, c'est ça. T'sais, ça mange dans même la cervelle. Tu sais, dans le sens. Quand tu écoutes la TV, tu as un programme avec une histoire puis tout. Puis ça, c'est pour t'endormir. Puis après, là, tu es bombardé de suggestions. Ça, c'est les pubs entre les programmes. C'est à ça que ça. T'sais, c'est juste ça, là. C'est pas si compliqué que ça. J'étais en maternelle, puis la prof, elle mettait une cassette, puis elle faisait écouter ça aux jeunes. Puis je me mettais tout le temps en retrait, puis je regardais pas la cassette, je regardais les autres enfants. Se faire programmer. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Ils étaient tous penchés, là, puis les yeux de même, puis la bouche, là. Puis ils jouaient après leur lacet, puis ils sont d'un état second. Ça, je l'ai remarqué tout de suite. Je l'ai remarqué tout de suite. J'étais petit. Puis il y a quelque chose là-dedans que. Après, je me suis tout le temps assis en arrière dans la classe, tout le temps. Fait que je passais pour un pas fin. Parce que les pas fins, ils s'assoyaient en arrière. Non, non, c'est Mais. ça. Tu étudiais la dynamique sociale déjà à un âge précoce. Puis un peu comme tu disais tantôt, là, tu étudiais les gens qui portent le masque dans les lieux publics. Ben oui, ben je voulais aller voir ça. En même temps, j'avais faim, je voulais déjeuner. Puis je vais jamais au restaurant. Cette journée-là, j'avais envie d'aller déjeuner. Puis je n'ai profité pour vous observer ça. Puis aussi voir que les gens sont. Ça va faire ressortir le meilleur comme le pire. Il y a un homme qui est rentré, il n'était pas au courant, un monsieur probablement qui n'a ni Internet ni la télévision. Puis la dame en caisse a dit, ça prend le masque, monsieur, je vais vous en vendre un. Tout de suite, elle y a vendu, puis il n'y a pas eu de. Elle l'a vendu combien? C'est ça l'affaire. Oh, je pense que deux et quelques. OK. C'était pas cher. OK, elle n'a T'sais, pas cherché à tirer profit du fait qu'il n'y a pas de masque pour non. vendre ça à un prix exorbitant pour. Ben non, le but, c'est de ne pas avoir à se chicaner avec la clientèle. Si elle veut que T'sais, la s'ils ne vont clientèle pas, je leur vais leur vient. vendre. C'est sûr que C'est si elle ça, veut puis que je la clientèle pense leur même. vient, mais il y a des commerces qui donnaient, je pense, à Montréal gratuitement le masque là, aux clients à l'entrée. En tout cas, tu sais, ça va faire sortir le meilleur comme le pire. Moi, j'ai pas eu de mauvaise expérience. Une fois, j'allais à une pharmacie pour une commission pour quelqu'un, puis il y avait une machine qui sonnait pour quand tu avançais un par un. À mesure qu'il y a des clients qui sortaient en avant, tu pouvais rentrer en arrière parce qu'il y avait une sorte de sonnette, un peu comme un intercom, là. À chaque fois que ça sonnait, on pouvait avancer. Mais moi, les affaires électriques, des fois, ça, je sais pas pourquoi, ils buguent quand je suis proche. Aurais-tu Puis, un taux vibratoire particulier? je le sais pas, mais c'est déjà arrivé des affaires avec des fax, puis des téléphones, puis des affaires. Ben, quand j'étais à quelques pieds, tu sais, il s'y met à sonner à répétition, ding, ding, fait qu'on avançait. Mais une fois rendu à la porte, une des employées de la pharmacie, elle me crie après, elle a dit, vous devez attendre que ça sonne avant d'avancer. Puis la grosse crise, là. Comme si j'étais en train de déféquer à terre dans l'allée, là. C'était une crise de même. Puis Exactement. je l'ai regardée, j'ai dit, ah, c'est ça qu'on fait, elle arrête pas de sonner, ta machine, elle a le piton collé. Mais j'ai pas dit, tu sais, je l'ai vouvoyé, j'étais faim. Puis là, j'y vais, elle a comme bugué, genre, comment ça, tu sais? Comment est-ce que c'est possible? Puis là, elle ouvre la porte, puis elle entend que sa machine, elle sonne, puis elle voit le monde qui. Puis elle était comme tiltée, la fille. J'ai regardé, j'ai dit, bon, ben, Je vais attendre que vous retrouviez vos esprits, puis je vais peut-être en revenir à un moment donné. Parce que moi, je me ferai pas crier après pour une dysfonction d'une machine. Hein. Non, exactement, mais c'est sûr que tu marques un point. C'est-à-dire que l'individu qui est conscient de tout ce qui se passe présentement, des manipulations, qui a un niveau de sensibilité élevé par rapport à tout ça, comment composer avec un contexte social qui est en train de se dégrader sous le poids des mesures puis des contraintes gouvernementales? Ah, ben là, c'est là qu'il va falloir avoir bien de l'indulgence et être patient. Puis aussi, ben être capable de. Tu sais, je veux dire, il faut être indulgent. Il faut comprendre que le monde. C'est comme l'autre là, qui fait des crises d'alarme parce que les gens, ils ont pas le masque. Faut être indulgent. Tu sais, je veux dire, ses collègues, ils en témoignaient. Ils disent, mes collègues, ils rient de moi, puis ils sont agressifs. Ben oui, mais c'est parce que tes collègues se décapent. Moi, je le sais que c'est pas de ta faute. Tu sais, je veux dire, c'est l'État qui t'a rendu anxieux de même. C'est que c'est pas de ta faute, tu vas être indulgent. Mais il y a des petits capots aussi. Il y a du monde, c'est comme, tu sais, c'est un nom italien d'un camp, là, il prenait un capot, il venait un petit chef, puis lui, souvent, si tu lui donnais de l'autorité, certains types de personnalités vont en abuser tout le temps. Il y en a un d'une épicerie que j'avais pesé pour prendre du désinfectant, puis ça paraît pas parce que je suis tout petit, mais j'étais assez fort, puis tu sais, j'étais une grosse patente, puis la plupart des clients, il fallait qu'ils prennent leur deux mains, mais moi, d'une main, je l'ai baissé, puis j'ai ramassé mon chose, puis... Il m'a regardé, il dit, tu m'as-tu eu? J'ai dit, oui. Tu sais, j'ai dit, veux-tu voir? Tu sais, j'avais les mains trempées, pareil. Puis, il me regarde, il dit, refais-les. Il dit, comment ça? Et il dit, je veux te voir le faire avec tes deux mains. J'ai dit, non, non, j'ai dit, comment ça, refais-les? Moi, c'est l'affaire, là, c'était à l'impératif, refais-les. Ouais, c'était comme un dirigeant, comment on appelle ça, un militaire qui te donnait un ordre. Hey. C'est parce que lui, il est payé pour faire rire de lui. Moi, je paye. Je suis client, moi, là. Fait que j'ai regardé, j'ai dit, toi, refais-le, oublie ça. Tu me parleras jamais de même. Puis je suis reviré de bord, puis je suis parti. Puis j'ai fait mon épicerie pendant 2 mois, une autre épicerie qui est moins chère. Parce que lui, j'ai dit, tu sais, c'était pas ajusté, c'est la vibration de dominance que j'ai pas aimé. Alors, refais-le. Genre, je voyais que ça... Il y avait quelque chose là-dedans d'une sorte de satisfaction de domination puis d'autorité. Fait que j'ai dit, toi, refais-le, là. Ah, ouais. Toi, là, tiens. J'ai fait un signe de main, là, genre... Puis j'ai reviré de bord, je suis parti. Puis j'y allais. Quand je retournais faire l'épicerie, je me mettais en file parce qu'il faut faire la queue. Puis là, quand j'arrivais en face, si c'était lui puis il me faisait signe de rentrer, j'enlevais mon masque puis je m'en allais. En voulant dire, c'est parce que c'est toi que je m'en vais. Parce que tu m'as dit refais-le. T'as pas d'affaire à parler de moi. Ouais, mais là, t'es en réaction. T'as un esprit de vengeance. Ben oui. Ouais, mais ça, là, admettons qu'on serait pas en coronavirus puis qu'il y a pas d'anxiogène ou un employé de même qui me parle d'une façon, avec ce ton-là, je vais agir exactement de la même façon. Puis quand je vais y retourner, je vais y faire sentir. Mais moi, ça, est-ce qu'au niveau énergétique, n'est-il pas une perte d'énergie? Ça manque pas d'énergie? Non, je récupère l'énergie. Ben, quand... J'étais un petit Chris, j'aime ça. C'est-à-dire que si tu essaies de m'humilier, là, ça se peut que j'aille récupérer l'énergie de temps en temps. Puis je vais aller ben, le voir. Attends une minute. Je vais te le montrer. Tu sais, c'est juste le même. Oui, mais le gars qui se craint par rapport à toi puis il est encore plus en colère, à quel point ça te donne de l'énergie? Ben non, je suis allé aujourd'hui. Ben, gars, moi, c'est récupérer... Ben, je suis allé aujourd'hui, hein, puis ça a donné, c'était lui, puis ça ne me tentait pas d'aller à l'autre, fait que je suis allé par lui. Ben, il était fin, puis je veux dire, il était vraiment correct. Là, il était correct, il était fin, puis c'était plaisant. Mais toi, tu penses que tu l'as changé? C'est un rôle d'ado, aujourd'hui que... Est-ce que tu penses que tu l'as changé ou éduqué? Non. OK. Je l'ai éduqué dans son attitude par rapport à moi. Mais pour le reste du monde, c'est tout le temps recommencé, là. Tu sais, je veux dire, il est averti par rapport à moi. Mais c'est aux autres de se faire respecter. Pour les autres, c'est à recommencer, d'après moi. Parce que ça se pourrait que quelqu'un d'autre, il refasse ça, refais-le. C'est parce qu'il ne s'attend pas, lui, il ne sait pas quel genre de personne il a à faire. Mais moi, refais-le, je sens la dominance là-dedans. C'est impératif, j'ai pas aimé le ton, la vibration du ton. C'est ça que j'ai pas aimé. Puis c'est bien important pour moi, quand il arrive une affaire dans la même, de le dire, de le montrer. Il faut que je le montre. Parce que la personne, si elle fait ça, c'est parce qu'elle sait pas, elle vaut pas. Dans certains cas, c'est de l'inconscience, mais il y a des gens aussi qui ont un plaisir parce qu'ils sont enivrés par le pouvoir, là. L'inconscience pareil. Ça revient de l'inconscience. Oui, mais tu sais, c'est un petit peu comme, admettons, tu as quelqu'un qui va commettre un crime, puis il y en a, c'est prémédité, puis d'autres non, tu sais. Oui, mais même là, c'est de l'inconscience, même quand c'est prémédité. Oui, dans un sens, parce que quelqu'un qui est réellement conscient ne cherchera pas à nuire à autrui ou à Ça. dominer, là. Parce que c'est comme, tu peux avoir quelqu'un qui est complètement délirant, mais à l'intérieur de son délire, se tient tout. C'est le contexte qui fait que c'est un délire. Le contexte extérieur. Ou le contexte qui est créé socialement avec le coronavirus, tu sais, comme à Maton, tu regardes un gars comme, tu sais, je pense à quelqu'un qui va croire que, quelque part, ben là, je veux pas nommer de nom en particulier, là, mais disons que par rapport au coronavirus, tu sais, quelqu'un qui croit que, je vais aller directement, là, que le coronavirus n'existe pas, c'est une création toute pièce de l'État. Puis, il est dans un contexte où tout le monde a très peur, ben c'est sûr qu'il va passer pour un fou, là. Ouais, mais il n'est pas obligé de. S'il est intelligent, il n'y a personne qui le sait qui y croit pas. Non, il n'est pas obligé de s'en vanter sa place publique, se mettre à dos des personnes. Hey, là. Il y en a combien du monde qui voient tout ce qui se passe, hein, puis ils font les épées? Ça, c'est sûr que j'en ai déjà discuté avec des personnes. L'importance de la conformité et d'apparence pour ne pas s'opposer à la stralité des gens. Puis les imbraler dans leurs croyances. Mais c'est pas juste ça, c'est pour pas te faire spotter. Tu sais, moi, je suis pas. Moi, je suis correct dans le sens que je milite pas, je recommande pas au monde de ça. Tu sais, jamais je vais rien faire qui va contre l'autorité étatique. Dans le sens pire que que tu je peux faire, c'est pas. Décrire des affaires que okay. Je le sais qu'ils aiment pas ça qu'on parle de ça. OK. Mais je me sens pas menacé. Parce que j'ai l'impression, si un jour l'État vient me voir, c'est genre, veux-tu une job? Puis j'ai bien peur, c'est ça qui. J'ai plus peur de ça que de me faire persécuter. Moi, c'est ça que je trouve inquiétant. Parce que. Tu sais, j'ai tout le temps eu de l'intérêt pour certaines affaires. Tout ce qui est. Ce qu'on pourrait dire des techniques. Tout ce qui n'est pas connu. Puis c'est des sciences. Puis ma grande chienne, moi, c'est d'un jour me ramasser comme d'autres à certaines époques qui sont ramassés au milieu d'une guerre, qu'ils étaient conseillés, ils étaient pris dans des bunkers avec d'autres membres. Puis, tu sais, moi, je veux pas travailler. Y a rien de pire que. C'est comme. Pendant la pandémie, à un moment donné, je me suis mis à m'intéresser. J'ai recommencé à faire des petits travaux d'ébénisterie. Oui. Pour passer le temps. Parce que j'aime beaucoup, beaucoup ce qui est manuel. J'aime ça faire des travaux manuels. Parce que j'ai besoin de faire des travaux manuels. Parce que j'ai la chienne de ce qui me passe par la tête, dans le sens que. Ben, t'as la je suis pas chienne pour que capable les Européens d'étudier nous de quoi sans comprennent, voir là. de quoi. Pour que les Européens qui nous écoutent comprennent, c'est une expression québécoise pour dire que t'as peur. C'est toutes les affaires que je voulais. Oui. Quand ça part, là. Oui. Pouf, pouf. Ben moi, Chris, les affaires de la voyance par rapport à l'avenir, je vois des espèces de scénarios apocalyptiques avec les changements climatiques puis au-dessus du trois quarts de l'humanité qui est détruite d'ici la fin de la 21e siècle. Fait que là, au moins, des affaires épeurantes, je suis habitué. On n'a même pas besoin d'écouter des films d'horreur pour. C'est épeurant, ça. OK. Parce que ça, c'est comme des affaires catastrophes. Moi, ce qui me fait peur, c'est voir des affaires. Je veux pas voir, comprendre des affaires. Je veux pas comprendre dans ce sens-là. OK. Il y a des affaires, Chris, je voulais pas savoir ça. Je préférais pas savoir. Si tu demandes intérieurement à ton esprit, pourquoi tu as été exposé à ça? Est-ce que je suis capable de le prendre? OK, puis à ce moment-là, si tu c'est demandes. C'est pas parce que je veux pas savoir de quoi que c'est moi qui mène, puis que ben, c'est là que ça va me servir. C'est là que j'allais en venir. C'est que peut-être que toi, en tant qu'ego, t'as pas le goût de savoir certaines choses, mais au niveau de ta contrepartie cosmique, c'est intelligent que tu saches ça. C'est parce que je le sais au fond de moi-même comment ça marche. Mais je veux pas, j'ai pas envie de l'avoir d'en face, me le confirmer tout le temps, puis tout le temps avoir ça présent à l'esprit. Non, non, je comprends, On mais à un vit dans moment un donné, il monde faut être quand même. capable d'assumer son savoir sans pudeur. C'est parce que ça fait. Tu sais, au niveau là, de la gestion de l'énergie qu'on parlait. Oui. Tu sais, admettons, là, tu sais, c'est parce que ça fait perdre de l'énergie. C'est comme juste lire le journal. Je vois des affaires, tu sais, qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils ont voulu mettre dans l'article, mais je vais tout le temps avoir d'autres choses, d'autres choses, d'autres choses, d'autres choses. Lui, sa tactique, c'est ça. Donc, ceux qui ont collé, c'est pour telle raison. Puis là, ah, ils ont toutes mes lumières par là, donc c'est l'autre bord, là, je vais voir ailleurs. Puis je finis tout le temps par trouver de quoi. Puis de. Ben Mais juste si je avec fais oui. rien que ça, là, Oui. je vais vieillir vite. Non, non, Je veux pas. je comprends, là, mais tu sais, juste le triangle de Cartman qu'on parlait tantôt, qui est un outil qui s'applique à plein de choses, la notion de bourreau, victime, sauveur, on regarde un petit peu le journal, puis c'est juste de ça, tu sais. C'est ça. Ben regarde, on a des chroniqueurs. Ben, tu sais, d'habitude, dans un journal, tu avais un éditorial de quelqu'un, tu n'avais pas rien que de l'opinion. À ce temps, c'est une des chroniqueurs quasiment. Il y en a beaucoup de Puis ça, en effet. tu as du monde que c'est des intellectuels de qualité. On le sait parce qu'ils n'ont pas commencé où ce qu'ils sont là, ils ont eu une vie avant. Ils sont plus capables de raisonner, ils sont plus capables de fournir d'arguments. C'est tout sophistique. Ils sont tout le temps dans le. C'est comme un réquisitoire. C'est de l'opinion. Puis c'est subjectif. Du monde intelligent. C'est là que tu le vois, là, que. Moi, j'ai bien de la misère avec ça parce que. Il y a du monde là-dedans que je respectais puis que j'aimais. Puis ça, ils n'ont pas fini. Parce que le monde, ils vont s'en souvenir de ça. Parce qu'à un moment donné, là, t'es trahi. Tu sais, à Maton, là. Quelqu'un que tu as respecté, que tu respectes Mais la tout, c'est parce démarche que tu as intellectuelle, puis de tout, puis là, toujours le la. lendemain, tu te rends compte que c'est un vendu. Tu sais, le monde, ils vont s'en souvenir, hein? Il y en a, ils prennent des notes, hein? Oui, mais ça, des gens qui. Je pense que c'est en politique, j'avais déjà entendu dire qu'après 6 mois, le peuple, globalement, ils ont tout oublié, puis ils vont voter pour le même gouvernement comme si rien n'était. Faut faire bien attention. Moi, quand j'ai commencé à regarder la politique, puis tout, il y a fait longtemps, là, je veux dire, j'allais même pas à l'école. Ça m'intéressait déjà. Fait que je m'en souviens, moi. Je veux dire, Mais ça m'a peut-être que tout le toi, temps tu as une mémoire intéressé. exceptionnelle, là, mais je veux dire, Mais comment oublier ça? ben, tu sais, si on regarde qu'est-ce qui se passe au T'sais, Québec, ils ont tellement tu as fait. les bleus puis les rouges qui alternent, puis là, les rouges font des bévues, ensuite, les bleus sont mis au pouvoir, font des bévues, fait qu'ils remettent les rouges, puis ça fait souvent le yo-yo pendant. Ben là, regarde, là, ils ont créé la CAQ. Ouais. Pourquoi? Parce que le PQ, ça a été gauchisé pour des raisons de part de marché, si on peut dire. Puis les Québécois, il y a encore un fond nationaliste, puis identitaire. Fait que ça prenait quelque chose comme la CAQ. Qui a le côté qui va plaire, qui allait plaire aux gens par rapport au côté entrepreneurial de gens d'affaires puis de gestionnaires, qui d'habitude c'est libéraux ça. Oui. Mais qu'en plus, il y avait l'aspect nationaliste identitaire. C'est Du là que le Parti monde ils se québécois. sont fait pogner. Oui, c'est juste un Ben oui, mélange entre le ça Parti l'alternait libéral puis le plus entre Parti le Parti québécois. québécois puis le Parti libéral. Fait qu'ils ont créé un amalgame, Une espèce de synthèse entre les deux, entre l'antithèse puis Ouais. la thèse, la synthèse. Parce que là, il y avait de plus de misère à. Mais ça va être la même alternance, parce qu'après, la craque, ça va être les libéraux encore. Ça, je suis sûr. Fait qu'on va voir aux Tandis prochaines que le PQ. élections si le Parti libéral va être élu. Tout ce qu'on dit est enregistré présentement. Ben, Donc, si Dominique Anglade n'est pas la future première ministre du Québec, là, ouais. ben, Zé, tu peux me demander n'importe quoi. Tu sais, je veux dire, si c'est pas elle, là, je vais vraiment être. Ben, faudrait vraiment qu'il arrive de quoi pour. Faudrait qu'il y ait des imprévus. Ben, on ne sait jamais. Après tout, quand on regarde qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité dans les derniers mois, avant le temps des fêtes, à l'automne dernier, les caméras étaient centrées sur Greta Thunberg, les changements climatiques, puis on ne parlait pas d'une menace d'une pandémie, puis tout d'un coup, oups, La grande menace mondiale, c'est plus le changement climatique, Ça c'est s'était la parlé en pandémie. masse avant. Ben, ça. Est-ce que pendant 10 ans, ils nous ont parlé de pandémie, là? T'en rappelles pas? Y a un petit peu par bribes ici, par là, mais je trouve que le projecteur était plus mis sur la menace des C'était changements partout. climatiques. Dans les années 90, j'ai tellement vu de films qui parlaient de pandémie. C'était comme une mode. Puis regarde, là, même ma mère, elle a remarqué ça. Elle dit, j'étais en train d'écouter Belle Histoire des pays d'en haut, puis il y a une épidémie dans le programme. Puis là, il y a un nouveau programme qui lance, ça s'appelle Épidémie ou Pandémie, ou je ne sais plus trop. Oui, ben Puis elle dit, là, épidémie. tout d'un coup, pouf, il nous devient une pandémie. Oui, exactement. C'est sûr que ce qui est particulier au Québec, c'est qu'une télésérie qui a été, dans le fond, créée plusieurs mois à l'avance, a sorti au début de janvier 2020, qui s'appelle Épidémie. Et ça sort en même temps qu'on entend parler d'épidémie là, dans les médias, là. Parce que les termes pandémie, hôte, tu sais, tous les termes liés Oui. à la virologie, puis tout, les premières fois que je les ai entendus, puis c'est dans les films des années 90. À partir du début des années 90, ce n'est de plus en plus. Pis ça parlait beaucoup de virologie, puis de. Puis tous les analystes, la plupart des économistes les plus intéressants, ils ont tout le temps dit. C'est le meilleur prétexte pour la prochaine crise, ce serait une pandémie. Au lieu d'une guerre. Parce qu'une guerre, Oui. tu sais, je veux dire, c'est. Non, non, tu commences par une pandémie. Ben, Puis pourquoi là, que après. c'est mieux qu'une guerre, la pandémie? Ben, parce que t'as bien moins de dommages collatéraux, puis ça coûte bien moins cher, puis, tu sais, je veux dire, c'est une opération de com', surtout, entre autres. Oui, Ça dans le coûte bien sens moins cher qu'une que, guerre. s'il n'y a pas de destruction physique, dans le sens les lieux sont préservés. Le militaire, ça coûte cher, là, l'arme. Tu sais, je veux dire, aussi le côté logistique. Faut justifier. Tu sais, tu peux plus arriver avec ta fiole d'anthrax comme dans le temps de Colin Powell, là, ça marchera pas. Ça prend de quoi. Puis, tu sais, il y a des affaires que ça peut marcher, mais pas trop à répétition. Il faut pas trop tout le temps reprendre les mêmes trucs. Puis là, ben, tu sais, je veux dire, c'est parfait, là, pandémie. Bon. Pourquoi pas? Ben d'ailleurs, c'est même pas une pandémie. Ils ont changé la définition du mot pour pouvoir l'utiliser. Ils voulaient cette forme-là. Ben c'est ça, Ils l'Organisme voulaient mondial de ce la terme-là. santé a fait changer la forme là, au cours des dernières années. Les critères ont été révisés à la baisse pour. Ils voulaient ce terme-là. Parce que t'as pan. Oui, ça veut dire tout le monde, là, toute la totalité. C'est pas juste ça. OK, vas-y. Tout. Ben, Ben, c'est pas un dieu c'est de là que des vient Grecs. Panthéon, panthéisme. OK. Ben oui, c'est un dieu, c'est Le dieu le Pan, là. tout au sens des lois naturelles, planétaires, animaliennes, puis même un peu le végétal. Tout ce qui est lié à un culte de la virilité naturelle. Parce que le pan, c'est une espèce de faune, puis bon. Mais c'est de là que vient panthéisme. Ça veut dire toutes les lois. Puis il y a quelque chose là-dedans. Moi, à mes yeux, ils voulaient ce mot-là. Puis est-ce qu'ils se rendent compte pourquoi je ne sais même pas? Mais à mes yeux, c'est parce que c'est pan. C'est pan, c'est les lois du tout. Puis c'est drôle parce que c'est autour de 2011. Je m'étais beaucoup intéressé à un petit roman qui s'appelle The Great God Pan de Arthur Machen. Puis c'est un vieux roman, là, ça fait longtemps. Tu sais, puis c'est un petit livre de rien. Ben, comment je pourrais dire ça? Il y en a qui n'auront jamais le coup. Tu sais, ils peuvent pas se permettre de. Ben, tu peux le cacher dans des œuvres, puis. Même, c'est ceux qui ont regardé ça, la cryptographie, puis l'abbé Jean Tritaine, puis tous ces systèmes-là, ça existe encore. Mais c'est encore mieux si tu peux encoder en te servant des archétypes, mais en tout cas, il y a différentes grilles de lecture d'un livre. Puis ce petit roman-là, il parle un peu de ce qu'on vit. OK, mais Moi, à mes yeux, OK. Mais c'est juste au niveau des principes, parce qu'on est dans une espèce de roman d'horreur pour faire peur aux jeunes du temps. Mais Non, il y a non. plus que ça. Je comprends. Mais après le scénario de la crise dans les prochains mois ou ce que là, à un moment donné, j'imagine que ça va se résorber. Toi, est-ce que tu penses qu'une civilisation nouvelle et créative va émerger de tout ça? Ben non. OK. Ben non, c'est bien trop vite. OK. Moi, à mes yeux, ça va être long, là. Je suis même pas sûr, moi, de voir. Connaître ça de ton vivant? Ah non, je suis pas sûr. Je le sais pas. Mais c'est trop, ça serait bien trop vite. Il va falloir qu'il y ait une grosse patente, là, mettons, là. Mettons, la bébite, elle s'en vient. Puis elle va toffer 2 ans que. Ce qui nous Mais là, mènerait dans combien peut-être de vers temps? février 2023, comme parlait Richard Oh, Glenn. ça va aller par. Moi, à mes yeux, ça Parfait. va plus loin encore. OK. Est-ce qu'il peut y avoir des imprévus, puis tout, mais en même temps, tu sais, je veux dire, ça irait trop vite. OK. Il faut y aller par étapes. À moins qu'il ait trouvé un agenda que tac, tac, tac, tac, ça va tout se placer, ça, je le sais pas. Mais c'est des affaires, tu sais, admettons, je veux dire, telle affaire, c'est ça, puis ça, oui, puis le pouf, pouf, pouf, je vois les. Mais si j'essaye de voir des affaires de même, là, j'ai de la misère. Parce que quelque part, tu sais, c'est un peu comme l'affaire, il y en a pour évacuer de l'angoisse, puis tout, ils vont retourner voir des voyantes, des affaires de même. Mais les forces, ils vont pas nous révéler notre plan de vie de même. Je veux dire, les phases vraiment importantes qui s'en viennent, puis toutes, c'est parce que c'est important qu'on les vive. D'où Fait qu'ils l'effet vont de être restés surprise qui. voilés. Ouais, c'est ça, qui C'est vont être ça. voilés pour qu'il y ait un effet de surprise, pour qu'il y ait plus d'impact sur nous autres. Parce que souvent, j'avais des affaires, c'était voilé. Ben, je disais, voyons, ça, je veux savoir. Puis ça dit, pas de tes affaires. Mais l'affaire, c'est que c'est pas de mes affaires non plus. C'est-à-dire que même ce qui nous concerne, c'est pas de nos affaires. Dans le sens que. Ce que tu as à vivre et à intégrer, si tu le sais d'avance, tu viens tout de fucker le processus d'intégration. Si on le sait d'avance, ça va prendre une autre expérience pour recommencer. Parce que ce n'est pas à des niveaux conscients qu'on se fait travailler par l'événementiel. Puis il y a quelque chose là-dedans que, oui, il faut que ça reste voilé, il faut qu'il y ait des Donc, voiles quelque autrement part dit, sur notre propre plan de c'est vie. ça. Si le voile permet la génération de choc énergétique qui te restructure en profondeur, le fait de savoir le scénario ferait en sorte que les chocs ne seraient plus là parce qu'un peu comme un jeu vidéo que tu connais déjà, toutes les cachettes puis les passe-passe, ben fait que Ouais. c'est moins stimulant de. Ouais. Ben c'est surtout parce que c'est nous autres qu'on est travaillé. Si tu sais d'avance, si t'es un steak puis tu sais d'avance où tu vas te faire attendrir quand ça arrive, tu vas te tasser. Et des fois, il faut que tu sois attendri. Dans le sens que l'affaire du plan de vie qui est voilé ou pas, qui est révélé ou pas, Ouais. c'est sûr que les affaires majeures de notre plan de vie, ça, il faut que ça reste, ça va rester voilé parce que c'est ce qui est inattendu qui crée les chocs. C'est ça qui défoque des affaires des fois. Puis si, à force d'endormir, ils vont réveiller du monde, c'est parce qu'il y a des chocs. Tu sais, je veux dire, il y en a, là, à force de se faire assommer, ils vont se tanner. Bon, il y en a qui vont connaître une saturation expérientielle, puis vont se Ouais. redéfinir à un niveau supérieur. Puis on a toutes nos limites. Cette habitude, l'été, je vais me faire couper les cheveux bien, bien court, puis cette année, non. Parce que le barbier, il a l'air, tu sais, il a l'air le bonhomme, là, qui a un masque d'hockey et une machette. Il a quasiment été obligé de boucher. Moi, je checkais juste ça dehors, je dis non. Je vais m'acheter un clipper, je vais me raser la tête moi-même, peu importe, mais non, ça me tente pas de vivre Moi, je ça. suis En plus, chanceux parce payer que trop. ma compagne m'a rasé le crâne, là, a accepté de jouer le rôle du barbier avec moi, là. Ben, je pourrais essayer ça ici, mais là, je veux dire, ah, tu m'as fait des coches, puis là, je vais y en vouloir. Non, ben, si. Je me dis, coudonc, je vais me laisser pousser les cheveux. Bon, en tout cas, Ça me je trouve que ça pousse. te fait bien, là, présentement, là. Ben, ça fait bizarre, parce que là, j'ai 2 trous. C'est Mais, ça. tu sais. Donc, En tout cas, de toute façon, c'est sûr qu'on va s'adapter parce qu'on n'a pas le choix. exactement. Fait que peu importe la tournure que va prendre la crise du coronavirus, on aura d'autres choix que s'adapter. Puis le fait qu'on ne sait pas certaines informations sur les dénouements qui nous attendent dans les prochains mois fait que ça peut engendrer J'aime bien des mieux pas effets de surprise. savoir. Ça peut engendrer des J'aime. effets de surprise, là. C'est ça qui peut servir les plans de la lumière, ultimement, là. Mais la face, on polarise onde lumière beaucoup. Oui. C'est plus dur après voir le jeu parce qu'un sert l'autre. C'est bien, bien fucké, là, quand on regarde ça. Il y a des affaires même, que j'étais tellement en colère d'avoir vécu ça, puis par après, ça m'a servi. Fait que l'ombre que j'ai vécue m'a aidé à intégrer de la lumière après. Puis c'est pareil pour les collectifs que pour les individus. Donc, c'est un effet de balancier, là. Oui, ben, tu sais, l'ombre, mettons, là, même l'inférieur supporte le supérieur, tu sais, je veux dire, même, mettons, là, si on considère l'intellect, ben, tu sais, l'intellect, moi, je ne l'ai jamais abandonné totalement. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'est pas totalement transitionné, juste pour être adapté aux autres, puis tout, on est aussi bien de garder aussi le réflectif. Mais si tu as ta sensibilité vibratoire, puis il y a possibilité d'avoir les deux en même temps, puis que. Les deux servent. Tu sais, mettons, là, c'est comme mettre une lentille par-dessus une autre lentille. Tu sais, ça finit par un télé. On a encore cet aspect dimensionnel-là, du psychologique. Puis des fois, je regarde aller ça, je me dis, il y en a qui faut qu'ils réfléchissent, sont trop dans l'imputé. On a encore besoin du réflectif un peu. Il n'est pas encore tout transitionné. Je dis pas qu'il n'y en a pas, peut-être qu'il y en a. S'il y en a, ils se cachent, on a l'intelligence qu'on ne saura pas. Mais l'affaire, c'est que si on abandonne totalement l'intellect, aussi on est fait. Parce que le monde qui mène, puis la domination, comme on est en évolution avec des gens qui ont été initiés au niveau d'une connaissance, puis tout, c'est encore par l'intellect que ça marche. Puis ces techniques-là, c'est une science au sens d'une accumulation mémorielle de techniques, de Ouais, qui connaissances. devient de plus en plus sophistiqué, mais le point, c'est que dans l'instruction supramentale, Bernard de Montréal disait que quelque part, le nouvel initié devra mettre de côté l'intellect pour accéder à une nouvelle chose, faut que tu délaisses une chose ancienne. Oui, mais là, tu sais, le temps, ça veut pas dire que ça te servira pas, que ça reviendra pas. Mettons que c'est plus ajusté de l'avoir. Tu sais, je sais pas, moi, t'es pris avec du monde dans une place que vous êtes pognés ensemble, il faut attendre ensemble à cause d'un accident, ou je sais pas. Il va falloir être dans l'intellect un peu. Non, Parce ben, que. ouais, non, je comprends. Faut que tu t'adaptes aux gens. Ben Un oui. petit peu comme ce que j'avais entendu dire, c'est, mettons, la personne qui veut devenir policier, si, dans le fond, ils font faire des tests, puis si la personne, dans le fond, est trop dans la bonté, puis est trop bien, Bon. elle sera pas capable de voir le mal que les autres peuvent faire parce qu'elle portera pas ça en elle, puis elle pourra pas penser d'une manière malveillante comme de potentiels criminels. Ben, c'est sûr, moi, que c'est parce que l'empathie puis la sympathie, c'est pas pareil. C'est-à-dire que pour comprendre comment, tu sais, là, quand je disais, là, je me sens bien plus proche de ce monde-là qui nous, tu sais, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Si j'arrive à voir certaines affaires, c'est parce que je peux me mettre à leur place un peu. Tu sais, souvent, là, à Maton, là, on va me demander, dit tel événement qui vient d'arriver, penses-tu que ça pourrait être telle affaire, telle affaire? Je dis, ben moi, si je venais d'avoir une nouvelle bébelle, puis d'envoyer ça en orbite, puis je voulais l'essayer, c'est sûr. T'es sûr? Moi, tout, je voudrais l'essayer. Tu Ben, c'est ça, comme sais, je me mets à mettons, leur place sans devenir c'est comme eux ça, autres. mais des fois, je suis capable de me mettre aussi à leur place en me disant, ça serait quoi la guerre la plus économique? Ça serait une guerre avec de type bactériologique parce que les infrastructures physiques ne seraient pas affectées. Puis à ce moment-là, il n'y aurait pas un autre ordre nouveau qui serait mis en place avec des méga faillites suite à ça. Puis il y aurait moins de population à gérer. Moi, je ferais une guerre liée à. Tu sais, je veux dire. Mettons, là, au niveau des ondes. Là, ça va être plus ça. Tu sais, avec une machine dans le fond de l'eau, là. Sais, des tsunamis, des. Moi, à mes yeux, c'est ça qui revient le plus économique parce que ça a un effet extraordinaire. Puis après ça, on va dire, ah, c'est les changements climatiques. C'est pour ça qu'il y a plus de tsunamis, puis il y a plus de ci, il y a plus de ça. C'est les mystérieux changements climatiques. Ben, c'est comme, là, il y a eu une explosion au Liban. Oui. En même temps, il y en a eu ailleurs. Hein. Il n'en parle pas. Ah, mais tu vois, je n'étais pas au courant. La même journée? Oui, moi non plus, je n'étais pas au courant. Puis c'est, tu l'as dit, il y a eu en même temps, la même journée. Là, après, je check ça. À quel endroit? Il me semble qu'en Corée du Nord. OK. Puis en Chine. Mais ça ne devait pas être de la même ampleur. Non, mais le fait qu'il y a une synchronicité, puis tout, il y a des affaires qui font que, on peut spéculer pareil. Au moins regarder. Mais comme je te dis, si on peut détecter par satellite quelle substance est entreposée où, puis tout, t'envoies un faisceau micro-ondes, puis tu fais chaud. Puis ça, il en parlait dans le temps de Reagan. Ben oui, donc, ben, c'est pas son rendu haut. Ben, c'est ça, l'arme de défense de la guerre des étoiles, là. Ouais, puis... Sinon, les Extreme Low Frequency, ELFL, là, c'était déjà parlé dans les années 80. Puis sinon, en parlant d'ondes, c'est sûr que présentement, on parle beaucoup de la possibilité d'implanter la 5G, la cinquième génération de téléphonie un peu partout à l'échelle du globe. Toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Ah, la 5G? Je me suis jamais penché là-dessus. Parce que là, avec ça, tu aurais des autos qui fonctionnent de manière autonome. Par la suite, tu aurais de la technologie dite, entre guillemets, intelligente, là. Ouais. Ben, tu sais, là, moi, on dit que ce serait tellement pratique que les choses se conduisent tout seules. Tu sais, ce serait tellement pratique. Parce que, admettons, là, je sais pas, moi, un tel, là, il est en chemin, il vient témoigner pour un procès, puis t'envoies le char face à face à un autre ou dans le décor. Il y a eu un bug. Ah, il y a eu un bug dans le programme, puis le char qui... Il y a eu un bug, puis le char qui se conduisait tout seul, et tout d'un coup, il a fait un face-à-face avec un autre char, on ne sait pas pourquoi. Ben là, ce qui pourrait être blâmé, c'est ceux qui administrent le réseau routier par programmation. Ah, non, parce que c'est des algorithmes, c'est autorégulé, puis donc, c'est y a pas un fonctionnement inexplicable. C'est ça, fait qu'il n'y a pas personne qui est imputable, un c'est peu, ouais, je comprends. Fait que moi, les chars qui chauffent tout seul, là. Mais sinon, la 5G, parce qu'il y en a qui vont dire qu'une population qui est exposée à ça, c'est des micro-ondes beaucoup plus fortes là, que les autres générations, que ça peut faire, dans le fond, créer des problèmes de santé en relation avec une exposition, là, de bombardement électromagnétique là, se rapportant à cette nouvelle technologie-là. Ben là, tu sais, ça s'est rendu, c'est des affaires bien, bien récentes pour nous. J'ai jamais. Mais les affaires pour les armes à micro-ondes, puis tout ce qui est le scalaire, puis tout, ça, oui, ça a un effet même sur l'ADN. Mm-hmm. Puis ça crée des lésions permanentes dans le corps. Parce que carrément, les places qu'on a essayé sur des. En tout cas. Puis, il reste que la 5G, c'est quoi? C'est-tu qu'au lieu d'avoir. C'est les possibilités que ça peut créer. Au lieu de générer un champ, j'en ai partout déjà. Il me reste juste à avoir un catalyseur, une machine, puis je me plugue direct là-dessus, puis j'ai pas besoin de générer un champ, je le détourne. Puis je pense que ça prend plein de fonctions en même temps. Qu'il y a plein d'affaires en même temps. Exactement. Puis curieusement, bien, on veut implanter la 5G massivement dans le monde, dans un contexte où il y a une pandémie ou pseudo-pandémie. Puis là, on amène les gens confinés chez eux puis à faire de plus en plus du télétravail, travailler à partir d'Internet, utiliser Internet pour les transactions. Fait que si on a plus besoin d'Internet, ça devient logique qu'il y ait une plus grande infrastructure pour nous alimenter avec un réseau plus vaste, plus fiable. Donc, ben oui, mais Chris, moi, ce qui me choque, là, c'est parce que, gars, là, ces affaires-là, il n'y a pas que nous autres. Il y a des oiseaux, il y a des bébites, il y a toutes sortes d'affaires. Mm-hmm. Puis, je le sais qu'ils n'ont pas pensé à ça. Tu sais, à un moment donné, il y avait des oiseaux, ils tombaient d'une shot, tout oui. mort. Oui. Bon, souvent, ils ont fait une crise cardiaque, mais l'affaire, c'est que les cœurs des oiseaux, tu peux déréguler ça par micro-ondes. J'ai vu des expériences faites là-dessus. Fait que quand s'il met à tomber des oiseaux, toute une volée d'oiseaux d'un coup à terre, ils sont tous morts d'une crise cardiaque, moi, c'est la première chose que j'ai pensé. Que c'était il y avait un champ micro-ondes qui avait dérégulé leur cœur. Puis, si on regarde les expériences qui ont été faites avec des chorales, là, des humains qui chantent en chœur, il va y avoir une synchronisation des cœurs des gens qui chantent en chœur. Je parle le cœur, la peau dans la poitrine. Oui, Le, les biologique. battements vont. Ouais. Ça, c'est la mécanique vibratoire collective qui va faire qu'il y a une synchronisation des cœurs puis tout. Ben, les oiseaux je veux dire, ils ont quelque chose de sans. Si t'as une volée d'oiseaux qui sont ensemble, puis c'est des oiseaux sociaux, puis sont dans leur affaire d'oiseaux, puis leur vibration d'oiseaux, puis ils sont dans le cossin d'oiseaux, puis que, en tout cas, ils vont tous crever. Je veux dire, s'il y a un dérèglement, Donc, ils meurent tous d'une shot. c'est ça, parce que dans le fond, moi, c'est sûr qu'il y a plusieurs rumeurs là, qui circulent là, sur la 5G, là, mais le fait que ça multiplie le nombre d'antennes dans les cités, tu sais, qu'il y en a plusieurs centaines, des antennes relais, là, à la différence de la technologie actuelle, fait en sorte que l'impact environnemental sur les différentes vies est beaucoup plus grand que la technologie actuelle et qu'on va probablement assister à l'extinction probablement de certaines espèces animales. Ben là, c'est ça. Ben là, d'un autre côté, il en met tout le temps un peu. Mais il Ouais, c'est reste peut-être que, tu sais, exagéré, là, ce c'est que ça je viens de pareil. dire, là, ouais. Ben moi, tu sais, je m'inquiète pas autant pour l'humain que pour son environnement. Parce que au niveau des micro-ondes, là, on commence à toucher à des affaires que on est dans les ondes assez. Tu sais, on commence à approcher. On n'est plus de AM/FM. On est dans ce qui peut faire frictionner des particules entre elles. Et là, ça commence à être. Ben, tu sais, moi, ça m'inquiète pas, là, la 5G, là, sans joke, parce que de la façon que je vois ça, c'est un peu comme ce qui est arrivé en Inde à Bhopal, si c'est ça que ça prend. Je veux dire, à un moment donné, la 5G, s'il y a des effets, on va le savoir, ce sera pas long, là. S'il y a du monde dans des quartiers qui ont des réactions cutanées, puis. Qu'on a en masse du monde qui ont des maladies chroniques, puis que, tu sais, c'est. On va le savoir, ça sera pas long. Non, ça va être clair là, par rapport aux effets, mais il y en a qui invoquent la possibilité d'effets plus pernicieux, c'est-à-dire sur une longue période de temps, une dégradation progressive du système immunitaire, en tout cas. Ça dépend. Est-ce qu'on parle de. Tu sais, c'est parce que là, c'est-tu juste la 5G? Il y a peut-être d'autres Ah, choses. il y a le croisement sur plusieurs variables qui peut affecter un individu, l'exposition à des produits chimiques, des déchets nucléaires ou peu importe, là. Parce que là, avant d'activer de quoi qu'il va faire, peut-être que, bon, avant, il faut qu'il y ait différentes phases pour que ça soit présent dans le corps de la population, puis après de l'extérieur. Ça veut dire que, si, ça veut dire qu'on l'a déjà dans, on a déjà la technologie, peut-être dans le corps, qui va être activée de l'extérieur, je ne sais pas, mais il reste que, moi, je crois pas à la bonté. Je crois pas à la bonne foi des États. Je crois pas à ça. Le devoir d'un roi, anciennement, on disait le seul devoir d'un roi, puis il est redevable envers Dieu pour ça, c'est le bonheur de son peuple. Ben là, moi, je pense que non, ça marche pas de même, ça marche. Ça n'a jamais marché de même. Puis là, on a remplacé la monarchie par la bourgeoisie, puis par la finance, puis envoyé, puis là, on est rendu où? Tu sais, si le confinement, il a servi à poser de la technologie, tu sais, tout le monde est chez eux, là. Fait que tu peux promener, puis poser des affaires. Fait que là, moi, c'est sûr, je regarde de ça, puis c'est le jeune couple qui sont mis à brûler des antennes. Moi, j'étais sûr, je regarde de ça, puis j'ai dit, c'est drôle. C'est drôle, pareil, que ça soit deux jeunes. Parce que moi, je m'attends tout le temps à un bonhomme de 49 ans, là, puis sa femme Thérèse, là, eux autres, là, nous autres, ça va faire, on est écœurés de l'euphorie, puis on a décidé de faire de quoi. Ben non, des jeunes dans le début de la vingtaine. Mais c'est parce que moi, je suis pas surpris dans le sens que les jeunes sont souvent à l'affût des derniers développements. Ils sont peut-être plus renseignés que les personnes plus avancées en Oui, âge. mais justement. Parce que tu te regardes quand je te parlais dans les années 50, qu'il y en a qui avaient des craintes pour la TV, puis tout, c'était des vieux. C'était pas les jeunes. Puis là, en ce moment, ben, quand tu essayes d'influencer ou de lancer des modes, puis tous ceux qui sont vraiment, tu sais, qui influençables, souvent, ça va être des jeunes. Comme là, il y en a aujourd'hui, ils parlaient de l'espèce de tatou numérique, puis tout. C'est au niveau de la jeunesse, ceux qui vont essayer probablement de. Ben, lui, il voit ça de même. Mais il reste que les jeunes, ils sont plus influençables, ils sont plus. Puis, sur l'autre manette, oh, là, le monde. Tu sais, là, le concept de conflit de génération, à mes yeux, ça a été inventé dans les années 50. C'est une affaire inventée. Dans le sens, il y a tout le temps eu, oui, un conflit entre les générations, c'est correct. Mais le conflit de génération, comme on l'a à cette heure dans la tête, ça vient des années 50, des maudites niaiseries de films comme avec James Dean, puis des affaires de même. D'espèces d'archétypes du jeune héros rebelle qui se révolte contre la domination du père. Puis il y a quelque chose de. Tu sais, parce que quand je parle des affaires divisées, puis tout, c'est pas juste. C'est aussi entre les Oui, générations. diviser pour régner. Puis c'est sûr que dans le cadre de la C'est ça. crise du coronavirus, on a une très belle illustration. Parce que la peur que les jeunes contaminent les plus vieux, ou C'est ça. vice-versa, ben tout le monde est divisé, les familles sont Parce divisées. que moi, quand ils sont mis à parler, oh, les bars, il y a Ouais. des éclosions dans les bars, les parties, puis tout, je dis, ouais. Je l'ai vu tout de suite. J'ai dit, Chris, ils sont en train d'instrumentaliser les jeunes, tu sais, les jeunes, puis les vieux, de les mettre, que les vieilles En peur des jeunes, opposition. puis. Ouais. Que l'autre a dit, vous les influenceurs, puis blablabla, vous les jeunes de c'était quoi, de 15 à 35 ans? Oui, c'est ça, vous pouvez le contaminer, puis c'est eux autres qui auraient plus de présentement là, de cas de coronavirus Fait que là, positif, puis ça serait une menace. fait que les jeunes de 15 à 35 ans, selon Mme Guilbeault, ils ont le devoir de. Fait que tout, puis moi, on est chanceux, on est trop vieux. Mais il reste hostie que je trouve ça dégueulasse. Parce que on instrumentalise l'émotivité. Puis c'est sur bord, hein? C'est sur bord. Parce que l'affaire, là, que c'est comme la désobéissance civile, techniquement, c'est un droit. Mais si on dit que si on décide de non, c'est un devoir, là, t'es plus dans le technique légal, t'es dans l'idéologie, t'es dans l'émotif. Moi, j'ai bien de la misère avec la notion de devoir au niveau du droit. Pas à ce niveau-là, pas de cette façon-là, parce que là, c'est rendu idéologique, politique. Ça, j'aime pas trop ça, parce que c'est un droit dans les faits. Mais ça a été dit comme un devoir par justement ceux qui ont théorisé ça. Mais ça revient aux mêmes affaires comme l'invention du peuple. Dans le temps, là, quand il n'y avait plus de roi après la Révolution, puis il fallait envoyer le monde à la guerre, ben là, il fallait inventer de quoi? Tu n'allais pas te battre pour le roi. Fait qu'on va se battre pour quoi? Ben, on a fait de la Révolution au nom du peuple, on va aller se battre pour le peuple. C'est pour le peuple, une espèce de notion abstraite de peuple qui n'est pas le peuple. Parce que ce n'est pas les intérêts du peuple, mais c'est tout le temps l'affaire de c'est pour le peuple. Mais non, tu peux pas aller te battre pour le peuple parce que c'est pas le peuple qui mène. Fait que tu vas jamais te battre pour le peuple, tu vas tout le temps te battre pour une classe qui a décidé que toi t'allais te battre parce que c'est toi qui es en bas. Puis, Oui, c'est mais ça. Mais la l'affaire. subtilité ici, c'est qu'on dit tu fais ça non pas pour le roi, la reine ou l'empereur, mais tu le fais pour le peuple, puis on donne l'illusion que tu participes à. C'est l'invention du patriotisme, ça, du nationalisme, comme on le connaît aujourd'hui. On a créé un sentiment d'attachement aux nations qui était plus fort que un peu comme en France, la religion qui était liée au roi, là, le gallicanisme. On a créé d'autres choses. Ce qu'on pourrait appeler une religion républicaine, qui a fini par, comme les États-Unis, c'est pareil. Même si Dieu est là-dedans, puis c'est tout mêlé, c'est pas comme en France, là. Mais c'est comme l'affaire là, de persécuter du monde au nom de la laïcité, puis tout. Puis ça sert juste de prétexte. Des fois, du monde ne faisait rien de mal. C'est juste du monde qui étudie, je sais-tu, moi, l'homéopathie, puis tout d'un coup, ils se font traiter de secte, puis ils se font. L'affaire, c'est que la notion, les notions abstraites comme ça, le patriotisme, le peuple, à cette heure, qui ont créé une sorte d'identité nationale qui n'a pas rapport avec ce qu'il y a eu avant. Le patriotisme et le nationalisme, ça n'existait pas sous ces formes-là. Ben là, ils veulent détruire ça. Ils vont. Parce que là, tout d'un coup, les nations, c'est comme une famille qui fait que le peuple qui est un individu, il est trop stable. Puis, fait que là, on va détruire la famille qui est la nation. Puis, mais ces affaires-là, je veux dire, ils défendent des affaires qu'ils ont déjà faites. Je veux dire, c'est dans le fond, il n'y a rien qui. On est dans l'abstrait puis dans l'illusion tout le temps. Tu sais, je veux dire qu'on passe d'une civilisation de papier mâché à une civilisation de broche à foin, je veux dire. ça, ils vont tout le temps. La force, c'est d'être obligé de vivre entre deux époques. C'est Mais là, ça, ouais. deux époques, c'est même plus ça, là. On est entre deux C'est ça, on peut mondes. être en deux formes là, par rapport au gouvernement ou la gestion. C'est sûr qu'il ne faut pas être naïf, mais en même temps, la façon que je vois ça par rapport à la notion de peuple, c'est quand même une notion qui me semble plus saine là, que de donner de l'importance au roi ou à l'empereur dans un certain niveau, là. C'est parce dépendamment de type de civilisation, le contexte, puis mais moi, tu me verras jamais me battre pour le peuple. Jamais. Oui, pourquoi? Tu sais, quand je regarde là, comment le monde sont en groupe, puis moi, m'aller me battre pour eux autres, jamais. Jamais. Chris, à chaque fois que j'ai. Des fois, j'ai vécu des situations de réelle injustice, puis tabarnak, il n'y avait personne. Les instances, il a fallu que je me batte pour que les instances elles-mêmes fassent ce qui est supposé être leur mandat, puis ils le faisaient pas. Puis moi, je vais aller me battre pour le pour le peuple. Tu sais, c'est pour ça, des fois, quand je disais, ça peut avoir l'air choquant, mais je me sens plus proche de... Parce que l'affaire, là, de se sacrifier, puis la notion de sacrifice, puis de se battre pour un idéal, puis ces affaires-là, moi, j'étais un petit peu genre... la game, c'est de rester debout à la fin. Ça doit être encore Non, je là. comprends, parce que c'est sûr qu'on peut se faire récupérer dans une espèce de zèle missionnaire, puis tomber dans l'archétype de Jésus qui se sacrifie pour sauver l'humanité de ses péchés, là, puis jouer au sauveur, là. Parce que les héros, on s'en souvient les premiers temps, mais après, tu sais, je veux dire, ça donne quoi, là? Ils sont en train de toute façon, ça, ils veulent, là, ils sont en train de vouloir. Tu sais, nous autres, on a souvent parlé de la mémoire, puis essayé d'enlever de la mémoire. Ils sont en train d'enlever de la mémoire pour vrai. Au Québec, ils sont en train d'effacer la mémoire, hein. Ils protègent plus le patrimoine, toutes les maisons historiques, toutes les affaires qui menaient. Il n'y a plus rien. Ils sont en train de laisser tout. C'est voulu, cela, là. Puis, tu sais, je veux dire, s'il y en a qui sont nationalistes pour vrai, moi, je suis pas nationaliste. Puis, je peux pas, tu sais, mais. Tu sais, allez-y, vous protégez vos cossins, je veux dire, après, parce qu'après, ils vont dire, ben, ils ont détruit notre passé. Puis, ben oui, mais tu dis, le monde, ça n'a pas l'air de déranger. Je fais partie d'une société d'histoire, à un moment donné, dans une ville, puis j'avais tellement l'impression que tout le monde s'en câlissait du patrimoine de la ville. Puis que ça, tu sais, c'était bien plus un club social que quelqu'un du monde qui. De toute façon, on était, moi et ben Ouais, ça c'est une frère, autre on était histoire. deux. On Mais était deux. étant donné que le temps file, puis Moi, ben, ça. moi, il faut falloir que je bouge un peu. Non, c'est ça, il va falloir compléter l'entretien. Comme aujourd'hui, je voulais mettre l'emphase, étant donné que là, on est encore en période de crise de coronavirus, beaucoup là-dessus, là, à l'égard des questions que je t'ai posées. Pour conclure par rapport à cette crise-là, en termes de mots de la fin, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Ça me fout, non. Je sais pas. OK, bon, on a Le fait le mot de tour du la fin. sujet, je pense quand même, là, par rapport à ça, là. Ben, tu sais, ça va peut-être être. Ben, c'est plus un mot de début. Moi, je vois pas ça. Vraiment, là, mon mot de la fin, là, c'est que là, il y a des structures qui vont éclater au niveau Oui. sociétal, puis toutes sortes d'affaires. Puis il y en a d'autres qui vont apparaître. Puis c'est comme il va y avoir des transferts d'énergie de structure à d'autres. Ben, tu sais, si on le voit comme des opportunités, puis on reste à l'affût, puis tout, il va y avoir une adaptation, il va... Je sais pas, j'ai pas d'espoir, mais j'ai pas de désespoir non plus. Puis, ben franchement, là, tu sais, je veux dire, c'est Moi, un ce que peu je vois comme... derrière ça, c'est que les grands gagnants, c'est les GAFA, Google, Apple, les grands conglomérats technologiques là, comme Amazon, qui, eux autres, dans le fond, pendant la crise, ben tout ce qui est informatisé en ligne, la vente en ligne, les réseaux sociaux, ensuite l'écoute de musique en ligne avec Apple, tout ça, ça grossit. Puis le fait qu'on encourage les gens à faire du télétravail, ça fait en sorte qu'ils vont passer encore plus de temps sur Internet avec des activités en ligne. Fait que pour moi, la façon que je vois ça, c'est la numérisation qui s'accélère davantage au niveau de la planète sous le prétexte de la crise puis du confinement pour développer une infrastructure plus grande au niveau numérique à un point tel qu'à un moment donné, le développement de la 5G puis avoir d'autres technologies aussi pour qu'il y ait un plus grand réseau de données, plus vaste, plus efficace, qui va permettre de plus en plus là, des percées en termes d'intelligence artificielle, d'algorithmes, etc. C'est ça. Parce que les réseaux sociaux, bon, le monde, ils se fichent eux-mêmes. Ça coûte moins cher de budget, là, qu'au lieu de faire des dossiers, compiler ça. Puis c'est des algorithmes qui regardent les profils, puis qui ont ce qui sait, tu sais, je veux dire. Google, là, c'est une machine à analyser, puis à faire des calculs. C'est-à-dire que dès que tu tapes de quoi sur Google, là, c'est c'est l'affaire la plus pointue pour étudier le monde. Dans le sens que de surveiller. C'est bien désolé, là, mais ça va être. Peut-être ça va être difficile, il va y avoir des imprévus, ça je suis sûr. Parce que si tout se passe, là, qu'il n'y a pas d'imprévus, puis tout, là, on est sûr de que ça marche, qu'on. Tu sais, ils ont tout ce qu'il faut. Bien, c'est sûr qu'on s'en va vers une espèce de dictature là, électronique ou informatique avec des réseaux de plus en plus vastes et centralisés avec des gros ordinateurs puis peut-être même un système comme le crédit social en Chine là, où les gens sont surveillés avec un système de caméras, ben reconnaissance oui, faciale. C'est qui a financé la Chine? Ce qui est devenu... Quand... Tu sais, je veux dire, il voulait en Chine faire une vraie... Je veux dire, la jeune République, Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek, ils ont été obligés de se sauver à Taïwan. C'est là qu'a fini la vraie Chine. Pourquoi? Parce que les Britanniques, ils ont financé. Ça, tu sais, c'est une guerre dans le sens que là, t'as eu la guerre de l'opium, puis t'as eu une corruption et tout. Mm-hmm. La fin, c'est des tings. Puis bon, tu sais, il y a aussi, on a instrumentalisé parce qu'il y a 56 ethnies en Chine, puis c'est pas vrai qu'ils sont bien différents. On a instrumentalisé une haine entre ethnies, puis. Mais Chris, moi, à mes yeux, c'est l'Occident qui a créé ça. Tu sais, à un moment donné, le monde là, de la guerre froide, avec deux pôles, puis tout. Mais oui, mais c'est qui a financé la chute des Romanov, puis tout ce qui est arrivé après? Je veux dire, le cas. C'est... Moi, à mes yeux, là, ce que la Chine est devenue, ce que la Russie sont devenues, ce qu'est le monde, ça a tout été. C'est lié beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qu'on pourrait appeler, tu sais, comme je disais, là. L'Angleterre, les États-Unis, la CIA, les Mexiques, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Oh oui. Tu sais, c'est qui a créé la Chine comme elle a? Tu sais, c'est ça, là. Non, c'est ça sûr qu'il y a de l'influence américaine, puis il y a des banquiers européens, puis internationaux. Là, je dirais plus à ce niveau-là. Tu sais, on parlait de l'Inde, là. Oui. Bon, moi, je regarde, tu sais, je veux dire, parce que souvent, le plan, il va être... Tu sais, moi, je regarde bien gros les services anglais, puis par rapport au réseau qu'ils ont, mais dans le sens de les alliances qu'ils ont. Ben, qui crée Israël, je veux dire, crime. Tu sais, je veux dire, moi, là, je regarde tout le temps vers l'Angleterre, désolé. Ça a l'air de dire, je veux dire, c'est pas une obsession que j'ai ou une idée fixe, mais Chris, ça va tout le temps là. Ben, c'est ça, historiquement, quand on regarde ça, l'Angleterre a colonisé beaucoup de pays dans le passé. Fait qu'il y a des tentacules un peu partout sur le plan historique. Ben, c'est pas juste ça, c'est parce que il y a tout de quoi par rapport à la Hollande. Puis, parce que dans le fond, moi, je parle pas spécifiquement de. C'est quelque chose d'international. Puis c'est lié à la finance. Puis c'est lié tout au protestantisme à une certaine époque. Parce que dans le catholicisme, tu pouvais pas prêter de l'argent à profit. T'avais pas le droit de faire ça. Fait que les premières vraies banques, c'était des juifs puis des protestants. Puis ça, c'est peut-être ce contexte-là qui a favorisé ça. Puis la naissance de la finance. Puis c'est là, à partir de ce moment-là, on voit, parce qu'au niveau des latins, ça a été une autre stratégie au niveau du remplacement du pouvoir. Tu as des marchands, des bourgeois qui sont même achetés des titres de noblesse à un moment donné. Mais là, ça fait juste qu'on s'est ramassé avec... des marchands florentins qui étaient rendus rois, là, et c'était là du monde qui ont acheté. Mm-hmm. Puis, d'entendre sur le côté judéo-protestant de la Réforme, ces affaires-là, c'est plus par la circulation de valeurs, puis par le clientélisme, puis le patronage qui existait aussi dans les pays. Mais il reste que, tu sais, moi, c'est pas pour viser, c'est eux autres, c'est ta gang-là. C'est pas de même, ça marche, parce que on en a de nous. Tu sais, je veux dire, tout le monde, là, c'est tout le monde, je veux dire. Ce qu'on voit au Québec, là, c'est impossible sans des trahisons. C'est impossible sans tu sais, sans qu'il y ait du monde qui participe puis qui accepte ça. Ben oui, si on Tu sais. accepte la réalité des mesures draconiennes de Fait que coronavirus, l'affaire, puis le c'est pas port du dire, masque. ah, c'est l'Empire anglo, gna. C'est pas ça l'affaire, à mes yeux. Parce qu'à mes yeux, c'est des rapports de force, puis ça tu sais, j'avais de se cristalliser au niveau des événements, puis, tu sais, c'est ça l'affaire. C'est pas tomber dans le piège de dire, bon, ben, les Américains, j'aime pas ça entendre ça, les Israéliens, les Chinois. C'est pas homogène, ça. Tu sais, je veux dire, les Chinois qui ont fui le communisme puis qui vivent à Toronto, c'est pas comme les Chinois à Pékin. Non, non, Qui n'ont pas c'est de. très différent. Fait que c'est sûr qu'il faut quand même faire preuve de subtilité, là. Ben, Mais je vous. mettons. Oui. Bon, faire preuve de subtilité. Ben, ça, c'est correct. Mettons que c'est ça le mot de la fin. Oui, soyons subtils dans notre rapport à la crise du coronavirus. Donc, écoute, je te remercie là, sincèrement pour tout le temps que tu as consacré à cet entretien. Donc, ça faisait longtemps qu'on avait discuté ensemble et on avait beaucoup de choses à dire. Ça fait quasiment 3 heures et demie là, de temps que dure la discussion d'aujourd'hui. Et en terminant, pour les gens qui nous écoutent, qui aimeraient en savoir un petit peu plus sur toi, bien, il existe plusieurs vidéos où tu prends la parole là, sur YouTube, là, où tu Ah abordes oui, différents sujets. Ouais. juste à taper Bertolt puis regarder ce qu'il y a. Exactement. Parce que moi, tu sais, moi, j'ai pas de. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui a la pipe puis qui. J'aime autant qu'on tape mon nom puis qu'on voit ce qui a été fait, que le monde sache je suis où, puis là, il y a du monde qui vient de me taper. Oui. Donc, c'est sûr que tu es quelqu'un quand même assez discret. Et c'est sûr que je rappelle aux gens que c'est malheureusement pas possible là, pour eux d'entrer en contact avec toi. C'est comme ça qu'on fonctionne depuis quand même un certain nombre de mois, vu que tu as cessé ton activité directe au public où tu Ben, répondais aux messages là, sur YouTube, là. c'est que au niveau de ce qui est traité, puis ce que je parle, à un moment donné, la soupe devient chaude, puis c'est le temps De prendre tes d'être en retrait, distances. d'attendre. Ben Exactement. oui, parce que là, ça va, tu sais, quand ça va y aller par là, à un moment donné, fait que moi, j'ai pas envie d'être. Non, non, je comprends, puis c'est bien correct, faut Il y en respecter a qui ça. ont envie, eux autres, ils se mettent sur la ligne de front, puis OK, tu sais, je veux dire, c'est bien correct. Ça leur appartient, Oh donc oui, c'est. opération bouclier humain, merci, les amis. Non, non, Non, c'est une farce. non, non, mais je comprends très bien, puis c'est correct aussi. Et puis, c'est sûr que, dans le fond, nous autres, on garde contact, puis peut-être qu'éventuellement, là, dans un laps de temps, on pourra commenter de nouveau là, l'évolution là, de la crise du COVID-19. Ah oui, même qu'on ait le recul. Exactement. Donc, C'est ça. oui, c'est ça. Fait que, écoute, merci encore une fois, puis je te dis à bientôt. Salut.